J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue ta mère! Si vous aviez l'un, vous aviez l'autre, le vagin et le pénis. Flaubert, Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Bonjour. Oui. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast. Il s'agit du, c'est le numéro 14, je crois. C'est le 14. 14e épisode. Précisément. Comme à l'accoutumée, 4 invités autour de la table. Je commence par Baptiste Le Caplan. Ouais. Oh, merci. Ben, vous commencez par moi. Je fais dans l'ordre de la montée. Des feuilles d'imposition. Hein? Des feuilles d'imposition de l'année en cours. Cette année, je suis pas ouf. Baptiste, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Ok, c'est gênant. Je m'appelle Baptiste Le Caplan. Quelqu'un peut le faire à ta place. Non, si je m'appelle Baptiste Le Caplan. J'ai 33 ans. Je suis humoriste, comédien et auteur. Donc c'est pour ça que je suis pas dans le copie comique. Oh. Ah mais moi j'envoie la savonnette. Ça va calacher à donf, je peux vous le dire ce soir. Nous sommes avec Robinson Latour. Oui. Robinson, bonsoir. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis auteur, j'étais auteur au studio Bagel notamment. Ah ouais. J'ai écrit un très beau sketch notamment qui s'appelle Rocking Chair qui a été absolument adoré. Sur l'intégralité de l'internet français. Ça a été jugé meilleur sketch web. Meilleur sketch de l'histoire. Web. J'ai vu le Citizen Kane du web. Moi, je l'ai vu à la télé, franchement ça passait. Ouais, non, mais sur YouTube, je sais pas ce que j'en aurais pensé. Sur YouTube, bah, apparemment, il y a des gens qui voulaient que je meure, enfin que j'ai des problèmes, que j'ai des problèmes au foie et que je chie du sang. C'était bien. Après, on a fait une série, on a travaillé une série sur le mythique Groom. Groom. Dont et on fait la promo régulièrement. C'est le truc avec... Exactement. C'est pas un truc déjà. Ouais, c'est une série télévisée. J'ai tourné. Ah, c'est pas... D'accord, ok. T'es pas dedans, pas du le tout. Groom, c'est pas avec... comment il s'appelle? Si, Jérôme Niel. Jérôme Niel, ça, c'est un truc avec Service. Groom Service, ça, c'est, le truc que les gens, c'est le truc que les gens ont vu. Nous, on a fait la série qui était... Que les gens ont pas vu. C'est le truc que les gens préfèrent à 6 mois de travail de notre part. Un truc qui a été écrit vite fait, les gens préfèrent ça. Voilà. Continue, c'est souvent ça. Non, mais ça, c'est tellement la vraie vie. Ah, mais moi, je préfère quand t'improvises. Ah, tu préfères pas quand j'ai écrit un truc depuis 3 ans? Non, je préfère quand t'improvises. Vas-y, dis un truc. Okay, vas-y, banane. Voilà, voilà l'énergie. Nous sommes également avec Aurélien Prévost. Bravo. Oh putain, ton nom, il est tellement classe. Merci. Aurélien Prévost. Aurélien Prévost, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Déjà, quand tu vas mourir, ce sera un nom de collège. C'est vrai. Bah moi je m'appelle Aurélien Prévost, vous m'avez déjà entendu ici une fois ou deux. Alors moi, je suis auteur, réalisateur et très sympa. Et youtubeur aussi, on dit, même si j'ai toujours un peu du mal à assumer, genre ça fait toujours un peu ridicule, alors qu'en vrai non, c'est un noble métier qui ne rapporte pas d'argent pour l'instant, mais qui est formidable. Tu as une chaîne liberté. Oui, il y a des gens qui sont des millionnaires, hein, vraiment. Hein, c'est des millions d'euros, donc vraiment. Je ne parle que de moi. Ouais, bah, je déteste l'argent. Nous sommes également, vous le connaissez, il vient à toutes les émissions, quasiment toutes. Quasiment toutes. Et on n'oublie pas, ça se C'est le célèbre sniper de la table, donc attention, mettez des gilets pare-balles parce que là, il tire à tout va. Et pas des gilets jaunes. Oh, il commence. Oh là là, je sais pas. Il s'agit d'Adrien Méniel. Merci beaucoup. Qui a sa chronique dans Quotidien, j'ai vu. Bien sûr. Non. Tu voulais me lancer sur une intro? Non, je sais pas, j'ai tenté. J'ai vu que ça avait peu pris. Non, c'est parce que moi, j'avais prévu autre chose. Ah, mais, pardon, excuse-moi. Du coup, je propose de faire rien à la place. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Une chronique dans Quotidien? Non, pas du tout. Non, je n'ai aucune actu, donc ça peut aller plus vite comme ça. Je ne fais rien. Tu rigoles, t'as pas d'actu, t'es tout le temps, tu fais tout le temps des trucs. Ça s'appelle des stories sur Instagram. C'est pas payé du tout. Bah, il y a des stories sponsor. Ouais, parce qu'on va avoir des paquets de bonbons dans les mains. Si, c'est vrai. Les meufs de la télé-réalité. Ah oui, c'est vrai. Quoi, putain, bah oui. Les meufs de la télé-réalité, elles font des pubs pour des bonbons. Ah, sur les... je suis pas au courant. Bah non, toi, tu follow que des auteurs, de toute façon. Des écrivains brillants. Des femmes nues aussi. Pardon, j'ai ce que je voulais dire. C'est les deux. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Je suis plus connu sous le pseudonyme de Flyrider. Je suis un des leaders des Gilets jaunes. Voilà. C'est Flyrider. Ouais, Flyrider. Et par exemple, il saurait pas l'écrire. Si, demande-moi si je préfère Macron ou le peuple. Ok, bah alors j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que tu préfères le président Macron ou le peuple? Le peuple. Ah ouais, pour moi, le peuple est mieux pour moi. C'est Flyrider. C'est moi, voilà, c'est je voulais fou. Le dire. N'hésite pas à donner un peu ton avis sur l'actu, du coup, pendant toute l'émission. Macron démissionne, je pense. Ah, tu voudrais qu'il démissionne de son poste? Qu'il arrête. C'est ouf. Pour moi, ce qu'il devrait faire. Mais on mettrait qui alors? Non, mais on mettrait qui à la place? Peuple. Mais tout le peuple. Tout le peuple. Tout le peuple. Avec internet, on peut le faire maintenant. Tu fais un sondage. Ouais. Tu dis l'autoroute payant ou pas? Le peuple vote. C'est gratos le lendemain. Le lendemain, c'est gratos. Le lendemain, c'est gratos. C'est gratos. C'est gratos. C'est en énergie. Bon, les amis, merci beaucoup. D'avoir accepté de participer à cette émission. Oh, attention, on est là, c'est parce qu'il y a plus de place pour aller voir glace. On est tous honnêtes. Je l'ai vu ce midi, dis-toi. Oh, tu l'as vu ce midi? Ben oui, je travaille peu. Seul gars qui va au cinéma le matin. Putain, mais t'es fou. Il y a peu de gens dans les salles. Personne le matin. N'y va, mais c'est ceux qui veulent baiser. Enfin, non, j'y vais vraiment très seul. Tu vas tout le temps le matin, c'est fou, quoi. Mais oui, mais il y a personne. T'es pas emmerdé par les gens. Donc au moins. Mais tu peux pas voir un film d'horreur le matin? Non, ça, je vais pas le voir le matin, moi, perso. Bah, glace, c'est un film d'horreur. C'est pas vraiment un film d'horreur. Spoil. Non. Moi, je croyais que c'était la bio du fondateur de Carglass, donc j'avais vraiment pas du tout compris le principe. Non, je te jure, rien à voir. À aucun moment, il mentionne une pièce de 2 euros. Une pièce de 2 euros. Alors que ça, c'est moi ton impact. Je vous ai enthousiasme et pour une pièce de 2 euros, je comprends pas pourquoi les gens. Et le twist à la fin, parce que c'est Shyamalan, c'est que c'était beaucoup plus gros qu'une pièce de 2 euros. Une pièce pas du tout en dessous. 20 euros. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est la terre. Ouais, c'est ça depuis le début. On commence par un truc que vous avez vu récemment. Apprécié culturellement parlant, que ce soit un livre, un film, une bande dessinée, un documentaire qui indique que la fin du monde serait dans quelques années, par exemple, je dis ça complètement au hasard. Aurélien Prévost, sais-tu qu'est-ce que t'as apprécié récemment? C'est nul. J'ai regardé le spécial de 30 minutes. C'est un truc sur Netflix en ce moment. C'est Humoriste du monde. Humoriste du monde, oui, bien t'as sûr. T'as plein de mecs qui font du stand-up dans tout plein de pays. Et des femmes. Ouais, on est woke aussi. On est woke. C'est vrai, non? C'est vrai. Dans un podcast woke. J'ai tendance à considérer que quand je dis mecs, je dis aussi les femmes. Tu vois, c'est vaste. Mais en fait, c'est juste bâtard. Tu veux dire, t'es vite avec les gars. Fly Rider vient clairement de t'es vite un bâtard. 10 peuples. Et j'ai maté un humoriste. C'est très sympathique, il s'appelle Adib. Putain, le nom de famille, quelqu'un peut m'aider. C'est le Québécois francophone. Ouais. Ah oui. Il est super drôle. Ah oui, je me souviens plus de son prénom non plus. À chaque fois, je le. C'est qu'il y a Hallyday et attends, c'est Al-Khalidé. Al-Khalidé, ok. Et c'était trop bien, j'ai adoré, il m'a emporté, j'ai trouvé sympathique. Ouais, et il part dans des bons délires, il arrive bien à t'amener dans des trucs un peu. C'est notamment un des comédiens de Like Moi, l'original québécois. Le sketch, la photo du bébé. C'est lui le mec qui joue le gars. Il a fait un buzz sur le web, je crois d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, je te crois. C'était le terme buzz. Non, c'est je vois ce que c'est. C'est lui qui joue le mec qui veut pas voir la photo du bébé et tout ça. D'accord, ok. Et ça, c'est le stand-up, du coup, je veux pas citer des vannes parce que déjà je m'en rappelle pas et puis je les ferai moins bien. Je serais pas humilié en plus de refaire des vannes. Parce que c'est bien de vous redonner envie de dire il y a un peu ce genre de blague. Mais il parle de quoi par exemple en grande largeur? Il arrive bien à mettre le doigt sur ce qu'on est au fond de nous. Tu vois, j'ai l'impression qu'il observe. Oh l'enfer! Oh là là, les trucs de France, Bleu Bretagne. Est-ce qu'il croque le quotidien? C'était ma question. Comme un vulgaire fou, par exemple. Ouais, mais ça va, c'est très quotidien en même temps, très général. Genre, à un moment donné, il fait une longue analogie entre. Sa meuf qui lui demande d'aller acheter des ingrédients pour faire une recette parce qu'elle lui dit tu fais jamais à bouffer mais je crois en toi tu peux le faire t'as ce truc là et que ça le chatouille comme il dit c'est les Québécois et qu'il parle là-dedans et il raconte ça d'abord sur cette aventure là puis après il dit c'est un peu comme quand Christophe Colomb est parti en Inde sur la requête du roi d'Espagne c'est qui s'est ambiancé en mode il y a des choses différentes il y a toutes les étapes se retrouvent c'est surprenant c'est cocasse non mais du coup j'aime c'est bien écrit on peut dire c'est en même temps du quotidien en même temps ça peut te parler de trucs très général comme soudainement une analogie avec la découverte des États-Unis par erreur c'est ça parce que moi je connaissais pas trop l'anecdote de base c'est très difficile de pitcher un stand-up en fait bah ouais carrément ouais ça parle de quoi c'est ça il faut après il faut se rappeler des trucs parce que quand il est arrivé aux États-Unis il a cru que c'était l'Inde c'est ça vous avez cette ref là bien sûr les Indiens s'appellent les Indien, et ultra cultivé. Regardez le spectacle parce qu'il reste pas. Donc si vous savez pas ça, c'est galère. Mais si vous savez ça, après, vous pouvez vraiment, y aller. C'est quand même assez connu. C'est suite à ça que Waze est venu. C'est ça. Ils ont eu l'idée à cause de ça. Ils ont mis du temps, mais c'est une des vannes qui fait. Donc ça serait pas trop copie comique. Eh ben moi je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai arrêté après la vanne Bonne Nouvelle, le métro Bonne Nouvelle. Tu t'es dit c'est trop français comme vanne. Non, c'est parce que j'ai ma fille qui voulait regarder le film de Tom et Jerry qui sur Netflix. Et j'ai vraiment regardé le film de Tom et Jerry sur Netflix. D'ailleurs, c'est ta recommandation, je crois, culturelle. Non, il parle, les mecs, c'est fou quand même. Bah oui, dans Tom et Jerry, le film il parle. Ouais, je te jure. Bah oui, il y a un spoiler. Ouais, salut, bah tu parles. Ouais, bah moi aussi je parle. Ah bah pourquoi tu m'as jamais parlé? Ouais, faut dire que c'est un film en image réelle. C'est ça, c'est pas un dessin animé, c'est vraiment avec des acteurs et tout. C'est Harry Habitant qui joue Tom. C'est vrai. Jerry, c'est Team Seat. Ouais, j'ai. Je trouve ça une bonne question quand même de savoir si parfois il y a du copie comique mais pas fait exprès. Genre, il y a des gars. Bien sûr, des bien sûr. Bien sûr, sûr, c'est un combat pas volontaire. Le mec, il copie un truc. Non, mais regarde, là, par exemple, moi, il y a des gars qui se font clasher sur Twitter. Je les vois, les pauvres. Il y a un mec qui dit, c'est quand même fou que le lapin dans Bambi s'appelle Pampan. Et les gens, ils font, c'est Baptiste Caplin. Je dis, mais les gars, c'est, enfin, la vanne, elle est trouvable tout seul. Comme une fois, j'avais eu un, Alexis. Tu l'as volé à quelqu'un, en plus, cette vanne. Bah, non, trop pas, parce que je battais les Disney 37 fois, chacun, avec ma fille. Ouais, tu détestes ta fille, vraiment. Non, mais non, je l'adore. Mais à force, ça rentre dans ta tête. Bah non, mais c'est des réflexions de base. Comme quand j'ai vu Titanic. Tout le monde s'est dit, ils peuvent tenir à deux sur la planche. Bien voilà. Sûr. Et Alexis Macquart était venu me voir, il dit, ouais, poto, ça me fait chier, on a la même vanne et tout. Et je dis, c'est quoi? Il me fait la vanne. Je dis, mais c'est quoi le, il n'y a pas de vanne ressemblante. Il dit, non, mais tu dis que les deux peuvent tenir sur la planche. Je dis, mec, enfin, tout le monde, tous ceux qui sont à fond dans le film, disent, pousse-toi, meuf. Tu peux avoir des réflexions comme ça peut arriver, similaire. Évidemment, sur plein de vannes. Ouais. Ce qui est très, très gênant. Il y a vraiment des vannes, tu peux pas. Il y a vraiment des vannes, tu ne peux pas. Enfin, c'est, oui. Et puis quand il y en a 47 d'affilée aussi. Il y en a 47 d'affilée. C'est, et que c'est la 47 fois que tu dis non, c'est un hommage ou c'est un pote. Ça, c'est un peu gênant. Adrien Méniel, qu'est-ce que tu as apprécié récemment, culturellement parlant, que tu as envie de partager avec nous? Moi, il y a un podcast qui s'appelle Strong Songs. Chansons fortes, en anglais. C'est pas si vous putain, merci parce que j'avais pas la trad. SS? SS, exactement. Bah c'est hashtag ça SS. Parle de ça, justement. Hashtag SS, ouais. De façon déguisée, ça parle des SS. C'est top. Non, en disant pas si mal. Hein. Non, c'est hitlérien. Comment? C'est un podcast hitlérien, absolument. Non, c'est un mec, en gros, qui prend des chansons très connues. Et bon, faut aimer la zik. Déjà, j'ai l'impression qu'il faut parler anglais. Faut parler anglais. Faut être full bilingue. Et je vais dire ça et je vais dire ma reco de la semaine dernière vu que tu m'as oublié, donc je vais faire vite. Oui. C'est un sniper, je sais à quoi m'en tenir. Hein. Attention, le petit laser là, il se balade. Je connais la bête, hein, attention. Donc en gros, c'est un mec qui prend une chanson très connue et qui l'a vraiment la décortique, l'analyse et dit là vous avez tel truc, là machin, etc. Il reproduit le rythme, etc. pour le décomposer et tout. C'est vachement intéressant et c'est vachement abordable parce qu'il n'utilise pas des termes techniques de musique. Mmh. Bon, c'est en anglais. Donc en gros, il explique les chansons, comment il a pu avoir l'idée, comment non, il le fait. C'est pas ces chansons. Genre, il prend Africa de Toto ou Single Ladies de Beyoncé et tout. Ouais. Et il les décompose. Il dit, le rythme, il est composé ainsi, machin, etc. Puis après, vous avez tel truc. Et en fait, il te fait aussi découvrir des trucs que t'avais pas entendu, toi, dans J'ai hâte qu'il décompose le dimanche à Bamako. C'est le jour de mariage parce que c'est quand même la même phrase toute la chanson. Et donc, mon autre truc, c'est encore un truc de musique, je suis désolé, mais je suis à fond là-dedans en ce moment. Et c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Chronomusic, K-R-O-N-O-M-U-Z-I-K. Et c'est un mec qui, à la fois, fait des trucs où il t'explique des choses sur la musique, la création musicale, sur même la théorie musicale, etc. Et en même temps, il fait des trucs où, par exemple, il prend un morceau de Ariana Grande, par exemple. Et il l'a refait, mais dans un style complètement différent. Et il explique comment c'est il fait. C'est une quoi. Cover, c'est Béatrice Ardisson, c'est ça? Absolument. Okay. Non, mais il explique étape par étape ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait parce que c'est telle caractéristique de tel style musical, etc. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Et le mec, en plus. Et là, c'est français en plus. C'est français. Ouais, oui. Et comme son nom l'indique, ça va vite quoi. Parce que moi le problème c'est que je regarde pas mal de tutos, de trucs sur la musique. Bah t'es Fury Web, je crois. Je suis Fury Web et Zik. Ouais, c'est ça. Zikos dans l'âme. Ouais, donc les trucs se croisent du coup. J'ai de la corne sur les doigts, ça se voit pas, mais c'est à force de gratter. Et gratter la gratte. Hein. Oui, bien sûr, j'ai bien compris. Non, il va vite, il perd pas de temps. Parce que souvent les mecs parlent déjà. Alors on se retrouve pour un nouveau tuto. La semaine dernière, je vous avais dit que je vous avais expliqué. Moi ça me rend fou en fait. Ouais. J'ai envie de leur dire va à l'essentiel. Et lui va à l'essentiel. Donc d'accord. C'est super. Et voilà. Et c'est vraiment très très bien. Il est très talentueux en plus. Donc voilà. Tu le conseilles, j'ai envie de dire. Je le recommande chaudement. Je le recommande chaudement. Repassons la tour. Est-ce que tu as quelque chose que tu as apprécié culturellement parlant, que tu as envie de partager avec nos auditeurs? Une larme coule sur sa joue, je vous le dis. Quelque chose qui t'a remué il y a pas 20 minutes. Non, je ne parlerai pas de Jean-Marc Jancovici, je vous préviens. Qu'on embrasse d'ailleurs, qui est un fidèle auditeur. Je t'embrasse. C'est qui Jean-Marc Jancovici? C'est le gars, je pense. C'est le spécialiste de l'énergie qui faisait la conférence de 2 heures sur... C'est pas le mec qui a c'est une conférence, ça a été une conférence. J'ai regardé sur internet. Oh putain, tu m'as fait peur. Parce que là, t'es un vrai. C'est à la fin, là, les conférences, en fait, à la fin, le stand de goodies, c'est des cordes, des guns. C'est pour vraiment que tu te butes direct. Non, faut se buter. Des pilules de cyanure, c'est des dents. Les dents que tu peux croquer là, puis tu meurs. Et des casquettes à l'effigie du gars. Et des billets de train pour Quimper. Ouais, c'est ça. Ou là, c'est sûr que la fin du monde a déjà eu lieu. T'es au bout de la France. C'est le bout de la Brest. France, Quimper. Ah non, c'est Brest. Je pense que c'est pas l'île. Après Brest, c'est l'Amérique. C'est la pointe du Raz. Plus précisément, le point le plus à l'ouest de. C'est le Finistère Sud. Combien de fois t'as essayé de te suicider là-bas d'ailleurs? Peu de fois. Mais c'est un très bon endroit parce qu'il y a des falaises. C'est impressionnant du coup. Tu veux Xavier Dupont de Ligonnès qui se bat. Personne ne va le chercher là-bas. Non, moi, il assume et tout, fait ouais, c'est moi. J'attends qu'on dise chat en fait. Robinson, du coup. Le truc que j'ai bien aimé récemment, c'est un livre. C'est un livre, le livre de Michelle Obama, le livre Devenir, que je vous conseille fortement. Parce c'est que là où elle avait fait sa promo, là, la nouvelle, ouais. Où il y avait plus de billets, là, je sais pas. Voilà. Mais ce que tu dis souvent, ce genre de livre un peu politique et tout, et de biographie, c'est horrible et hyper chiant. Et elle a réussi à faire le truc vraiment pas du tout chiant. D'accord. Et de raconter quand même un truc de ouf. C'est d'abord, comment est-ce qu'elle rencontre Obama qui a genre 27 ans et bah c'est son petit stagiaire. C'est son petit stagiaire, mais c'est sa petite biatch du bureau. C'est trop bien de voir que elle c'est Macron quoi. Ouais. Et d'ailleurs le sniper. Il y aurait pas une certaine différence d'âge entre Monsieur Macron et Madame Macron. Il doit démissionner du coup. Il a vanné en le comparant à Obama, ce qui est rare. C'est pas vraiment. Non, je vais vanner Obama. Bah il vanne tout le monde lui. Il fait combien de pages ce bouquin? Pardon. Il est gros. Mais juste elle est pas plus vieille, c'est lui qui était plus vieux. Ah mais d'accord, il était stagiaire mais il avait fait de l'organisation avant pour pousser les gens à voter et du coup il avait pris un peu plus de temps, mais on le considérait déjà comme un génie. Et wow. C'est trop bien de voir une femme qui a, c'est hyper intéressant je trouve, sur le côté elle s'était fait chier pour devenir avocate, pour se créer une carrière et tout. Elle avait son mari qui était donc Obama, donc qui avait un talent de ouf, qui pouvait faire plein de trucs, et du coup elle était complètement obligée de tout laisser derrière elle, ouais. De ne plus rien faire et juste d'être first lady. Et c'est trop bien parce qu'elle est pas du tout admirative de lui. Elle dit ça m'a vraiment cassé les couilles quand tu as faire ça, mais en même temps le gars c'est Obama et tu te dis putain, ça se trouve je suis marié avec le premier président noir américain potentiellement, et du coup je peux pas l'empêcher de faire ça, mais en même temps ça veut dire que je vais juste gérer des fougères et faire la plante verte pendant 8 ans, et du coup c'est trop intéressant de lire. Je vous recommande chaudement Devenir. D'accord. Ils vont Devenir. Ils vont faire la même avec Bernadette Chirac, je crois. Ouais. Et il y a 307 pages sur les pièges jaunes et David Douillet. Ça va être moins bien. Ouais, c'est ça. Et là, David, il va voir un grand bar, il me dit « je vous ramène un crumble ». C'était trop bien. Ça, c'est le chapitre 4. Chapitre 4. Il y a tout un chapitre sur le crumble. Il y a un chien qui s'appelle Samouraï. Son chien s'appelle Samouraï. À David Douillet. En vrai, moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui était à la sécu des Chirac. D'accord. Mais c'est vrai, après. Bah non, mais ça commence bien déjà. Ils sont sur l'agent de sécurité. Bah en fait, ouais, tu sais, après, il a un logement là. Est-ce qu'il était là quand Chirac il a dit This is not a method à Israël? Non, mais to France. Non, mais my plane. Mon pote m'a dit que Jacques Chirac était un mec humainement vraiment ultra attachant. Tu dis, il avait fait. Il y a un secret que seuls les hommes de l'État. Non, mais qu'il était. Non, mais en vrai, non, mais c'est intéressant de savoir ça, que le gars, il avait fait sa sécu plusieurs fois et qu'il l'avait pas revu pendant un an et demi. Et un jour, il est sur un meeting, je ne sais plus où, il accompagne Sarkozy ou Hollande, je ne sais plus qui. Et le mec, Chirac, le voit de loin, mon pote. Il traverse toute la foule, il dit « Julien, comment allez-vous ?» Il s'appelle Antoine, mais... Il avait été hyper touché. Tu vois, mais plein de gars disent qu'il a gagné autant d'élections, notamment parce qu'il est très... Il se souvient de tous les prénoms, il serre la main à tout le monde et il demande des nouvelles des enfants. Mais Macron est comme ça aussi. Macron, je vais serrer la main une fois, je sais que je suis dans sa tête. Peut-être là, il va y avoir une opposition un peu... Parce que qu'est-ce qu'il y a, le peuple? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas saccager ma vitrine? Le peuple, il l'a oublié apparemment, tu vois. Il a jamais serré la main. Non, mais c'est vrai. Même pas tendu la main. Je vais serrer la main avant qu'il soit président. Oui, attention. Ouais, je tiens à préciser, non, ça. Mais t'as raison. J'allais jouer à Besançon, je lui serre la main et son équipe de com arrivait, je reçois un tweet en disant vous voulez bien qu'on partage la photo, et j'ai fait non. Je crois que j'ai bien fait de dire. Ouais, t'as bien fait de dire. Sinon, ça serait ressorti là. Bah, tu faisais une quenelle en plus. Je faisais une quenelle. Juste, moi, j'ai besoin de ton nom, c'est Fly Rider. Fly Rider, ouais. Fly Rider, ouais. J'avais un doute. Non, parce que si on est dans une manif et que ça se passe pas, on dit on connaît Fly Rider. Les mecs, ils vont nous laisser passer. C'est bon. Juste. Mais c'était son pseudo internet de genre wow, non? Alors, c'est pour ça, parce que je sais pas si c'est clair pour tout le monde. C'est vraiment le nom d'un des leaders du, des Gilets jaunes. Ah bon, les Fly Riders. Non, non, mais ouais, le mec, il y a deux leaders, des, enfin, a priori plutôt autoproclamés, mm-hmm. un qui se fait appeler Fly Rider. Et bah. C'est le mec qui avait dit, là, j'ai dans l'enveloppe un truc, je peux provoquer la troisième guerre mondiale avec ça. C'était Fly Rider. Hein, Après, pour sa défense, il surfe également. Il fait pas que les Gilets jaunes, il est aussi surfeur. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dans une enveloppe qui peut... Il a pas dit. Justement, il a dit, là, j'ai dépassé. C'est la préface de Mein Kampf et c'est un mec qui est vivant, qui l'a écrit, genre, c'est la préface de Mein Kampf et ça a été écrit par Macron. C'est Macron qui l'a écrit. Mais là, il y a un article qui est sorti. Apparemment, Fly Rider aime beaucoup aussi liker des photos de Marine Le Pen, des discours de Marine Le Pen. Ça m'étonne parce que dans les mouvements des Gilets jaunes, il n'y a pas tellement de gens d'extrême droite. C'est le peuple. C'est le peuple qui a des gens d'extrême droite. Tu prends avec ce qu'il a à t'offrir, ouais, le peuple, vrai, d'accord vrai, mais le peuple, tu comprends pas qu'il est en réaction à quelque chose. C'est une réaction épidermique. Ça se passe souvent comme ça. Tu vas chercher l'opposé. Regarde la Bolivie. C'est la Bolivie. Apparemment, c'est une réaction à la baisse des ressources en pétrole. Si jamais vous écoutez Jean-Marc Blanco ici, ce que je vous encourage encore une fois à ne pas faire. Surtout pas d'éviter de vous flinguer. Ah, mais donc, ce que tu as regardé, c'est une conférence qui date d'il n'y a pas longtemps, du coup. Qui date d'il n'y a pas longtemps du tout. S'il parle des Gilets jaunes. Ouais. Qui non, a ça la parlait de la science. C'était en 75. Ah, putain, si c'est dans. On rappelle que les Gilets jaunes ont été. On l'a pas dit que ça a été prédit par l'étuche 2. Par l'étuche 2. L'étuche 3. Dans l'étuche 3. L'étuche 2, ça Olivier Marou. Dans l'étuche 3, on voit des manifestants. Et ils ont des gilets jaunes. Ouais, ouais. Et ça a été donc prédit par les Simpsons français. Prédit ou créé. Prédit. Non, mais wow, c'est comme quand on dit Minority Report, ils avaient deux leaders qui avaient des trucs tactiles. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui ont vu les trois tuches au cinéma. Non, en revanche, les tuches 4, ça se passe pendant les manifs des gilets jaunes. T'as Jeff Tuche qui est un gilet jaune et tout, ça va être chiant, mais non, c'est pas vrai. Non, il y a un peu de visage, genre. J'ai ri et après, tu avais l'air sérieux. Je suis comédien. Rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Baptiste Le Caplain. Alors le truc que j'ai apprécié, je l'ai vu très tardivement. J'étais à Jersey, l'île de Jersey, qui est nulle à chier. Pas. Donc c'est pas ça, t'as recommandé. Non, c'est pas ça. Non, mais tu vas à Jersey, parce que ma meuf elle me dit viens, on fait deux jours à l'île de Jersey. Bon, moi je suis une victime, je dis bah vas-y, on y va. Parce qu'elle est fan de Victor Hugo. Et sachez un truc, c'est que Victor Hugo a vécu sur cette île. T'arrives à l'office du tourisme, on peut voir des trucs de Victor Hugo. Bon, on a que ça. Et la meuf va sur Google et tape Victor Hugo. Donc Jersey est devenu un paradis fiscal. Clairement, ils ont rasé des trucs. Ouais, c'est sa maison. Ah ouais, mais là on a mis un rond-point. Circle Point. Oui. Et donc, il faisait pas très beau comme d'hab. Et j'ai maté les 8 salopards de Quentin Tarantino. Ah oui. Oh là, je l'avais pas vu. Mais j'ai pété un câble. Ouais, moi sur j'ai ce beaucoup film aimé. Qui était extraordinaire. Mais tu sais qu'on n'est pas beaucoup à l'avoir aimé. Par exemple, le mec à ta gauche l'a trouvé vraiment nul. Mais il faut savoir un truc, c'est que normalement, il sort un scénario qui fuite encore sur Internet, parce que vous, les gens d'Internet, les gens du web, vous êtes des hackers. Il y a quand même beaucoup de hackers autour de cette table, je pense. Non, mais on est d'accord que son scénario original, le film qu'il voulait faire à la base, on lui a piqué. Ah ouais? Ouais, il s'est retrouvé. Il y avait 4 salopards de plus déjà. Dans tous les mails de. C'était Sony qui s'était fait pirater, je crois. Je sais plus. Ouais, c'est le compte mail de Sony et il était dedans. Donc le truc était sorti. Et du coup, il a dû réécrire un film. Et il a réécrit un film. Ouais. En deux jours. Non, mais c'est pour ça. Bah, moi, je trouve que ça sent exactement ça. T'es dur, Robinson. Le film, il est incroyable. Franchement, il se passe des trucs fous. Qu'est-ce qu'il fait? Avant de critiquer, j'aimerais savoir ce que Baptiste a apprécié. Parce que moi, j'ai beaucoup de mal à. Par exemple, moi, j'ai adoré Baptiste. Lire un bouquin de 400 pages, j'ai du mal à me concentrer. Enfin, ceux qui ont vu mes spectacles s'imaginent bien que dans ma tête, ça va beaucoup trop vite pour que je suive un rythme de. J'arrive pas à lire des bouquins et à rester sur une histoire globale. Je peux lire un scénario. À partir du moment où on me dit, t'es Sébastien, tu gagnes 200 000 euros, je peux lire l'histoire. Bizarrement, ça aide vachement. Mais j'aime bien comme tu dis que t'es trop intelligent pour lire. Tu non, vois, je suis pas trop intelligent. Je suis pas trop intelligent. J'ai du mal à me concentrer. Je suis hyperactif et j'ai du mal à me concentrer. Mais Quentin Tarantino, il arrive à la moitié du film, il a une pirouette narrative qui est extraordinaire. Mais qui est extraordinaire, c'est donc dans une cabane. Tu vas dire la pirouette narrative, c'est un spoiler. C'est pas un spoiler du tout. C'est qu'à un moment donné, il dit voilà, nous étions arrêtés à tel moment de l'histoire. Sachez que pendant qu'il se passait ça et ça vient de se passer, il y a un plan sur une meuf qui regarde en dehors de la caméra et qui dit pendant que cette scène que vous venez de voir se passer, il s'est passé ça. Donc là, je te le dis pas, c'est le spoiler. Okay. Ouais. Et maintenant, nous allons voir qui va subir les conséquences de cette scène-là. Voilà, et la d'accord. scène démarre. Et là, tu fais waouh, attends, mec. Déjà, ça fait 2h17, je suis comme un ouf. Et il te renvoie 30 minutes de mec, je veux savoir qui c'est. Ouais. C'est juste, c'est okay. brillantissime. Je ne sais pas comment il fait, ce mec, c'est brillantissime. Mais c'est le film brillantissime d'ailleurs. Non, mais le film brillantissime. Le oui. film est incroyable. J'ai coproduit brillantissime. Tu sais, tu pouvais mettre de l'argent et produire. Ah oui. J'ai mis de l'argent dedans. Tu es coproducteur de brillantissime. C'est un film de Michel Larocque. D'accord, ok. Réalisé par Michel Larocque. Réalisé et dont elle est l'interprète principale. Mais t'as pas trouvé ça un tout petit peu dérivatif des autres trucs qu'il avait déjà fait, parce qu'il y avait Kurt Russell, Samuel L. Jackson, on les avait tous déjà vus. Ouais, mais ça fait plaisir de les revoir. Ouais, mais non, mais Kurt Russell, j'ai adoré l'arrivée. Non, mais attends, mais mec, les persos. Mais non, mais les gars. En plus, moi, je suis en plein Red Dead Redemption 2. Oh, j'aurais dû dire Red Dead Redemption 2. Oh, les gens l'ont. Ouais, non, mais. Redemption 2, je suis en plein dedans, je l'ai fini, et là, je suis en train de chialer parce que j'ai quasi fini toutes mes quêtes. Et là, je joue en ligne maintenant. Mais non, j'ai joué en ligne, j'ai chialé. Parce que jouer en ligne, c'est très violent. Et non, et moi, je suis censé être tué par. Et tu vois clairement, il y a l'ordinateur, il y a la console qui joue, donc tu croises des gars, et d'un coup il y a un gars qui fait ya ya, tu fais ouais. bon, lui clairement c'est un gars comme moi qui est dans un autre pays, et le gars pff, pff, pff, il te bute, donc tu le tues. Tu te dis, ouais, il est malade ce mec. Après, tu regardes sur la carte, chauffard. Tu vois le même point qui revient. Putain, il vient sur moi. Ouais. Moi, il m'est arrivé tu ça. Tu mets une heure. Tu fais que te tuer avec ce gars pendant une heure. Je me dis, mais quelle violence. J'ai envie de parler avec ce mec. Je me dis, t'es où? T'es dans quel pays? Et je vais lui dire, donne-moi ton adresse, que je vais te niquer la gueule. J'avais envie de niquer la gueule des gens en vrai. Ouais. Moi, il m'est arrivé ça. Je jouais. Je me fais buter par un gars. Et en fait, quand tu te fais buter par un gars, il est indiqué d'une façon particulière sur la carte pour que tu puisses aller le rebuter. Non, mais c'est horrible. Et donc, je fais, putain, le truc de genre faut que je me venge et tout. Donc, j'y retourne, le mec me retue. mais 10 000 fois. Et je voyais. Je jouais sans le son. Et je voyais le petit truc qui indique que la personne parle. Donc je voyais qu'il parlait, mais j'entendais pas ce qu'il disait. Et je dis, bon putain, je vais mettre mon casque, je vais voir ce qu'il dit ce connard et tout. Un enfant de 8 ans, je pense. C'est genre putain. Alors, moi j'étais en sang, vraiment énervé, tu vois. Je gueulais vraiment chez moi. C'est une vraie anecdote de stand-up. Vraiment un enfant ça de 8 ans. Un très gros rire de stand-up. Je vais t'acheter cette blague. Je te donne 72 c'est dollars. C'est pas copy comic, c'est buy comic quoi. Ah, non, c'est super. C'était super Robin Williams qui faisait ça. Ouais, sauf que blagues. Robin Williams, il volait les blagues. Et après, il allait voir le mec, il disait, au fait, je t'ai volé une blague, tiens. Alors, tu sais que Robin Williams, c'est horrible, c'est j'ai pas déjà pas raconté ah, non, c'est mort. Non, c'est une de mes idoles, parce qu'il était extraordinaire, ce mec. Mais aussi, en volant. Mais quand, les humoristes passaient sur scène, ils jouaient, et ouais, bon, voilà, la dernière fois, j'étais à San Francisco, et là, t'avais une lumière qui s'allumait, que seuls les humoristes pouvaient voir, et ça voulait dire, oh, il y a Robin Williams dans la salle, c'est juste pour te prévenir. Oui, oui. Et le mec faisait, je vais pas raconter cette anecdote. Alors j'ai acheté une clémentine et. Pourquoi c'est un peu acide en fait. Allez, bonne fin de soirée. Elle est nulle cette vanne. Ouais, mais au moins on va pas me la voler. Parce qu'en fait, il allait dans les petits clubs. Dans tous les trucs de stand-up, il y avait une lumière spéciale. Ça a tourné à un moment donné, ouais. En fait, il allait dans les petits clubs. Parce que lui, il commençait. Avec la tête de Robin Williams qui. Lui, il commençait à être connu. Et donc il allait dans les petits clubs, il notait les vannes et tout, il allait les faire à la télé, donc pour tout le monde c'était la vanne de Robin Williams. Parce qu'il y avait 5 chaînes télé, donc c'était marrant. Voilà. Et apparemment, après il allait voir les gens, il disait, au fait, je t'ai volé une blague, tiens, et il filait du fric, quoi. Ouais. Ce qui est odieux, mais bon, voilà, il filait de la thune. Il a voilà. Fleuveur, il l'a pompé un peu de stand-up. Ouais, c'était un mec qui faisait ça sur scène. Ça sera pas trop marrant, parce qu'il y avait un truc vert qui a bondi et tout, il a okay, fait. Ok, c'est un film. Ça a des mauvais côtés de Robin Williams, qui était un génie. Mais il y avait d'autres. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu un film vachement bien de lui récemment. C'était pas ma recommandation, mais je vous le recommande quand même, qui s'appelle Awakening. Aladdin, qui s'appelle Aladdin. Non, World's Greatest Dad. Ouais. Meilleur papa du monde. Ouais, mais donc en fait, c'est des gens anglais autour de la table. Vous allez très vite. T'es Google ou quoi? Je travaillais dans une ZEP. Donc, le pitch est très con, c'est un père de famille qui s'entend pas de ouf avec son fils, mais ça va. Et son fils meurt. Parce qu'il s'est pendu en se branlant et il a mal géré, donc du coup il est mort pendu. Donc son père fait bon, on va dire que c'est un suicide parce qu'il a un peu honte de dire aux gens bah mon fils est, est mort en se branlant. C'est ça qui lui a donné l'idée de se pendre d'ailleurs. D'ailleurs, exactement. La mort, il l'a volé. Il a volé le scénariste. Putain, j'ai pas touché une thune. Il a volé la mort. Il avait écrit dans son testament donner de l'argent. Héritage si je me pends. Héritage si je me jette par la fenêtre. Ah, c'est pas le même enveloppe. Il a essayé de se suicider avec un truc vert gluant qui rebondit. Ça marchait pas du tout. C'est un truc sexuel de ouf, ça, de se branler. Bah, c'est comme ça que le gars de Kill Bill est mort. C'était la fin du pitch. Non, c'est le début. Ah ouais, après, en fait, c'est encore plus malin que ta conférence. bah, c'est encore pire, c'est qu'en fait, il se rend compte que sa vie est mieux maintenant que son fils est mort. Oh là là. De quelle façon? Enfin, genre, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent plus libre, il redécouvre la vie. Il a tapé le film de Tom et Jerry. Il a une pièce en plus chez lui pour faire un bureau. D'ailleurs, le site Une pièce en plus, ça vient de ça à la base. C'est un mec qui a vu son fils mourir. Non, mais après, évidemment, c'est un peu tendre. Il y a aussi, c'est de l'humour noir avec un peu. Au final, je me donne envie, moi. C'est un film récent? Ouais, c'est un de ses derniers films. Après le décès, ouais. Ouais, non, mais en vrai, c'est un de ses derniers films où tu dis, oui, bon, bah, t'allais pas bien, voilà, clairement. Il y a un film de lui qui a raté, qui est dommage, tu sais, c'est celui où les gens, ils ont une puce qui enregistre tout et il fait les vidéos montage. C'est trop bien, ce film. Ouais, les monteurs, lui, photo, session. Non, c'est pas Final Cut, parce que ça, c'est Final Cut. J'allais dire Final Draft. C'est un placement produit. Non, mais c'est, en fait, il est monteur de vidéos de vie, en fait. Et en fait, tous les humains ont une puce qui enregistre, enfin, c'était en POV, quoi. Déjà, pour moi, c'est Black Mirror. J'allais dire. Okay. Bah non, mais oui, mais ce film, il est vieux. Il est bien avant Black Mirror. C'était le Black Mirror du Black Mirror. Ah ouais, d'accord. Ils ont imaginé que Black Mirror allait arriver. Black Mirror, faut que je regarde. Putain, ça a l'air bien, ce truc. Bon, écoute, ça risque de t'ouvrir les yeux sur le monde. Après, je veux pas trop t'en dire, mais. Non, mais juste, il est monteur juste des trucs, tous les humains ont une caméra dans la tête, ils vivent des trucs et le jour de leur enterrement, il fait un montage, il file le montage et il diffuse la vie du gars et tout le monde pleure. Et il fait des trucs, des films hyper beaux et évidemment, il y a des trucs que les gens ont pas envie de montrer. Ils montent des boîtes. Tu vois, le mec tromper sa femme. Et un jour, il tombe sur un meurtre. Mais c'est un excellent pitch. Hein. C'est trop bien. Mais pourquoi tu dis et tu trouves que c'est raté? Bah de mémoire, je m'étais dit en voyant le film. Après, c'était parti. Mais moi, je l'adore quand même, ce film. Bah écoutez, une nouvelle recommandation. Ah, ouais. Et moi j'ai découvert, tu parlais de gros classiques, Rocky. Je n'avais jamais vu Rocky. Le 1. T'as pas vu Rocky 1? Je les avais vus. On a le droit de parler de trucs vieux. Mais oui. Parce que moi j'ai découvert Notorious Big. Je sais pas si vous connaissez. Chômez. Moi je vous rappelle que nous sommes tous blancs autour de cette table. Et très très, très blancs tous. Nous avons découvert Tupac. Je suis le seul non blond d'ailleurs, je voulais dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu te considères comme blond? Notorious Big. J'étais très blond. Je suis blond vénitien. Ouais. Vous êtes blond, doucement. Je sais pas. On n'est pas doucement. T'es blond? Doucement avec les mots. Bah, moitié blond. Ce qui reste, quoi. Est-ce que tu redonnes? Moitié blond, moitié de la peau. C'est ça. Tout bonnement. Donc ouais, Rocky avait du racisme dans les mecs de la jeunesse hitlérienne. Tu vois, t'es pas vraiment blond. Non, je suis blond vénitien. Tu crois qu'il y avait des mecs? Je suis un peu blond, d'accord. C'est tellement raciste. Bah c'est pour ça qu'on est là. T'as lu le truc pour rentrer? Ouais, c'est vrai en fait. Je suis con. Vous avez parcouru. J'ai survolé, j'avoue. C'est les trucs de. C'est un club de vacances. C'est le contrat de licence iTunes. Ah la gobe, c'est mon tonton. Ok, tu peux rester. Vas-y Rocky alors. Donc ouais, Rocky, parce qu'en fait moi j'avais des vieux souvenirs. Parce que moi c'est un peu nul, mais je pense que j'ai plus vu le 3 et le 4 que le 1 et 2. Mais comme tout le monde, parce que quand j'étais petit, voilà. Et en fait, le 1 c'est un film d'auteur, vraiment. C'est un film, c'est un film sur un mec tout seul, et c'est très triste et très beau. Et c'est un film hyper à la fin que je trouve merveilleux. Bah, wow. Tu spoil, espèce de salaud. Oui, le film a 75 ans, mais bon, quand même. Mais du coup, le pitch, mais je trouve que le 2 est encore plus lent. J'ai pas vu, alors je vais le revoir. Du coup, là je suis lancé, je vais tout faire. Le 2, c'est vraiment. Je me rappelle tu me regardes, mais je me rappelle d'aucun Rocky, moi. Ah non, mais Rocky, c'est incroyable. Le 2, c'est vraiment, il a perdu, mais il est content, il est avec sa meuf et tout. Et puis tout le monde dit à Apollo Creed, ouais, t'as gagné, mais tu méritais pas. Et ça met vraiment longtemps. Et je l'ai revu le 2. Je dis, putain, il va le défoncer. Et ça met vraiment du temps. Et donc, en même temps, ça s'appelle Rocky 2. Rocky 1 et Rocky 2, c'est vraiment deux films d'auteur. Ouais, mais le 1, il y a un peu un truc de tu découvres le perso et tout. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Même son histoire d'amour avec Adrienne. Tous ces trucs-là, je les ai trouvés vachement bien. Adrienne. C'est Ariane Massenet d'ailleurs. Pas du tout Adrienne. C'est Adrienne. Oui. Adrienne. Je crois que c'est Adrienne en anglais. D'ailleurs, à l'époque, vu comment Adrienne, c'est un film d'auteur. C'est un prénom d'homme en anglais. Ah oui, c'est donc Adrienne. C'est Adrienne Brody. Ouais. Voilà. Vu comment c'est un film d'auteur, ça devait être vraiment bizarre d'aller le voir en lui disant on va faire un 2. C'est vraiment... lui qui fait le 2. Il est auteur et réel dessus. Ouais, mais il y a des producteurs qui ont dit mec, ça cartonnait beaucoup plus que prévu. À l'époque, ça s'acceptait, puisqu'en fait, il faut savoir que Rocky 1 a eu l'Oscar du meilleur film. Ah ouais? Et ouais, carrément devant Taxi Driver quand même. Et Rocky 2, c'est comme Le Parrain 2. C'est que quand tu. C'est fou de se dire, bon, on va faire Le Parrain 2. C'est quand même un gros film qui, tu sais, qui en son temps a marqué l'histoire. C'est comme tu dis, bon, on va faire Apocalypse Now 2. Comme Taxi 2, quoi. Taxi. On était pareil au moment de Taxi 2. Speed 2 aussi. Cap sur le danger. Ouais, bien évidemment. Qui est mieux que le 1. On est très fan de Speed 2. C'est la seule suite qui est mieux que Robinson. Que le premier, hein. On va écrire toute une série. Non, mais je rigole, Speed 2, c'est une horreur. Ah bon? Avec Flaubert, on a écrit toute une série. On voulait passer Speed 2 à tous les épisodes. Est-ce qu'on parlait de Speed 2? Speed 2, c'est un des plus gros échecs commerciaux de l'industrie du cinéma américain avec Waterworld. Ouais. Qui est un bon film, Waterworld. Trop bon film. Waterworld, c'est vachement bien. Non, mais Speed 2, c'est de la chiasse intégrale. Waterworld, ce que j'aime beaucoup dans l'idée de Waterworld, c'est qu'ils se sont dit bon, ça va être un blockbuster, c'est évident, donc on fait l'attraction en même temps. Comme ça, quand le film sort, il y a l'attraction à Universal. Et encore aujourd'hui, il y a le spectacle. C'est comme s'ils faisaient le parc d'attractions all inclusive avec Franck Dubosc et François-Xavier de Maison. Non, parce que ça va cartonner. Et ça va cartonner. Oui, oui, ça va cartonner. Là, Waterworld, ce qui est drôle, c'est que ça s'est vraiment planté, mais que l'attraction a été construite. Ça s'est pas planté. Alors, l'attraction, il a pété dans l'eau. Tout le monde a retrouvé ça. Il l'a pété dans l'eau. C'est, il y a des bons amis de la maison dans ce film, s'il te plaît, Baptiste. On essaie de. Mais non, mais ils pourraient fusionner les deux, quoi. Waterworld et All Inclusive. Il a pété dans l'eau. Un crossover All Inclusive Waterworld, ça pourrait être. Il a pété dans l'eau, faut que t'ailles à la piscine. T'as 10 secondes pour péter, sinon t'es viré de la piscine. Et si tu pètes, il y a Kevin Costner qui arrive, qui est pas le mec, il dit viens avec moi, je vais te montrer de la terre en bas. Parce que le vrai truc ouf dans ce film, c'est mec, t'as de la terre. C'est tellement riche. Alors que la terre, ça casse les couilles à tout le monde. Genre, putain, t'as mis de la terre sur le parquet. C'est nul. Tout est. En fait, tout est. Mais le film est pas mal. Ouais, mais ce qui est drôle. Le film est bien. Le film est bien. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a l'attraction Waterworld à Universal. Donc, déjà, c'est que t'as l'attraction Jurassic Park. C'est vrai, il y avait le jeu Waterworld. Il y avait le jeu Waterworld. Ouais, ils ont tout sorti en même temps. Les mecs, ils étaient tellement. Et après, ça sort et on fait bon, pff, allez. Apparemment. Mais elle a coûté tellement cher l'attraction qu'elle existe encore aujourd'hui. Confiance, man. Elle est où cette attraction? Dans tous les Universal. Dans Universal Los Angeles et Universal Orlando. C'est pas vrai, mais sûr. Est-ce que l'attraction est bien? En fait, je sais pas parce que c'est un spectacle plus qu'une attraction. Ouais, mais moi j'avais vu, c'est des mecs qui font des jet skis, qui font des sauts en jet ski. Exactement. Du coup, pas mal l'attraction, même si t'as jamais vu le film. Oui, mais dans ce cas-là, essaie de trouver un film qui se passe dans l'eau et tu dis, en fait, c'est une attraction de ça plus que Waterworld. Cette scène a été ouf dans la bande-annonce. Il y a les jet skis qui arrivent sur l'île fermée, ils disent, ils passeront jamais. Et le jet ski va sous l'eau et il ressort. Il fait oh là là, ça va être de l'action de ouf. Et t'arrives et Kevin Costner boit sa pisse, donc t'es un peu déçu. Tu fais vachement bien de la voix. Il boit sa pisse. Il a une plante, il a des clémentines. Le mec, il a une machine qui transmet, enfin, c'est pas vraiment sa pisse, directement sa pisse. Et non, c'est la clémentine de son bateau est ouf. Mais voilà, et j'ai vu aussi récemment, mais je pense que le film, il a vu qu'il a bidé de ouf, peut-être qu'il est plus disponible. Bienvenue à Marwen de Robert Zemeckis avec un mec qui a bidé de ouf. Ouais, ça s'est planté de ouf. Et c'est vachement bien. Temps de le voir. Je vous conseille. Non, mais toi, tu vis à Paris et tu es en décalé par rapport aux gens, puisque nous, les gens nous écoutent dans le futur. Donc toi, tu peux encore l'avoir accès. Mais je pense que quand les gens auront accès à l'épisode, il ne sera plus disponible dans les cinémas. Tu fais des podcasts d'anticipation, c'est fort. Ouais, on est le futur. Imagine le film, soudainement, il y a un deuxième élan de ouf. Tu sors le podcast quand même ou pas? J'ai l'air con. Ouais, non, je le sors pas. Je le jette. J'ai déjà fait l'émission avec cette personne, on était dans le futur. C'est vrai. Je vois de quoi vous parler. Une émission dont tu t'es fait virer, non? Oui. Tu t'es fait virer? Oui. Et après, ils ont viré tout le monde et ils ont juste gardé VDB. Et ça, ils se sont dit, finalement, c'est lui qui est marrant. On va juste faire. Non, tout le monde était marrant. C'est trop bien, cette émission. Ouais. Thomas, il m'avait raconté. Il dit, on a reçu Vanessa Paradis. Et Vanessa Paradis, elle arrive et dit, par contre, moi, je veux pas faire le délire dans le futur. Ah, c'est tout le délire. Ah ouais, mais non, mais moi ça me gêne ça. Ah d'accord, ok. Du coup, ils ont fait quoi? Elle est sortie avec un mec qui vivait dans le passé, à savoir Johnny Depp, qui se l'avait pas. Je pense que ça a dû lui faire bizarre. C'est vrai que Johnny Depp, c'est Jacques la fripouille beau. Non, mais c'est vrai. Johnny Depp, il est en terminale littéraire, tu lui parles pas. Il est crade ce mec. Les profs de sport, ils disent, mec, barouette. Bah ouais. C'est, tu parles que s'il pleut. C'est, je t'avais montré la photo, c'est pour moi même la bite de Johnny Depp, c'est la petite créature de Jabba le Hutt dans Star Wars Le Retour du Jedi. Vous allez googliser cette petite bestiole, c'est la bite de Johnny Depp. Les amis, nous allons passer au thème de l'émission. Voilà, nous allons parler romantisme, nous allons parler amour, gerbe directement, Baptiste. Non. Mais moi dans ma vie, ça va peut-être dire une horreur. Ah non, s'il te plaît. Si je faisais des putes. Il y a déjà beaucoup de montage, Baptiste, dans cette émission. Montage. J'aime le sperme. Donc là, vraiment. Mais on est passé de romantisme à sperme en vraiment très peu de temps. J'avais dit montage avant. Et je dis montage pour que tu coupes. Montage. Donc le thème de cette émission, c'est le romantisme, l'amour et la drague. Je vous avais prévenu avant l'émission, normalement, pour que vous nous concotiez quelques anecdotes. Il y a 20 minutes. Mais... Oui, dans Floodcast, c'est énorme. Souvent, les gens découvrent le thème quand ils sont autour de la table. Notamment moi. Notamment Adrien. A oublié de m'envoyer le... Adrien, à un moment, je peux pas tout faire. À savoir, ne serait-ce que prévenir du thème. Parce que ça me demande trop. Alors, du coup, on va parler un peu romantisme en général. Les gens ont posé plein de questions. C'est fou. C'est un thème qui excite. Hein. Clairement, il y a des gens qui... Vu qu'on est sûrement... Parce que Baptiste, je crois que t'as jamais écouté Floodcast. En fait, on est suivi non pas par des ados. C'est quand même pas mal des jeunes adultes. Mais du coup, c'est quoi des jeunes adultes? C'est combien? C'est, je dirais, entre 18 et 25. Ouah, Yann Moix, il va vous ken. Bande d'actu. Enfin, si il veut ken, il est obligé de vous ken. Ouais, ça, c'est ça. C'est pas obligé. Il a pas le choix. Est-ce que vous, vous vous estimez comme romantique déjà? C'est la première question. C'est, est-ce que c'est à soi de le dire déjà? Adrien, il a fait une tête, c'est génial. Il a fait un mouvement de tête que les gens font à Roland Garros. Qui est vraiment. Est-ce qu'on peut juste définir c'est ce que j'allais dire, romantique? Bah, définis-le selon ta propre définition, Robinson. Mais est-ce qu'on. D'accord. Moi, je vais chercher la Wikipédia. Bah, je ne lis pas la définition. Non, mais donnez-moi. Fais-la parce que t'as vraiment fait une tête de. Ah, je peux être romantique. J'allais demander la même chose que Robinson. Mais est-ce que c'est quoi votre propre définition? Non mais après faut se baser sur des trucs. Non mais moi ça fait 10 ans que je suis en couple et ma compagne m'a dit oui t'es romantique. Bon alors du coup je me base sur son ressenti à elle, mais c'est le ressenti d'une personne. Oui. Ben oui. Non mais romantique c'est avoir. Non mais moi enfin vraiment clairement moi j'ai vu des films comme Coup de foudre de Notting Hill ou Love Actually. Pour moi le romantisme c'est ça, c'est dans cette benne là. Il y a des trucs très mignons, mais des trucs qui se font pas. C'est quelque chose un peu mignon, j'ai l'impression. Mais au quotidien être romantique c'est arriver à surprendre, je pense, arriver à faire vraiment des trucs qui surprennent. Écoute, vraiment que ta meuf fait oh t'es mignon. Mais au bout de plusieurs années. Oui, c'est ça. Est-ce que le romantisme. Une vision de l'amour aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté plus normalement grandiloquent, genre grande action et tout, machin, etc. Écoute, à en croire. Pour la drague, t'es jamais sorti avec la meuf et tu fais des trucs de ouf pour la séduire. Déjà, c'est pas des romantiques, ça. C'est des weirdos. C'est des phases de drague. Pour moi, c'est des grands dragueurs. Un romantique, c'est un mec qui, sur le. Tant arrive à faire des trucs extraordinaires. Quoi. D'ailleurs, souvent, on confond harcèlement et romantisme. Ouais. Il y avait eu un truc comme ça où il y avait un article qui avait vachement pas mal circulé à une époque sur le web où c'était un mec. Qu'est-ce que tu peux te faire une web? Je me nourris de web. je suis webophage. Non, et c'était un mec qui s'était fait larguer par sa meuf. Ouais. Déjà, je crois que. Enfin, bon, bref, il s'était fait larguer par sa meuf et du coup, il avait amené un piano. Devant dans la fac de la meuf, et il restait 24 heures sur 24 à jouer des chansons à l'attention de la meuf. Alors que déjà, si au bout de 2 heures t'es encore là, bon, arrête, c'est qu'elle viendra. Oui, voilà, pas, c'est ça. Et les si gens au disaient. Si au bout de 9 heures t'es encore là, c'est que t'es à la gare Montparnasse. Et l'article, enfin les articles disaient un grand romantique, machin, c'est du harcèlement en fait. C'est du harcèlement sexuel. Tu t'es fait larguer. Oui, c'est même pas. Déjà, s'il l'a dragué, ce serait chelou, mais en plus, il s'est fait larguer. On peut savoir pourquoi en fait, c'est ça. Enfin, il faudrait qu'une chaîne télé aille le voir et dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais je crois et que la chanson, ça faisait sale pute, sale pute revient. C'était vrai, ça, le mec. C'est vrai qu'il faudrait que Bruce Willis d'Incassable soit là tout le temps en fait. C'est Bruce Willis d'Incassable, il irait voir le mec du piano, il mettrait la main sur son épaule, il ferait « Oh mon Dieu, tu mérites tellement de te faire larguer ouais, !» Ce serait un bon signe. Tu vois où on serait, tu vois. Non mais ça, voilà. C'est pas bien, c'est comme les mecs qui font leur demande en mariage à Disney, c'est le mec qui marche dans Disney, et puis d'un coup il fait « I was wondering !» T'es pas romantique, pour moi tu étais sur le ring, c'était Creed, du coup. « I was wondering, je me demandais !» Ah pardon, excuse-moi. Chanter des comédies romantiques pour demander à ta meuf en mariage, et il y a Pluto qui fait « La la !» Ça m'a fait ça, c'est trop bien. Non, moi, ce que j'allais dire sur les grandes actions romantiques, c'est que souvent on se place effectivement du côté de celui qui le fait, alors qu'en fait, quand tu le reçois, genre notamment un gros moment de comédie romantique et que t'es en face. Ouais. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé qu'on fasse quelque chose de romantique pour vous. Si tu l'es pas, bien sûr que non. Ça t'est arrivé toi, Vincent? Bah, moi, ça m'est déjà arrivé d'être en face. Et en fait, toi, t'es pas du tout dans ce moment-là. T'es totalement en train de penser à autre chose. L'autre fait un truc qui, pour lui, est hyper important. Et toi, tu le regardes, genre... T'es pas prêt, en fait. Mais moi, j'étais pas... J'ai envie de pisser. Enfin, En fait, ma tête est pas du tout là dans le truc. Donc, il y a aussi un truc, effectivement, un tout petit peu intrusif dans l'acte romantique. Ouais. Genre, maintenant, tout t'arrête. Tu m'écoutes. Et tu réponds à ce que moi... Alors que moi, je suis là, non, mais je m'en fous. C'est pour ça qu'il faut choisir peut-être son moment, peut-être amener le truc. C'est peut-être ça tout l'art du romantisme, j'ai envie de dire. Mais pour revenir juste sur la définition, moi, je dirais... Parce que l'art romantique, vous le définissez un peu comme dans les films, genre, qu'est-ce qu'est une action un peu amour, quoi. Alors que moi, sur est-ce qu'on est romantique, je dirais plutôt... Romantique, je le verrais plutôt comme être connecté à ses émotions, quoi. Et du coup... parler avec la personne dont on est amoureux de ce qu'on ressent, parler de elle ce qu'elle ressent et faire des petits gestes qui montrent ça. Une affection. Une affection. Ouais, et dans ce cas-là, Moi, ouais, moi je dirais que je suis assez sensible. Quoi, est-ce que c'est pas, oui, mais genre, je me retiens, ça c'est un peu la base quand même. Je me retiens de lâcher des caisses. Est-ce que c'est romantique, voilà, selon ça, toi ça, moi je trouve que c'est hyper romantique. C'est hyper romantique. Ok, bon, je suis romantique alors, mais les gars. Vous avez jamais pris de trucs romantiques, vous les mecs? De quoi? Vous avez jamais vu votre meuf ou une meuf à vous? Vous avez jamais fait un truc hyper romantique? Qu'on m'ait fait un truc romantique, j'ai pas souvenir. J'ai fait des trucs qui pourraient. T'es arrivé quoi, toi? T'es pris quoi? Ouais, nana, je suis très maniaque et ça faisait genre 3 ans qu'on était ensemble. Et je dis, ouais, je vais pas te faire le truc relou, mais le truc que normalement les meufs disent aux mecs, mais je fais vraiment les chaussettes qui traînent, ça me fait un peu yège, quoi. Ouais, toi, tu disais ça à ta maman. Je dis vraiment, ça me saoule les chaussettes qui traînent, vraiment, tu pourrais. Ouais, d'accord. Et je jouais tous les soirs au théâtre et je rentre un soir et j'ouvre la porte et je vois des chaussettes partout par terre. Je fais, ah non, mais vraiment là, je vais vraiment péter un câble. Et en fait, j'ouvre la porte et elle avait fait un chemin de chaussettes. Jusqu'au lit, jusqu'à elle. Oh, à poil dans une grande chaussette. Et il y avait Anne Moix qui disait, je l'ai baisé. Et ça t'a fait ressentir quoi? Ah, j'ai fait, oh, ça m'a mis le nez dans mon caca, clairement. C'est vraiment nul. Ma meuf est trop mignonne. J'avais trouvé ça trop mignon. Puis c'est malin, c'est stylé. Et elle était dans le lit. Ouais, elle dormait. Oui. Dans une grande chaussette. Ah, non, elle dormait, mais en gros, ça voulait dire, voilà, les chaussettes traînent, mais au moins, les chaussettes t'amènent à moi. Et est-ce que je joue avec notre quotidien pour faire une petite surprise mignonne? Ouais, bien sûr. Et au bout de troisième rencard qu'on faisait. On n'avait pas encore couché ensemble, parce que j'ai fait l'amour tard, parce que c'est dans mon deuxième spectacle, l'origine. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il est loué, il est en DVD. Peut-être sur le channel aussi. Non, je me souviens, on marchait, on allait au Vidéo Futur. Quand même, c'est une époque. Hein. Non, mais on allait au Vidéo Futur de Clichy. Et on marche. On a pris la VHS. On marche de et tout comme ça. Et elle me dit, Baptiste, je fais quoi? Je me retourne, je la regarde, elle a fait. Et elle rote. Et moi, je me marche, c'est trop marrant. Elle dit, je l'ai fait parce que je savais que ça te ferait marrer. J'ai fait, ok, en train de marquer des mais points. Mais ça, tu trouves que c'est romantique? Ouais, c'est mignon! C'est un petit non, truc c'est de trop mignon, mais est-ce que tu mettrais ça dans le. Ouais, parce que dans son. Bah, parce que elle a fait ça au début, et au bout de 3 ans, elle m'a fait ça. À un moment donné où je m'y attendais pas du tout. J'ai l'impression que romantisme, là, on le fait un peu comme si c'était des trucs un peu forcés qu'on fait pour faire plaisir à l'autre, tu vois. C'est pas forcé, ça vient naturellement. Oui, mais qui fait plaisir, quoi. Heureusement que c'est. Faut l'activer un peu au quotidien. Si un mec fait ça tous les jours, une nana fait ça tous les jours, mais tu te défenestres, tu restes pas avec la personne. Bah voilà, je sais que t'aimes les chocolats. Et bah, je t'ai fait que des meubles en chocolat! Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Mike Brandt s'est tué d'ailleurs. Sa meuf faisait tout le temps des surprises, il s'est défenestré. C'est Mike Brandt, ouais, bien sûr. Non, Baptiste, évidemment, con. Est-ce que j'ai l'air? Est-ce que je suis Philippe Manœuvre, Baptiste? Bah, ouais, t'as beaucoup d'anecdotes. Ouais, bien sûr. Basique. Moi, j'y non, mais en fait, ce qui est... pardon, attends, excuse-moi. Ça fait que 8 fois qu'on le coupe. Bah oui, c'est excuse-moi. Vrai, c'est vrai, pour un truc pas ouf en plus. Non, je dirais juste, au-delà des petits gestes et tout, t'as un truc aussi de ta manière d'aborder l'amour. Moi, c'est un peu là-dedans que quand je repense à moi, ado et tout, je trouve que j'étais hyper romantique. Ouais. Mais dans des trucs de genre, t'aimes une meuf, et même si t'es pas avec elle, tu sais, il y a un truc. Tu c'est déplacerais la, des la montagnes. Meuf que t'aimes. Et je me rappelle que moi, gamin, si je fricotais un peu avec une meuf, alors que j'en aimais une autre. Fricoteur. C'est-à-dire des trucs pétés, hein. J'étais vraiment en galère à cette époque-là. Mais genre, juste de. Genre, de... tu te frottais contre un arbre, on est tout. Ouais, voilà. Il y avait une meuf à côté, quoi. Et tu la regardais droit dans les yeux. Parle-moi avant que je me frotte contre l'arbre et dis-moi que t'es un écureuil. Voilà. T'es clairement bah, zoophile, si je faisais ça et que c'était zoophile et à côté de la meuf, mais dans tous les cas, j'avais l'impression un peu que je trahissais l'amour que j'avais pour l'autre meuf. Ouah, ouais. Ah ouais. C'est mignon. Et quand je fais plus trop ce genre de truc, quoi, effectivement, ça complique. Est-ce que tu faisais pas. Et ça, pour moi, c'est un truc un peu romantique. Tu vois, genre, j'ai décidé que j'aimais cette femme et je lui dois. Donc j'aimerais personne d'autre. Et je lui dois le. Est-ce que c'était tout, pas quoi. Parce que ouais. Celle que t'aimais était beaucoup trop jolie et tu disais, bon, je l'aurais jamais clairement. Bah si, moi j'ai eu ça gars. Jusqu'à la fin du lycée. J'étais toujours une meuf que je kiffais de ouf, que je et me tapais jamais. Avec... Ouais, et il se passait pareil. Rien du coup. Mais primaire aussi. C'est pour ça que j'ai baisé à 23 ans. Ouais, clairement. Mais du coup, directement. Bah, direct, j'ai 2 enfants. Voilà. Donc le mariage monotone. Ta voix s'est calmée très vite, Baptiste. J'ai la définition de romantique. Ben non, mais pardon. Moi, je cherche depuis tout à l'heure. C'est vraiment. En fait, à chaque fois, c'est romantisme, ce qui a trait à des actions romantiques. Oui, bah, ça, à la limite. Très bon sketch de Muriel Robin qu'on vient de plagier. Ah bon? Ouais, c'est un sketch de Muriel Robin. Ouais, je crois. Attends, tu connais le sketch de Muriel Robin par cœur? Le Scrabble, c'est Pierre Palman. Ouais, tu mélanges. Waouh, mais ils l'ont écrit. Mais parce que les gens les imitent, pareil. Pardon, Véro, que je nettoie la salle de bain. Ok, d'accord, pas de problème. Je voulais dire l'addition. C'est ça que je voulais dire. Romantique, ce que je retrouve le plus, c'est qui évoque les attitudes et les thèmes chers aux romantiques, entre parenthèses, sensibilité, exaltation, rêverie, etc. Bon, exaltation, c'est moi vraiment c'est ça. Ce que j'avais dit. Non, voilà, parce que exaltation. Bah, oui, j'ai bien, mon pote. J'avais bon. Non, exaltation. Mais après, les gars, c'est exaltation, il y a un côté, oh, je m'emballe. Il y a un côté, comment Raymond Devos. Oh, vous êtes là. Oh, je suis romantique. Oh, je transpire beaucoup, donnez-moi un mouchoir. Truc, moi je trouve qu'il y a un côté hors qui sort de la réalité un peu. Après, tu vois. Là où je rejoins un peu Baptiste, moi je trouve ça romantique quand tu as parfaitement compris l'arc narratif de la personne avec qui tu vis. Parce que la petite blague du rot ou le chemin de traverse de chaussettes, il y a un truc un peu malin de je te connais, ouais, j'écoute quand tu parles, je fais de notre discussion quotidienne assez banale. Ça c'est de l'amour et de la complicité quoi, tu vois. Ouais, oui. Mais c'est des trucs. Tu vois, par exemple, bon, je vais balancer du name dropping. Laurent Baffy par exemple, il a peur en avion. Mais comme c'est pas permis, jamais de la vie il peut monter dans un avion. Et bah pour je crois que c'est les 50 ans de sa femme, je crois, sa femme rêvait d'aller à New York. Il a dit bon bah on prend l'avion, on va à New York. Donc sa femme dit mais t'es sérieux, on prend l'avion? Il dit bah ouais, je veux te faire plaisir, voilà. Ça c'est romantique. Mais il s'est chié dessus l'aller en retour, il a failli crever, mais il l'a fait pour faire plaisir à sa femme. T'as les hôtesses de l'air qui font bah alors le sniper, on chie dessus, alors le sniper, on a plus la petite boutade. Alors bah allez, vas-y la punchline. Tristesse du truc. C'est vrai que quand t'es ado, tu crois que les trucs romantiques, il faut forcément une Cadillac avec plein de fleurs. Mais et non. Tout. Alors qu'avec l'évolution des années, moi par exemple, bah je suis pas sur Facebook. Et ça, tu trouves ça romantique? Non. Mais pour l'anniversaire des 30 ans de ma meuf, je me suis inscrit sur Facebook juste le temps de lui pour organiser. La tromper, par contre. Pour la tromper. Ça c'était pas mal. Ça c'était pas mal. La chatte de sa sœur. En vrai, romantisme. Mais il est romantique, ce mec. C'est mignon d'avoir fait ça. Non, pour organiser son anniversaire. Ouais, la vidéo de son anniversaire. Et donc, bah, c'est quelque part un peu un acte romantique. Mais attends, mais il y a des trucs, oui, il y a des actes romantiques sur la demande en mariage, je trouve que ça compte pas. Un mec qui fait, tu vois, par exemple, on avait été hyper déçus, mais vraiment hyper déçus. Kian et Navo, ils avaient reçu pendant la période, bref, mais des milliards de propositions de trucs. Et il y a un gars qui nous dit, clairement, je vais faire un bref pour demander en mariage ma meuf, mais il y a un truc un peu particulier, donc je sais plus, je crois qu'il avait demandé à Kian d'enregistrer un court message, il l'avait fait plein de fois. Et le mec, on regarde la vidéo, et en fait, c'était un truc de ouf. Le mec, il s'était mis dans une salle de cinéma, et il amène sa meuf au cinéma, il y a des bandes annonces qui passent, et d'un coup, paf, il y a une bande annonce qui passe, et c'est le bref pour la demande en mariage. Wow. La lumière s'allume, il y avait que des potes à eux dans la salle, tout le monde se lève, wow, c'est ouf. Et le truc qui avait tout niqué, c'est qu'à la fin de la vidéo, il y avait son entreprise, sa boîte, il avait fait une pub de ouf. Et nous, on était, oh, c'est nul. Vraiment, on avait regardé Kian, il avait dit, oh, mais quel dommage, le mec, il met la pub de sa boîte à la fin. Tu sais, on était tous, oh, c'est un truc de ouf ce que t'as fait. Et le mec, il fait, et n'oubliez pas, la société, sur Gcom, elle livre des agrafes, 24h sur 24, en région parisienne. Ah oui, parce qu'il s'était dit, ça va faire le buzz, et du coup. Et voilà, exactement. Moins romantique. Ça, ça paye le mariage, donc. Le truc était charmé, tu vois, le truc était vraiment bien. Mais du coup, ça se demandait si c'était pas fake. Non, je crois pas, non. Non, excusez-moi, vous êtes des busqueurs de fake. Je suis sceptique. T'es sceptique? Ouais. Bah, t'es une fausse pour moi. Oh. Yes. Fausse sceptique. Punchline, ouais. Tu nous avais pas dit que chacun a fait un truc, a tenté de faire un truc romantique et ça a foiré. J'allais y venir. Voilà. Je sais pas forcément si c'est bien. Aurélien, je t'écoute. Bon, Aurélien, tu l'as dit beaucoup trop vite. Ça sent que ton psy, il a pas pu t'aider. Tu l'as fait. Moi, j'en ai un. Ouais, c'est un peu un petit traumatisme, quoi. Parce que j'étais romantique et timide. C'était avec un écureuil. Alors, c'était en CM2, c'était avec une fille. Laetitia Lothar, c'est ça qui est pratique. Non, mais dis pas le nom. T'es malade, faut pas dire le nom. Mais si, on balance les noms de famille. Non, bah, il a voulu le faire. C'est Baffy. Toi, c'est vous. On est pas sur une radio. T'as dit Baffy, donc. Moi, en général, c'est moi qui lose, donc j'ai pas. Moi, je m'en fous. C'est pour toi. Elle est avec un gars, toujours dans le même coin. Je crois que tout va bien. J'étais jaloux un peu à un moment donné, mais ça va. Mais j'étais très amoureux d'elle en CM2, mais on était en même temps très potes. Et j'avais peur de casser ce truc là, quoi, tu sais, qu'elle me dise bah non et qu'après on soit plus potes, quoi, tu vois. Oui, parce que en même temps, parce que ce sont des miettes comestibles de cet amour raté. Ouais. Et en cours, on rotait, on était assis à côté, et genre on rotait en scred de la maîtresse. Ça t'aurait pu ken Baptiste, quoi. T'as vu le rond, ça. Et ça, du ça, coup il y avait un truc un peu pote, donc il y avait un petit suspense quant à ses intentions. Mais un jour, je me suis quand même jeté à l'eau, mais comme j'avais pas le courage de le faire, j'avais un petit truc chez moi, c'était une petite figurine, petite balançoire avec deux bonhommes dessus, deux petits nounours, un truc d'amour avec des cœurs, je sais pas quoi. Ouais. Je l'ai emballé dans une feuille de mon cahier de brouillon. Ouais. Qui était un petit cahier de brouillon un peu foncé. T'avais l'état de multiplication derrière? Non, il n'y a rien, le papier, une feuille vierge, quoi. D'accord. Je l'emballe là-dedans et tout. Je le mets dans son sac à la récré. comme toi jusqu'à tard. Je le mets dans son sac à la récré, et retour de récré, elle le trouve, elle se putain, dit. Tu le mets dans son sac, t'es fort déjà. Ouais, voilà. Là, rien que d'en parler, je suis pas bien, j'ai le cœur qui va. Il y a un côté mission impossible. Ah, c'est la pression. Un côté mission impossible. Un peu intrusif aussi. Et là, oh, je l'ai posé au-dessus, quoi. Ouais, j'ai ouvert, le sac était ouvert. Un scientologue. Elle était prête à recevoir ce présent. Je pose le cadeau, ça revient de cours de récréation, elle le trouve, elle l'ouvre. Elle voit ce truc-là, elle se dit. Et toi, tu l'observes. Ah, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis assis à côté d'elle. Hein. Oh, donc moi, je dois bien jouer la comédie, mais en même temps, je pense que j'ai le cœur qui bat. Je suis en galère. Venir, et tu sais pas le faire, j'ai joué avec toi. Et elle dit. c'est une blague. Elle dit ah, j'ai ce truc-là et tout, machin, mais elle se demande c'est qui, c'est quoi. Et c'est ridicule parce qu'elle va pas dire c'est toi, tu vois. Ouais. Genre, juste. C'est un peu nul comme plan, j'avais pas la suite, quoi. Parce que t'avais pas prévu de dire. C'est moi qui. Bah ouais, c'est nul. Ah, d'accord, parce qu'à 8 ans, personne n'utilise cette voix, genre. C'est moi. Tu connais personne à 8 ans qui dit ça. Si on te dit, c'est toi, tu peux répondre. L'objet c'est moi. Dans les mains. C'est moi. Je l'ai dissimulé dans mais en fait, excuse-moi, cocotte. Je pense que mon plan inconscient, c'était qu'elle me dise, c'est toi. Tu vois et, ou qu'elle me regarde et qu'on ait un échange complice un peu plus long que quand le regard de pote, tu vois. Quand tu rentres. Voilà, c'est ça. Et on se marie. Elle me dit pas c'est toi, elle dit, je sais même plus si elle m'en parle, mais je vois qu'elle a vu le truc et tout. Et après, du coup, il y a un suspense, c'est qui, c'est quoi, machin. Et en fait, à un moment donné, elle sous-entend, après la fin du cours, elle sous-entend que ça serait Damien Millard qui lui aurait potentiellement. Non, moi, je balance les noms. Hein, c'est toujours des poteaux, c'est des frères. Presque un nom de joueur NBA. C'est des frères. Elle dit Damien Millard. Et Damien Millard ne dément pas. Oh le bâtard! Oh catastrophe! Alors là, j'avais pas prévu ce que j'allais faire. Mais on dirait un film de Tarantino, on va niquer ce mec! Et Damien Millard ne dément pas et du coup, elle est contente. Oh le bâtard! L'enfer! Oh là là! Mais mec, on dirait un épisode de Friends, c'est incroyable ton truc! Ah, je suis en galère. Et du coup, là, il est arrivé un truc malheureux qui est que moi, je dois maintenant démentir, ce qui est l'acte le moins romantique, tu sais. Je dois, eh, c'est pas lui, genre, c'est moi, hein. Et c'est genre coup, si Cyrano, ah ouais, c'est comme si Cyrano, il avait fait, en fait, c'est moi qui balance le texte, avec elle, avec mon gros pif. C'est ça, t'aurais été romantique. T'aurais été romantique, t'aurais rien dit, et tu leur aurais laissé partir tous les deux dans le lointain, et t'aurais dit, voilà, j'ai créé un amour, adieu. Non. Ah, je suis vraiment si envers un monde d'amour. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? On le dit pas, on fait un court-métrage. Non, parce que romantique, on fait un icône. Planter le gars, quoi. Ouais, c'est ça. C'est mais, mec, c'est vrai. Mais le pire, c'est que je l'aimais bien, Damien Millard. C'est ça. Non. Je propose un icône. On va faire un icône film festival qui s'appelle Je suis une cour de récré, tu vois, un truc comme ça, et on va raconter cette histoire. Mais mec, après ça, t'as été à la frontière turque. C'est pas possible. Qu'est-ce que t'as fait? Après ça, j'ai sous-entendu que c'était moi en montrant mon cahier de brouillon. Avec une feuille déchirée. Parce que en fait, brouillon, ouais. Les feuilles. Il a repassé comme ça, regardez, si je fais comme ça, il y avait écrit ton admirateur secret sur la feuille. Et en fait, mon papier de brouillon était atypique. Le papier était un peu foncé, contrairement à tous les élèves de la classe. Donc je devais prouver subtilement, nullement, machin, que c'était vraiment moi. Elle était daltonienne, donc. Parce que là, il était même plus question de dire, bon, tu m'as pas demandé, mais c'est moi, ce qui est déjà soi en soi serait nul. Ouais, là, ouais, c'était juste, c'est pas Damien, c'est moi, regarde, et mon cahier. Alors qu'elle était contente que ce soit Damien. Du coup, ce qu'elle aurait pu dire. Déception. Peut-être, mais t'as fait un truc super, je vais aller avec lui. Putain. Donc foire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'elle m'a dit que. Elle était pas avec mon reste copain, quoi. Est-ce qu'elle s'est mise avec Damien derrière? Elle s'est pas mise avec Damien derrière. Et moi, ça c'était en CM2. Et quand je suis parti en 6ème, elle était pas dans le même collège que moi. Ah, ça va alors. Mais en CM2. Parce que ses parents avaient divorcé? Non, parce que mon école primaire était loin de chez moi. Mais c'est souvent les trucs qui arrivent. Mes parents divorcent, du coup, je change de bahut. C'est juste moi en primaire, j'étais à côté loin de chez moi. Du coup, après, j'étais plus près de chez moi au collège. Et du coup, j'étais pas dans son collège, mais elle m'avait filé, ou peut-être que je lui avais pris un peu de force, j'ai déformé le souvenir, un petit bracelet qui était rose. Et que j'ai gardé jusqu'à ce qu'il se casse. C'est vraiment très bizarre. Ce qui fait qu'en 6ème, j'avais un petit bracelet rose. Oh. Et j'étais le 6ème, t'arrives, tu dis je suis un nouveau gars. Je vais me recréer une personnalité. Meufs, ouais. Tu profites de ça pour redevenir plus un loser. Et moi, à la place, j'avais un bracelet rose de la meuf que je m'étais pas tapé. Ouais. Le geste romantique vers vraiment une meuf que j'ai. En CM2, mec, vraiment, calme-toi. Vous tapiez pas des meufs en CM2? Si, mais c'était du smack. Ouais, bah si, j'ai eu. Même pas. Moi, j'ai smacké très peu de temps en temps de la virginité. C'est vraiment le mec de 8 ans qui fait « Ouais, bah tu vois, qui a fait cette punition, monsieur ?» C'est moi. Et alors ? Alors, menottez-moi. J'ai des poignets, menottez-moi. Vous allez faire quoi ? Allez-y, tapez-moi dans le bide ! Moi, j'ai une question, mais est-ce que tu as dit, bah, du coup, rends-moi le truc, quoi ? Le tout, tu me le rends, quoi ? Non, j'ai. C'est tellement mec du peuple. Non, mais j'étais un. Hey, tu rends au peuple ! Je pense que je me disais, elle va l'avoir chez elle, elle va réfléchir, tu vois. Et elle va se rendre compte. Oh là là, mais c'était trop bien cette anecdote ! Que sous l'héros, il y a un mec exceptionnel. Sous l'héroïne, tu l'as fini de l'héroïne. En fait, t'es la mule de Clint Eastwood. C'est ça. Elle s'est mise avec Damien Millard. Non, mais t'écoutes pas, il non, elle s'est dit pas que mise non. avec Damien Millard. Elle s'est mise. Mais elle s'est 25 ans. Ah, man, elle est avec Thomas Capio. Ça se voit que t'es pas sur Facebook. Mais t'as pas lancé trop de blase là. Mais je les connais. Enfin, je les connaissais. Tu les connais, c'est bon. Mais ça j'ai va. Pas dit des trucs humiliants. Est-ce que là, en eux, les disant, t'espères qu'elle entendra ça et qu'elle se rendra compte qu'elle a fait une erreur et qu'elle viendra taper à ta porte. Ça se trouve, t'es en train de détruire ton couple actuel. Elle va sonner à ta porte en mode. T'es en couple. Elle va roter. Elle va roter devant toi et dire. J'ai pas oublié. Non, bien, tu vas manger indien. Ouais. Ça, c'est le truc que j'ai pas prévu. Non, mais en sixième, je pensais à elle, quoi. Beaucoup. Mais je crois que tu restes longtemps avec les. T'as encore un peu envie de te la taper. Non, dans ta voix, il y a quand même un truc de genre. Il y a tous une meuf ou deux qu'on a connues au collège ou au lycée, et si on la revoit, on se dit, bah toi. Ouais. Ou le coup, ça, la force, c'est de pouvoir dire non. Eh oui. Et moi, je tease mon anecdote. Oh là là, le salaud. Putain, c'est Christopher Nolan. Adrien, petite anecdote. C'est pas vraiment une anecdote. C'est un le truc. Meilleur pour vendre un truc, c'est de commencer par. Ouais, non, mais c'est. Non, mais je bah, déjà, moi, j'ai eu peu d'interactions avec les femmes. Pourquoi tu fais ça? Tu veux quoi? Tu veux plus la bouteille? Le coca est là. Tu voulais acheter une bouteille. Prends les bras, s'il vous plaît. Non, mec, je suis en train de raconter une anecdote. Parce que j'ai vraiment une anecdote, je pense que je mérite un petit coup. Tu as dit que t'étais d'elle, quoi. Un petit 50. C'est vrai qu'il a mérité. C'est vrai. On se cotise, on fait une cagnotte. T'étais pas sur les meufs, toi. Comment? T'étais pas trop meuf. Mais moi, j'ai comme toi, moi, très tard. Hein. Ah ouais, bah ça, c'est. Voilà. Mais lui, il était très tôt sur les meufs. Il a attendu longtemps. C'est ça. Il y a toi, Ken et moi, j'ai aimé trois filles vraiment longtemps. Et elle voulait d'accord. pas. D'accord. Moi, j'ai. Non, mais moi, j'ai rien jusqu'à. Même rien jusqu'à 22 ans, moi. 22, 23 ans, rien. Même oui, mais pas... t'aimais pas des meufs? Si, mais je faisais rien. Oui, d'accord. Voilà. Oui, toi non plus, si tu faisais des trucs, toi, t'avais des amoureuses, quoi. Non, quand même. Ouais, non, je bah, il dit qu'il faisait des smacks en CM2. Oui, c'est vrai, des smacks. Il faisait non, des smacks. Mais on peut parler scientifique. Moi, un vrai ouais. orgasme avec une nana, c'est 23 ouais. ans. Ouais. Donc, oui, c'est oui, vraiment. Oui, mais il y a eu du touche-pipi avant, c'est vraiment que j'ai. Waouh, on arrête parce que là, c'est en train de partir en sucette. Non, mais je veux dire, t'avais. Pige d'Aladin. Mais. Non, mais tu sortais avec la vie de Baptiste quand même avant. La vie de Baptiste, c'est le pitch ouais, d'Aladin. Non. Non, mais essaye pas de faire genre c'est moi le plus gros lutteur. J'ai fait embrasser des meufs, je l'ai tu fait. J'ai fait des jeux de la bouteille en espérant tomber sur voilà, un. Je tombais jamais sur la bolle. J'ai dit, putain, c'est pas vrai que je vais embrasser du tout. Ouais. Ah, donc t'as pas embrassé de meuf. Moi, j'ai. Non, pas de relation. Rien jusqu'à 22-23. Mon premier smack, 18, en vrai. Oh là les mecs. Oui. Ah ouais, mon gars. En revanche, j'ai enculé dès 9 ans. Bon, c'est ça qui. C'est ça, on va le garder. Bah oui, ça c'est honteux. Bah, non, mais moi, écoute... ce que j'ai dit, c'est rien du tout. Donc, moi, moi, ça fait 13 ans, Baptiste, que je suis avec ma copine. C'est pas un concours de. Voilà. Non. Moi, j'ai été 14 ans avec une meuf, donc calmez-vous. Non, mais c'est pas un concours, justement. Si, c'est vous qui avez vu de la compétition. C'est un concours. Hein. Après, c'est vrai que c'est un concours. Les trucs, je suis avec elle, donc bah, vous si pouvez me le grand c'est un concours et c'est un succès. Donc, c'est la fin des concours. Si c'est le concours du mec qui se fait le plus interrompre, j'ai gagné. Non mais en plus elle, voilà. elle est vraiment très courte. Eh Baffi, retourne dans ton avion parce que là, voilà, t'as trouvé un concurrent. Ouais, Allez, ça schmoute. Ça n'a rien à voir avec ça schmoute. Allez, laissez-le exprimer. C'est vrai que tu découvres le podcast. Tu viens de découvrir que t'as 35 ans. J'ai beaucoup plus. Hein enfin, pas beaucoup plus, j'ai plus. Je suis oh plus vieux que toi. Là, c'est moi qui ai 35 ans. Ouais, lui il a 35. Ah, je suis... ah, toi, je t'as 32, 33 ? Non, j'ai 35 aussi. T'as 35 aussi. Ah ouais ? Je pensais que je suis plus vieux. Adrien, je pensais que t'avais 29, 28, un truc comme ça. Bien sûr, j'ai 38. Non, ça c'est vrai. Là, vous voyez pas dans le regard de Baptiste, mais pour Baptiste, Adrien vient de mourir. J'ai un pied dans la tombe. Oh là là. J'ai un pied dans la tombe, effectivement. Oh là là, mec. J'adore qu'on me le rappelle. Alors. Bah, au moins je fais jeune apparemment. Ouais, tu fais super bien, méga jeune. Voilà. Allez, vas-y. C'est ce qui fait. On arrête de l'interrompre parce que c'est le doyen. On est là. Exactement. C'est vrai que je suis le doyen. Si tu veux une pipe et une bouillotte. Je veux bien. Je veux bien les deux. Pour être dans le cluedo, putain. Mais dans les cartes. Pour être dans le cluedo. C'est drôle. Bon bref, moi, à mon époque, avec les femmes, on allait voir le père. C'est un petit truc. Alors c'est pas drôle tellement. C'est un truc romantique, un peu romantique que j'ai fait pour ma copine en fait. Donc mais casse-toi à ce moment-là, Florent. Mais je supplie, Florent. Mais t'as aucun respect. Bah, pisse pendant que je parle. Attends, vas-y, on va te dire autre chose. Bon, en gros, alors c'est pas une invention de. En fait, il faut savoir que tous les ans, on célèbre notre nos anniversaires. C'est un an, quoi. Voilà, c'est le 6 février. Ouh, et, c'est bientôt. Et donc, c'est vrai que c'est bientôt. Et bon, on fait quelque chose. Et une année sur deux, c'est à moi d'organiser un truc. Et pour les 9 ans, c'était donc à moi de faire un truc. Et j'avais prévu un week-end à Londres que j'avais préparé, payé. J'avais payé l'hôtel, tous les billets, etc. Et pour lui annoncer. Alors c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est un truc que j'avais vu sur internet et je me dis. Il est tellement honnête. Non mais parce que quand je l'ai quand j'ai montré à mes potes, genre regarde ce que j'ai fait, ils ont dit oh trop fort mec, j'ai dit non je l'ai pas inventé, mais c'est vrai que c'est quand même mignon. Un lamjack. C'est ça. Non. En gros, j'ai fait une playlist Spotify et où en fait, si tu lisais le titre des chansons dans l'ordre, ça faisait une phrase. Oh. Alors en anglais du coup parce que c'était plus simple. Est-ce que t'as réussi à mettre le dimanche à Baba Mako? Non. Ça faisait une phrase qui disait en gros, alors je sais plus, je l'ai la playlist, je pourrais le dire, mais en gros ça disait hey, ma chérie, joyeux 9 ans, est-ce que ça te dirait de partir à Londres avec moi, machin, en anglais, tu vois. Et donc moi je pars au taf parce qu'à l'époque j'étais DA de Golden Moustache, donc je partais tôt le matin et tout ça. Et donc une fois arrivé, je lui dis, je lui envoie, c'était sur Messenger, je lui dis tiens regarde, je t'ai fait une playlist. Et donc faut savoir que les morceaux c'est de la merde du coup parce que c'est pas des morceaux connus quoi, c'est des, toi tu cherches les mots. Ouais. Donc il y a un truc qui s'appelle et hey, elle l'a pas compris. Hey babe, blablabla. Et donc je dis tiens regarde, je t'ai fait une playlist et tout, et elle voit la playlist et elle, je sais plus si elle m'a appelé ou si elle m'a envoyé une photo ou quoi, et en gros elle m'a dit ah, j'aurais réagi genre c'est trop mignon putain, je chiale et tout, genre elle était, mais genre, donc je dis putain ma surprise a quand même bien marché. Et il faut savoir qu'en fait à ce moment là elle n'avait pas compris. Elle s'est juste dit putain il m'a fait une playlist, c'est trop mignon. Et elle était déjà en train de pleurer. Ah génial. Et donc du coup elle dit ah oh, c'est trop mignon putain, je chiale et tout, je fais ouais et tout, puis je vois qu'elle parle pas du tout de Londres après ni rien, et donc je dis T'as lu les titres et tout, lis les titres dans l'ordre et tout. Ouais, et du coup, là, sur chialade. Parce que non, du coup, elle a compris. Donc là, capte. D'accord. Là, elle chialait alors qu'il y avait le petit bonhomme en mousse parmi les chansons, tu vois, juste parce qu'il y avait le dedans pour faire ta phrase. Non, voilà. Et du coup, là, sur chialade et tout. Et voilà, là, j'ai marqué des points, on peut le dire. Ah non, et donc vous êtes parti à Londres pour vos 9 ans. On est parti à Londres, etc. De très mauvaises vacances, par contre, je crois. Je me souviens, vous êtes engueulé. On s'est séparés. Ouais, c'est ça. C'était vraiment nul. J'ai découvert qu'elle votait Front National. C'est ma fille playlist aussi pour me l'annoncer. Vous êtes... Salut mon petit bonhomme en mousse. Je vote. Non, évidemment non. Marine Le Pen de Philippe Catherine. J'adore. Enfin, non, c'était un excellent week-end et voilà. Et c'était il y a 4 ans quoi. C'est beau. Mais je savais pas que des gens le faisaient. J'avais vu le truc de mec qui fait des tweets tous les jours et en fait ça fait Bohemian Rhapsody. Je sais pas si t'avais vu ce truc là. C'est un bot, pas que en des fait. Gens. Hein un bot Non, c'est genre elle dit, tu vois, genre. Mama, nanana, et en fait, après, quand tu scrolles, tous les premiers mots, c'est la chanson. Alors moi, c'est pas tous les premiers mots, hein, c'était le titre entier. Oui, bah, ce qui est plus stylé. Ce qui est plus dur à faire, du coup, même, en vrai. En vrai, ça va. Parce que tu te rends compte qu'il y a de. Enfin, si tu veux prendre que des chansons. Tu l'as encore la playlist? Je l'ai la playlist. Peut-être tu pourras nous la donner enfin. Bien sûr. Ou quand on passera à quelqu'un d'autre, et pendant ce temps-là, tu cherches. Enfin, voilà, on crée un peu l'émission en direct. Voilà, mais il faut. Et du coup, je lui ai dit, mais du coup, t'as chialé juste parce que je t'avais fait. Juste parce que j'avais fait une playlist et elle m'a dit. Tu as chialé. Parce qu'en vrai, comme tu cherches juste. Elle m'a dit, j'ai rarement l'habitude d'être heureuse avec toi, alors la moindre playlist, moi, je vole. La dernière fois que j'ai pleuré de bonheur, c'est quand tu t'es brûlé avec la plaque chauffante. Ça se passe bien entre vous. Ah, génial. C'est moi le dépressif du coup. Et Non, non, et je lui ai dit, mais attends, juste à chialer parce que je t'avais fait une playlist. Et elle a dit, bah, je t'avoue que quand j'ai commencé à l'écouter, je trouvais ça bizarre. Parce que vraiment, c'est des titres. En aléatoire, ça dégueulasse, quoi. Il y a, dégueulasse, façon, dégueulasse, ouais, y a des trucs, c'est des gens inconnus et qui font de l'électro immonde et tout. Genre Kyo. Ah non, mais des trucs inconnus. Parce que ça, le truc, c'est qu'il y a. Voilà. Et du coup, elle m'a dit, mais bon, je trouvais ça trop mignon que tu m'aies fait une playlist. Et puis après, j'ai dit, ouais, mais j'ai aussi de l'oseille. Ouais, c'est encore plus mignon. Et on part à Londres. Voilà. Bah, très stylé. Voilà. Très stylé. N'hésite pas à voler cette idée pour vos acteurs. Moi, j'ai moi-même volé, donc allez-y. C'est open bar. Il y avait une petite loose au milieu quand même. Sinon c'était trop parfait. Bah, c'était. Ouais, mais moi, c'était pas une. C'est une loose mignonne. Oui, hein, c'est va. Une loose de. Elle avait... Enfin, ça parce va. Parce que quoi. Je me suis dit, ouh, c'est à chiel déjà. Ah, attention. Voilà, j'ai dit ça. T'as dit ça, t'étais un méchant dans les Schtroumpfs. Romainson, un acte romantique que t'as pu faire, quelque chose qui a marché. Quelque chose que tu t'es pris aussi, visiblement, on te fait des actes romantiques, tu disais en début d'émission. Oui. Ouais, mais là, je vais afficher l'autre personne, parce que c'est l'autre personne qui a. Ah, bah non, bah, fait, si t'as pas envie, ne l'affiche pas. Pas faire, hein. Moi, il y en avait une courte que j'avais faite qui c'était. Dans Friends, il y a un jour où Ross arrive pour. Dans un jeu sexuel avec Rachel, marin de la Navy, oui. En bleu. Ah oui, comme officier gentleman. Officier gentleman, exactement. Et ma meuf de l'époque, en voyant ça, m'avait dit, putain, c'est incroyable, c'est chambé un mec qui fait ça. Donc, pour son anniversaire... T'es arrivé en Spider-Man. Non, j'avais en brise de Nice. Et dit, va dans le lit, je vais te casser. Non, j'avais retrouvé pile le... Ah ouais, le costume. Ah ouais. Navy blanc et tout, je m'étais fait trop chier et tout. Oh là là. Donc, j'arrive comme ça pour dire... on va passer une très bonne soirée, toi et moi. Sauf que ce que j'avais totalement oublié, parce que je m'étais pris la tête, j'avais organisé un dîner et tout, j'étais pas du tout dedans. Parce qu'en fait, après, il faut vachement coucher avec elle, en fait. Parce que, vu que t'arrives et que tu dis, mec. J'ai aimé le vachement. Vachement. Non, mais il faut que t'arrives et que tu dises, là, il va y avoir une soirée sexe. Tu vois, c'est comme quand elle arrive déguisée en écolière ou quelque chose comme ça, il faut envoyer après. Ouais. En fait, j'étais dans mon uniforme et je n'ai absolument pas réussi à bander du tout. Et du coup, on était tous les deux nous-mêmes. Oh là là. Et elle me disait, ah, c'est incroyable et tout. Et ça, il ne s'est absolument rien passé. T'es là, coup, on s'est inciné. Ah, pas mal. Il était sur les bateaux mouches et comme il était en marin, il n'a pas payé. Hey, stylé. Là, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci. Allez, à bâbord. Ma scène, c'est à gauche. J'en sais rien. Ma scène, c'était moi dans la salle de bain, en train d'enlever le déguisement et de le replier en disant bon bah voilà, ce soir, une belle surprise. Ça n'aura absolument pas lieu. Tu mettais dans le plastique du loueur de costume. C'est merci, c'est sympa. Alors que le loueur de costume avait fait plein de phrases genre vous le salissez pas. Avec ça, mon gars, c'est garanti. Mais avec l'eau de mer, ça part pas. Attention. Oh, le truc horrible. Moi, je pensais que t'avais balancé que t'étais à Noirmoutier et que du coup, il y avait des vrais marins américains qui t'ont eu. Qu'est-ce que vous foutez là? Et t'es parti 2 ans en mer. Ça aurait été une vraie anecdote. C'est vrai que souvent, quand il faut que ce soit romantique, il faut que la soirée se passe bien. Ah bah non, il faut que ça se passe bien derrière. Et donc, non seulement tu dois avoir des trucs à te dire, tu dois, alors, et notamment, il faut baiser, alors que parfois, c'était pas du tout le soir. Mais non, des fois, t'y arrives pas, des fois, t'es fatigué. Et donc, faites attention quand vous louez des costumes. Le loueur, d'ailleurs, t'a remboursé. Ah, vous l'avez pas baisé? Bon, non, mais attendez, on vous rembourse. Y a aucun problème. Il a vu à ma tête de honte quand je lui ai rendu le truc. Plus que le replier et le ranger, tu dormais avec elle, là, c'était ta meuf. Ouais. Est-ce que plus que le replier. Avec, qu'est-ce que non, c'est non, ça mais ma question était, est-ce que plus que replier le costume et le ranger, le truc le plus dit, c'est pas sortir le caleçon de la nuit et le t-shirt de pyjama et se ranger à côté? Non, moi, c'est juste quand t'es à côté et qu'elle s'est dit, bon, on met une cassette. Et tu regardes le son de cette cassette tragique. Mais tu sais que moi j'ai ce truc un peu nul où je mets des lentilles. Et en fait, du coup, moi je garde mes lentilles longtemps parce que tu me dis, ça se trouve ce soir je vais ken, ce qui fait que c'est vraiment une espèce de pression à ma meuf tout le temps de t'enlèves pas tes lentilles. Bah je peux si, je vais. Attends, oh là là. Bah, c'est un peu nul tu vois, mais c'est genre comme si t'enlèves ta tub en fait. Exactement. J'enlève ma tub. C'est exactement ça. Bah, bonne nuit. Et donc du coup il y a un espèce de truc de quand elle voit le truc des lentilles, c'est vrai. Et du coup quand elle voit je garde mes lentilles longtemps, elle fait. Ça n'arrivera pas ce soir, hein. Ok, vas-y, mets les lunettes. Bah ouais, sinon c'est moi, un peu je sais, avec des traitements pour l'eczéma, où je dois gérer mettre de la crème, parce qu'une fois que t'as mis de la crème, en fait, c'est le rapport. Si t'es tout blanc de crème d'eczéma, oui, peut-être elle et l'a du dit. Du coup, je suis obligé de planifier, genre, et du coup, est-ce que je fais les traitements Vas-y, ouais. Parce que je vais caler mes traitements selon tes règles, en fait. Donc c'est toute une organisation. Attendez d'avoir des enfants, les gars, vous allez voir le délire que c'est. Oh là là là là, mais quel enfer. C'est un jeu de société de Ken avant. Après, hein. Plus ça va, plus c'est plus c'est la bonne paye. C'est une vraie préparation. Hein. Ouais, mais moi j'aime bien. Enfin, je trouve que le côté organisé, où on dit, bon, tu vois, genre, un truc romantique, il y a une meuf qui m'a fait ça genre, en me disant, tel jour à telle heure, j'ovule, on baise. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, c'était hyper romantique. Parce que du coup. Très excitant, surtout. Il y a un espèce de truc où tu te dis, là, quand elle te le dit, tu te dis, c'est incroyable, ça n'a aucun sens, c'est arbitraire comme moment. Mais en fait, plus le moment approche, et plus tu te dis, bah, c'est. Et en fait, c'est ça un peu paradoxal, parce que c'est un peu ton moment qui était planifié. À partir du moment où tu mets le costume, tu rentres chez toi, tu fais talin, t'aurais dû te prévoir l'heure. Je crois que ce qui m'a stressé, c'était que j'avais trop vendu. J'avais dit, tu sais, j'étais arrivé en disant, meuf, tu sais, t'arrives en liane dans le pieu, et après, en fait, tu n'assures absolument pas derrière. Mais je suis d'accord que prévoir, c'est un peu excitant. Moi, il y avait une meuf. Mais alors, c'est pas exactement pareil, c'était pas ma meuf, mais on se tournait un peu autour, tu vois, date, discussion, machin. C'est-à-dire, et tout. On était gilet jaune, on était en rond-point, et on se tournait vraiment autour. Et on tournait autour du rond-point. Non, mais elle m'avait dit, bon, en fait, c'était un peu compliqué, sa vie sentimentale. Elle fait, bon, clairement, on va coucher ensemble, mais voilà, en ce moment, c'est un peu. Et ça, mon gars, ça m'avait fait partir, parce que vraiment, je pense qu'elle, elle savait que ça allait vraiment se passer, je pense que c'était ça, mais moi, il n'y avait pas du tout une confirmation dans ma tête qu'on allait coucher ensemble, tu vois. Moi, j'ai besoin vraiment que la personne. Et ma teub dans sa main pour le dire, bon là visiblement on va peut-être faire quelque chose, visiblement il y a moyen. C'est tellement Shannon Elizabeth dans American Pie. C'est oui, ça en ce moment, elle dit Jim on va coucher ensemble. Mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est en fait pour moi dans sa tête c'était vraiment genre, bon je suis désolé je te fais attendre parce que moi faut que je gère 2-3 trucs. Et moi j'étais genre, mais t'es folle c'est génial, dis-moi quand c'est, je me prépare. Et voilà, et donc du coup je suis d'accord, le côté prévoir peut être extrêmement excitant. Tout simplement. Ce qu'on espère pour si jamais on a des enfants apparemment. Ouais, parce que visiblement quand on est enfant, c'est... il faut vraiment. Non, c'est non, mais tu prévois, mais t'as jamais. Non, mais bon, clairement, je peux le dire. Il y a pas, il y a un petit temps. Enfin, oui, on s'en fout du laps de temps. Bon. Est-ce que tu veux passer que je mette une musique triste? Non, mais... Je commence à faire. Non, mais c'est compliqué. Moi, j'ai deux enfants, donc je commence à faire. En bas âge, en plus, on peut le dire. En bas âge, je commence à faire moi avec ma meuf. Et là, il y a ma fille qui est rentrée dans la chambre habillée en schtroumpf. Et qui s'est mise devant le lit et fait papa, maman, regardez. Et nous, on était clairement en mode ah merde, si on enlève la couette, c'est mort. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Et tout, là, tu regardes la tête, c'est là. Regarde, je suis un schtroumpf. Et toi, t'es là, tu fais ouais, t'es un schtroumpf, c'est là. T'as vu, je suis un schtroumpf. Ouais. Et tu reprends après ou, bah, ou c'est terminé? Dans quelle vidéo tu peux reprendre? Imagine sur YouPorn, t'as ça. T'as le débarre à 2 minutes 32 quand le gosse y rentre, trop drôle. T'es malade. Mais est-ce que du coup tu fais vite la fin de la conversation, genre oui oui bah c'est, on va aller voir après, ou est-ce que tu dis bah oui alors quel schtroumpf? Je trouve quoi? Je trouve farceur? Je trouve je suis le schtroumpf qu'empêche de demander, salut. Ok, waouh, t'es super avant. Mais du coup après t'en rigoles, tu fais c'est marrant quand même, elle rentre en schtroumpf. Bah on se raccroche à ce qu'on peut, de toute façon après. Mathis, tu avais. Toi t'étais un peu en schtroumpf aussi parce que t'avais les couilles bleues. Mais putain, mais mettez des casques! Mais en plus, il fait des blagues en mangeant un risotto aux champignons. Mais c'est un risotto aux champignons ou tu manges que des champignons? J'ai l'impression que c'est que des champignons dans de la crème. Baptiste, toi, est-ce que tu as une anecdote concernant le romantisme? Après, vous inquiétez pas, j'ai quelques questions de gens qui se demandent, qui se posent plein de questions sur le romantisme. Alors, ouais, j'avais fait un acte romantique, c'était en CM2. J'étais très amoureux d'une fille qui s'appelait Tiffen, mais je vais pas dire son nom. Elle s'appelait Tiffen. On peut redire le nom de celle qu'a cité Aurélien. Alors il s'agissait de Laetitia Letard. De Tiffen Letard. Non, alors j'étais en CM2 et j'étais. En fait, non, j'étais en CM1. Et les CM2, il y avait 8 CM2 dans notre classe, c'était une classe CM1, CM2, et elle était dans les 8 CM2. D'accord. Donc elle était sur la rangée à côté, on disait, non mec, elle est en CM2, elle inaccessible. Est inaccessible, c'est pas possible de la voir. Et donc, premièrement, déjà, j'avais écrit une lettre d'amour à Tiffen. Je lui avais écrit une lettre, je l'avais postée, je l'avais mis dans sa boîte aux lettres, qui était à 37 mètres de chez moi. Et il se trouve qu'il y avait un mec qui lui tournait autour qui s'appelait Nicolas. Il tournait autour et je savais qu'elle voulait un peu sortir avec. Et mon meilleur ami, Jean-Marie, habitait à 12 mètres de la maison de Tiffen. J'ai dit, mec, j'ai mis l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Tiffen, je peux venir chez toi et tout. Et je regarde par la fenêtre et tout, et je vois qu'elle court dans le quartier avec Nicolas Chin et un autre gars. Et je dis, ah, je vais donner la lettre, j'espère qu'elle va la voir et tout. Et je les vois, les trois, en train de rigoler, de nous regarder par la fenêtre. Je suis, oh, merde, je suis sûr, elle a eu la lettre. Je suis sûr, elle a eu la lettre. Et ils nous regardaient, les trois, en rigolant. Et au bout de une demi-heure, une heure, j'étais tétanisé. Je descends et je capte qu'ils ont brûlé la lettre. Attends, ça c'est l'acte 1. Je te montrerai l'acte 1. C'est comme les gens qui l'acte 1, c'est moins violent. Après, ils ont fabriqué une figurine à ton effigie, ils l'ont brûlée devant toi. Sur un rond-point. Mais ils brûlent. Et je vois des bouts de la lettre. Depuis elle crame ses DVD. Elle avait cramé en deux, parce que à chaque fois que j'écris une lettre, moi je mettais du parfum. Je pense que la lettre, elle avait fait. La meuf, elle a fait la moitié. Qui est devenue magicien. Et il a dit, ouais, putain, j'ai un pouvoir de ouf. Il s'est brûlé la moitié de la gueule et tout. C'est... Et attends, ça c'était en novembre, un truc comme ça. Et en février, il y a la prof qui nous dit, Madame Orvin, elle s'appelle. Elle dit, on va faire une classe de neige. Les CM1, CM2 qui va aller en classe de neige. Et tout le monde lève la main. Je dis, ouais, faut que j'aille à la neige. On va à la neige. Et moi, je suis encore en mode, ouais, Tiffen, c'est pas mort. Et vraiment, mes potes, ils disent, mec, elle a brûlé sa tête. C'est vraiment, je pense que vraiment, on n'est pas loin de la haine. C'est l'équivalent du gars qui vient avec le piano. Premier jour de, et on fait le trajet en bus et tout. Et moi, dans le bus, j'arrive, ouais, venez, on va au fond. Les rebelles, ils disent, venez, on va au fond. Moi, je dis, je vais pas aller au fond, si je suis pas un rebelle, clairement. Je vais attendre de voir, me rapprocher des places. Malade de, en bus. Me rapprocher. J'étais malade en bus. Je suis jamais malade, mais j'étais stress. Du coup, je me suis retrouvé devant. Donc, tout se passe mal. Ouais. Premier jour de ski, on est tous dispatchés et tout machin, et moi je suis en mode Tiffen, je vais la séduire. Et le premier jour de ski se termine, on est tous en bas, comme ça, avant d'aller manger, et Tiffen elle a la gueule toute rouge, parce qu'elle a oublié de mettre de la crème solaire. D'accord. Tiffen, tu viendras dans ma chambre, je te mettrai dans l'après-soleil, pensez à mettre de la crème solaire les enfants, pour pas finir comme Tiffen. Tiffen brûlée au premier degré. Pas à cause de la lettre. Et hein, moi je me couche et je me dis, c'est bon moment, demain je mets pas de crème solaire. Trop bien. Demain, je mets pas de crème solaire. Je vais cramer et je vais me retrouver avec elle. La journée se passe nickel. Je crame. Je fais que des tire-fesses, la gueule exposée. Comme ça, je me mets au soleil. Bah, viens, on est en chasse-neige. Deux secondes, les gars. Je crame. Mais mec, t'es rouge. Il est 10h du match. Je me fais yes. Je vais tellement cramer. Et donc, j'arrive à la fin de la journée. Je suis cramé. Ah, mais c'est pas possible. Je vous avais dit de mettre de la crème solaire. Mais il est vraiment bête, celui-là. Baptiste, dans ma chambre. Et j'arrive dans la chambre. Et il y a Tiffen qui est là. Et je fais salut. Et je m'assois. Et elle me regarde. Et il y a un silence comme ça. Et je vois une fille qui se fait, tu as fait exprès, hein. Wow. Et là je fais waouh, c'est mort. Et là elle t'a foutu le feu à toi. Tu as fait exprès, hein. Et non mais alors, et voilà, c'était trop mignon. Voilà. Alors, vraiment, c'était tu vois, mignon. Je me suis cramé la gueule exprès. Et je suis rentré du ski, mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as? T'as la peau qui pèle. J'ai brûlé parce que je suis amoureux. L'amour. Je me suis cramé la gueule. Et écoute, non. Des années plus tard, je fais mon premier spectacle, Baptiste tape l'affiche, un succès. On peut dire. Et je joue. Attends, comment il s'appelle ce festival? Je fais un festival. Ah, l'Olympia, pardon. Non, un festival Saint-Gervais, je sais pas quoi, Saint-Gervais dans les montagnes. Personne t'en voudra. Et je sors du spectacle. On fait, ouais, Baptiste, il y a quelqu'un qui veut te voir à la sortie. Et je sors et je fais, oh, t'es vachement rouge. Tiffen. Tiffen est là. Et en plus, il se trouve que sa tête n'a pas du tout changé. Elle et sa sœur ont grandi. Elles ont la même tête, mais vraiment la même tête. Le corps. Et je la vois, elle est là. Et non, elle fait, changé. Je fais, oh, Tiffen, comment ça va? Elle fait, bah ouais, je vais te voir en spectacle. T'as fait exprès de venir dans une ville à côté de chez moi. T'as fait exprès. Et là, tu vois, et je fais, oh, et vraiment direct, je pense à ça direct. Je me dis, ouais, vas-y, mais t'es pas chier, t'as ramené là, toi et tout. Et je fais, oh, le gars, sympa. Je fais, ah, c'est cool, t'étais dans la salle. Je fais, bah ouais, j'ai acheté mes places, c'est incroyable. Oh, tout le monde parle que de toi à Mortain, où on a grandi. Je fais, ah ouais, bah c'est cool, bah merci. Et là, je sens qu'il y a un blanc. Et je me dis, ah, elle va quand même pas me proposer d'aller boire un verre. Et elle me dit, tu voudrais qu'on aille boire un verre? Et je fais, bah, c'est chaud parce qu'en fait, en vrai, le président du jury, c'était Claude Lelouch. Claude Lelouch est arrivé dans cette anecdote. Mais Claude Lelouch était le président du jury, c'était complètement improbable. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive dans cette anecdote. Non, mais je te jure, le président du jury, c'était Claude Lelouch, et l'année d'après, c'était François Berléand, je crois, ou l'année d'avant, je sais pas quoi. Et les organisateurs me disent, Baptiste, Claude Lelouch veut absolument te parler avant qu'il parte, faut qu'on aille très vite au dîner. Et donc, j'ai cette phrase, j'aurais tellement voulu qu'elle la dise devant, je suis désolé, il y a Claude Lelouch qui veut me voir. Et donc, vraiment, j'ai ça en tête, j'ai dit, ah, Claude Lelouch veut me voir, c'est quand même cool. Je dis, bah, non, je suis désolé, je peux pas rester. Désolé, ah ok, bah tant pis. Ouais, salut. Elle est partie comme ça, sur une petite côte comme ça, je me souviens, et je me suis dit, eh ben voilà. Il y avait mon moi de 8 ans qui fait. C'est ce que toi. Eh ben mon pote, on a bien fait de mettre du ketoum. C'est la bien fine. Ouais. Ce que t'aurais dû faire, tu fais, bah ouais, là je peux pas, mais carrément on se voit demain, note-moi, tu peux me noter ton numéro là-dessus. Ouais. Elle note le numéro et après tu fais. Devant elle. Fais, ça blesse ou et pas? Tu pars sur un feedback comme ça. Non mais je pensais la raconter. Tu ça blessant ou pas? Je pensais la raconter un jour sur scène ou pas, je sais pas, mais je vais vous dire pourquoi hors antenne après, je peux pas la raconter, mais je vous le dirai hors antenne, je peux pas le dire à l'antenne. D'accord. Parce qu'elle a avorté de moi, enfin un truc un peu glauque. C'est pas montage. Non, et pour l'anecdote, après, je suis parti au restaurant en courant. J'ai dit, putain, je raconte ça à mon metteur en scène. Je suis, ah, c'est un truc de ouf. Il y a la fille que j'aimais quand j'étais petit. Et on se, ouais, mène-toi, il y a Claude Lelouch qui veut te voir. Avec Claude Lelouch, clairement, il mangeait un sandwich. Il a énormément de tics, Claude Lelouch. Il avait vraiment beaucoup de tics. Et il me dit, et je lui dis, bon, il va me proposer un scénar, clairement, ou un truc. Et il fait, bah, bravo, c'était vraiment bien. Parce que Monsieur, merci monsieur Lelouch, c'est gentil. Ah, j'ai bien aimé. Hein. Je voulais vous le dire. Bon bah j'y vais. Il s'en va. Putain mais. Et là je me rappelle, je suis putain c'est le destin. Je l'ai snobé et le destin a dit Lelouch, tu peux le snobber ce gars. Et vraiment il mangeait un sandwich en 2-2, tous les festivaliers m'avaient dit Dépêche-toi, c'est une opportunité formidable. Et je me suis dit, regarde, je vais foutre de ma gueule, il m'a juste dit c'est bien. Ouais mais quand même, c'est que Lelouch. Il se souviendra peut-être de toi. Mais est-ce que quand tu t'essayes d'être connu, une des raisons pour lesquelles tu fais ça, c'est pas d'envoyer chier les meufs dont t'étais amoureux? Non, qui je l'ai pas envoyé chier. Clairement, ça m'est arrivé dans d'autres situations de retrouver des nanas dont j'avais, avec qui j'avais envie de sortir, qui, ça m'est arrivé trois fois de voir trois nanas et que les trois nanas disent, enfin, trois fois. Du coup, j'ai dit, il y a trois nanas dont j'étais amoureux, donc j'ai carrément bouclé la boucle. Mais ça m'est arrivé une autre fois aussi où j'ai été très cool. Tu vois, c'est gentil. Mais... Moi, ça m'étonne quand je vois les Césars ou les trucs comme ça, qu'il y a plus de gars ou de meufs en ayant leur César qui disent, ouais, non, parce que Nathalie, je sais pas si tu te souviens, mais nique ta mère. C'est les conseillères de rotation qui prennent en général. Ouais. C'est vrai. Les profs de théâtre. C'est vrai que les conseillers d'orientation, les pauvres, vraiment, dire, je regarde jamais les Césars, parce qu'en fait, à chaque fois, et puis alors, madame machin, qui avait dit que je serais jamais acteur, et ben voilà. Ouais. N'écoutez jamais. Dit, acteur, c'est pas un métier. Ouais. Alors que technicien de surface. Eh bah ouais, bah écoutez vos rêves. Écoutez vos rêves. Eh ben j'ai un César pour le meilleur acteur dans la cage dorée. Oui, comme ça, la boucle est bouclée. Et à chaque fois, c'est les gens, ils ont les pires conseillers d'orientation. Parce que la cage dorée, c'est technicien de surface, les mecs qui lavent. Le mec, il a un César. Il l'explique derrière. Il explique sa blague. Non, en plus, à chaque fois, c'est des gens, ils ont les pires conseillers d'orientation de la Terre, quoi. Tu connais un bon conseiller d'orientation? Madame Machin, qui m'a dit que j'étais une merde, et que j'étais un connard, et que j'ai jamais rien de ma vie. Mais qu'est-ce que c'est que ce conseiller d'orientation qui insulte ses enfants, quoi? Et qui lui dit calmement, qui fait, alors, Léopold Machin, bon, bah, vous êtes une merde. Vous êtes une merde. Hein, j'aurais jamais rien. Vous ferez jamais rien. J'ai votre dossier scolaire. C'est une grosse merde, apparemment. Bah, vous ne ferez rien, voilà. Ça va aller très vite, hein. Vous pouvez aller jouer dans la cour de récré, vous êtes une chiasse. Voilà. Étalez-vous dans la cour, là, c'est ce que vous ferez de mieux. Allez. Ça doit motiver un peu. Tu vois, on dit, tu seras jamais mais dans non, le show business. Les conseillers d'orientation, moi je les voyais au CDI. Tu sais, il y avait un coin. Oui, un pareil. Bureau. Ouais, ouais, ouais. Une fois le bureau semaine. Était au fond du CDI. Oui, bonjour. Et puis ça a pué le café. La clope. Elle venait de chialer parce que le prof de géographie, en fait, s'appelait la prof de maths dans le bahut. Elle était triste, tu vois. Mais c'est dur comme métier parce qu'il n'y a jamais de. Même, vous voyez des fois les clodos dans la rue qui sont là en mode. Ma conseillère d'orientation m'avait dit, tu seras acteur à Hollywood. Souvent, moi, je vois ce truc-là. Et tu dis, c'est touchy comme taf, quoi. Bah, maintenant, c'est un métier basé sur un pari, en fait. C'est genre comme si ton métier, tu devais dire, bon, je pense que c'est le 8 qui va gagner au loto ou le 9. Mais ça se trouve, il y a tout un business. Rémunérez-moi. Ils ont des tableaux Excel qui est sur Google Drive et tout. Ouais. Il fait, moi, j'en ai eu un. Genre, je t'avais dit qu'il a été acteur, j'ai. Ouais, parce qu'en plus, ça veut dire que quand. En plus, moi, la concernant temps, je devais avoir 12-13 ans, un truc comme ça. C'est tôt, en fait, dans ta vie. Bien sûr, c'est absolument pas. Et t'évolues énormément, en fait. C'est même le principe de l'école de t'aider à évoluer. Donc, forcément, c'était bon. Ouais, puis il faudrait au moins qu'elle se dise, sinon, fais une vanne. Ouais. Mais là, t'as dit non, sois pas acteur. Tu dis, mais demandez-moi de jouer un truc. Vas-y, ça serait génial. Filez-moi un texte. Un mec qui tue. Allez, jouez-moi une scène de Rocky 4. Bah, Fary, c'est ça qui lui est arrivé, sa prof de philo français. Sans doute faux comme anecdote. Non, je sais pas. En tout cas, il l'a raconté. Lui, il était à 9 ans, quoi. Non, à 12 ans, quoi. Sa prof de français lui a dit, bah, je vais t'écrire un spectacle et tu vas faire des blagues. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Attends, sa prof de quoi? De français, je crois. Okay. Ou de philo. Ouais. On dirait tellement un. À la base, c'était que des. Tellement un épisode de Joséphine Ange Gardien. Mais trop bien, du coup, t'es fin, dis non. Franchement, fais une pique et tout. Trop pas crédible, surtout. Claque des doigts. Ce sera mal joué, nous donner pas ça. Un conseillère d'orientation qui dit, mec, sois top modèle. Je pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Ce serait. Ça commence maintenant. Ouais, non. Le conseiller d'orientation d'Emilia Ratajowski. J'ai des questions. Alors en fait. Mais toi, fais ton anecdote, espèce de bougre. Bah, donc on traite de bougre. Oui, je dis bougre. Montage. Non, alors moi, c'est un peu nul parce que. Mais je peux le re-raconter parce qu'en fait, c'était dans un. C'est un des tout premiers floodcasts. Bah, raconte pas un truc que les gens déjà vu. L'extrait, tu passeras l'extrait, je te passerai l'extrait. Bah non, mais dans ce cas, si on met des trucs déjà vus, mais. C'était le montage, c'était gratos, de ouf. Alors attends, une. Je voulais voir si c'est où vous mettre pointu ou pas. Non, mais moi je l'avais raconté dans un tout premier podcast, donc je vais raconter très vite, mais j'ai envie de la partager parce que je sais pas si. Adrien, t'étais là quand tu l'as entendu ? Oui, oui, t'étais là. Sans doute. C'est en fait. Après, j'ai des pertes de mémoire terribles. Ouais, pour la vieillesse. Je suis vraiment sur le déclin. Non, j'ai voulu faire plaisir à une meuf en lui offrant des places pour aller voir Franck Dubosc. Franck Dubosc. Voilà, c'est ça. Lequel ? Il était une fois Franck Dubosc. Celui où il fait un spectacle où il est un peu dragueur quand même. Tu vois ? Mais un peu ringard. Waouh! J'ai touché un. Je vois pas lequel. Montage. Non, et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'elle m'a dit ah, bah ouais, mais que tous les deux, c'est bizarre. Et du coup, j'ai acheté des places pour deux de ses copines. Oh là, c'était ça l'anecdote. Ah, parce qu'elle voulait pas y aller avec toi. Elle pas seule, ça la gênait. Non, je pense, je sais même pas. Moi, j'ai vraiment une théorie. Je pense que quand j'étais ado, je n'étais même pas envisageable. Tu n'étais pas une option. J'étais pas une option pour les meufs, je pense. Je pense vraiment qu'il y avait un truc de. Non, bah. Ah oui, c'est vrai que t'es un mec, donc peut-être potentiellement. Ah non, non, pas du. Enfin, tu vois, il y avait même pas ce step de m'ambitionner. Et c'est pas pour faire Cosette, hein, je pense vraiment. On peut vraiment dire que t'étais hideux. J'étais ignoble. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que les places pour Franck Dubosc n'invitent pas forcément à l'amour? Tu n'as pas dit plus. Non, mais il y a un on va dîner tous les deux à l'Italie en chandelle. Et c'était pas le carré or. Donc en plus, toi, t'y croyais. Au palais des sports, c'est une région, c'est un âge où tu croyais. Attendez les gars, c'est surtout qu'il y avait un délire de. Moi, je vis pas. Il passait à Dijon. Et moi j'étais à Autun, donc il y avait tout un délire de prendre une voiture, de. Enfin, c'était un vrai mais travail. Un rendez-vous amoureux dans un truc de stand-up. C'était pas un rendez-vous amoureux, c'était une espèce de mais cadeau. On fait tellement à ça, les tellement de plans. Mais bien sûr, c'est un plan drague fantastique. Mais, non, mais avec un des spectacles qui a le plus fait baiser des mecs, je le dis clairement comme ça, c'est le. C'est le mien. Le spectacle du comte de Bouderbala, Kéron, enfin tous ces spectacles où les mecs ils amènent les mecs, Kéron et machin, il a vu des trucs incroyables, des mecs qui revenaient 8 fois, ils ramenaient des meufs à chaque fois. Est-ce qu'on est d'accord quand t'es une meuf et qu'on te dit tiens des places pour Franck Dubosc, tu te dis pas forcément love. Je peux expliquer. Non, non, mais je peux expliquer. Moi, c'est un truc sur lequel je suis en train de gratter dans le troisième spectacle. Sur j'ai envie de faire marrer les mecs parce que j'en ai marre. Moi, ma production, là, ils m'ont dit ouais, Baptiste, c'est cool parce qu'on a remarqué que plus de 60% des gens qui réservent pour tes places, c'est des filles. Alors, ce qui est pas un truc de séduction, mais généralement, c'est des filles qui réservent les places pour le mec. Il dit ah, viens, on y va. Mais moi, c'est le contexte de dire ah, viens, on va voir Baptiste Caplin, il est marrant. Je trouve qu'on envoie un message au mec genre ouais t'es pas moi c'est, ce, que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire bah ouais, y a un côté moi comme ça qui me gêne. Je dirais pas bah tu vas regarder deux heures un mec qui est beaucoup plus drôle que moi et peut-être t'auras envie parce que de moi ça me gêne tu vois quand moi par exemple je suis pas du tout comme ça mais par exemple bah ma meuf elle retient zéro vanne par exemple je lui fais une vanne une fois elle voit le spectacle elle rigole plus j'ai dit, mais t'as pas rigolé ça fait non mais c'est bon je les connais tes blagues alors que c'est la meuf qui a le moins de mémoire au monde mais elle voit une blague fait non mais c'est bon je la connais alors que des fois elle a zéro mémoire, mais elle fait oh, remets-moi le sketch de Bill Burr où le mec il dit Hitler in a black guy. Et elle se souvient d'une vanne, mais super précise. J'ai dit putain, mais t'étais à donf sur cette vanne. Et donc, du coup, ça m'a vraiment vexé il y a pas longtemps. Et j'ai dit ah oui, d'accord, ok. Donc, j'ai ressenti ce que peuvent ressentir des mecs parce que je les vois, les mecs qui font la gueule. C'est très déstabilisant d'amener que ta meuf t'amène, elle est morte de rire sur ce que tu fais. Et machin. Et moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est quand c'est les meufs qui disent ah, mais je suis trop content de venir parce que mon mec il est hyper fan. Et que t'as le mec derrière qui fait ouais, c'est vrai, j'adore ce que tu fais. Et le rapport de force, inversé, je trouve ça super mignon. Mais moi, en fait, Dubosc, c'était plus un truc de c'est une vedette. En fait, il y avait un truc de. Ça lui en met plein les yeux. Non, mais c'est ça. Bah, en c'est fait, le gars qui passait dans le coin, quoi. Ouais, non, c'est ça. Il y a personne qui passe à Baptiste. Tu es humoriste. Tu viens un peu à Dijon. C'est non, pas. Si, je suis allé, non, mais tu vois, en fait, c'est il y a pas beaucoup de spectacles, en fait. Et non. En plus, il y a pas beaucoup de. Non, au Zénith, hein, ils ont les meilleures loges de Zénith, c'est à Dijon, je crois. Bah, je crois que c'est un des Zéniths les plus récents. J'en passe une petite à Dijon que j'embrasse. Non, et non, qui mais pas à m'envoyer des cadeaux. Non, mais c'est une Dijon. Non, mais c'est une super ville. Mais en fait, le truc, c'est juste super ville. Je reprends quand même. C'est pas une super ville. C'est une ville sympa. C'est une bonne ville. Ils ont mis le tramway, donc c'est un peu mieux, mais c'était quand pas fou. Non, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de rostas qui passent et qu'en plus, moi, dans ma génération, c'était avant votre renouveau de toi et tous les jeunes qui font du stand-up et aussi de la. Enfin, moi, j'étais dans les Foresti, Dubosc. Mais même plus trop. 2007-2008. De Bouze, tu vois. Enfin, tu vois, ils n'étaient pas beaucoup et du coup, ils faisaient une tournée de tous les spectacles, donc tous les 3. Enfin, tu vois, c'est faut le choper le timing, quoi, tu vois. Mais t'avais quel âge, pardon ? Moi, j'avais 15-16 ans, un truc comme ça. Tu vois, déjà, à 15-16 ans, tu comprends rien aux signaux des autres, mais en plus, dès que c'est un peu marrant, genre ça peut être une activité de pote, je trouve que ça devient. Non, mais attends, c'est ce que je disais dans l'émission, c'est que. je ne la blâme pas du tout de ne pas avoir compris que j'ai acheté 4 places pour ses copines. Il veut me baiser, clairement. Tu vas avoir des non mais tu vas avoir des, il y a des one man, c'est hyper sexe d'aller voir certains one man, c'est des plans drag. Je pense que c'est aussi un sujet de conversation. Tu vas voir Couscous au lardon, tu vas pas baiser. Tu veux dire t'es à la verre ou t'es citron? Ouais, non mais t'es vert ou tu vas avoir une pièce boulevard et tout machin, mais même une pièce, tu vas avoir Edmond au théâtre. Ouais. J'ai pris 2 places pour Intramuros. Ouais. Bon bah là. Ou alors Farid, pose-moi la question. Farid au vul, clairement. Non mais en plus c'est le moyen de voir si t'es le moyen, c'est moyen de voir si t'es le même longueur d'onde sur les sujets de conversation, tu vois genre. Ok, donc ça on est d'accord, c'est un peu nul. Ok, c'est ça très on est gênant. D'accord. C'est très gênant. Tu emmènes voir du donné. Bah là, il y a un signal. Il y a clairement un signal. T'as pas rigolé? Oui, non, j'ai pas. Bah, il a fait des super vannes. Ouais, j'étais pas fan. Dans les questions, il y avait montage. Du coup, j'avais peur qu'on soit pas assez long sur le romantisme. Donc du coup, j'avais demandé aussi ce que les gens pensaient de dire je t'aime, la place du je t'aime. Est-ce que vous avez dit je t'aime assez facilement? Est-ce que c'est un truc que vous avez eu du mal à sortir? Est-ce que pour vous c'est une étape? Il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout une étape et il y en a d'autres où justement genre attends, quand je dis je t'aime, attention, c'est qu'on est parti sur un truc extrêmement sérieux. C'est une étape. Ouais, c'est une étape, ouais. C'est une étape, ouais. T'as dit je t'aime à ta meuf actuelle ou pas? Ouais. Au bout de combien de temps? Je sais pas, 4 mois. Ouais, c'est bien. Enfin, y a pas de c'est bien d'ailleurs, mais c'est logique en soi. Ouais, on m'a un peu forcé la main, mais. Ouais. Elle t'a dit je t'aime. Regardez-toi dans les yeux pendant 20 minutes. Tout à fait, ouais. Bah, je t'apprécie vachement aussi. Mais je l'aimais déjà très fort, donc ça ne me posait pas de problème. Oui, c'est le fait de du mal de le dire à voix haute. Des fois, c'est entendre sa propre voix. Ouais. Non, mais c'est comme sa voix sur répondeur. On n'aime pas dire ah, ma voix, elle est nulle. Et puis dire je t'aime, c'est révéler une facette de soi qui est quand même assez gênante. Puis c'est de dire un truc d'un coup très sérieux. Moi, c'est ça où j'ai du mal. Moi, des fois, quand je m'entends dire des trucs où je désamorce pas, il y a un truc un peu de. Je suis inintéressant. Tu prends la voix dans l'enfant de 8 ans quand tu dis je t'aime. Je t'aime. Tu l'as déjà dit pas mal de meufs, Aurélien, ou... Non, pas tant que ça. J'ai dû le dire 3-4 fois dans ma vie, quoi. D'accord, bon, c'est pas mal déjà. Ouais. Adrien, 4 fois, c'est pas beaucoup. Une fois. Non, moi, je suis resté 14 ans avec une meuf, moi. Ah oui, mais attends 3-4 fois. Oui, c'est vrai. Si je reste plus de 3-4 personnes. Non, 3-4 personnes. Oui, 3-4 fois une meuf. Ah oui, tu m'as fait peur en 14 ans, je lui ai dit 3-4 fois. Il a même pas le chiffre précis. Deux fois pendant le déménagement. C'est juste parce qu'elle portait le piano, elle était dans la descente. Je t'aime, vraiment. Vraiment, je t'aime, mais lâche pas le piano. Ou alors, okay. C'est juste quand tu te fais plaquer. Mais je t'aime. Trop tard. Un peu tard. Du coup, j'ai dit 4 fois, je l'avais dit. Déguisé en Pluto à Disney. Mais je t'aime. C'est pour ça que je fais tout ça. Jean-Kévin. T'es dispo à nouveau. Adrien. T'as dit je t'aime. Donc oui, une fois tu disais. Bah moi je l'ai dit à une personne. Au bout de combien de temps? Je sais plus parce que c'était il y a longtemps, mais c'était assez rapidement je crois. C'était en tout cas je me souviens, je crois, c'était au métro genre Châtelet-Léal quoi. Et ouais. En fait on se parce qu'elle elle vivait à Paris, moi je vivais encore à Saint-Germain-en-Laye. Quelle carrière. On restait bah oui. énorme street. Ah t'es pote avec Rabiot. Ah bah putain, ouais. C'est pas cette vanne. Si, bien sûr. J'aurais été dans une vanne. Attends, ma tante et ma cousine travaillaient au centre de formation du PSG. Donc ah ouais. Le wow. Rabiot, elles l'ont connu depuis tout petit. Ah ouais. Je te raconterai. Il y a pas grand chose à raconter. J'allais dire, oh, tu peux le dire là. Et moi je partirais sans contrat, j'ai rien à la foutre. C'est bien Adrien, merci. Non, mais c'est parce que ça. Moi, je traînerai la chicha, putain. Ça, c'est sa mère, son manager, Rabiot. Et donc, on passait un moment avant de se séparer. Dans Châtelet-Léal. Mais non, mais c'est le moment. Sur où... ERB, non, mais c'est le moment où les chemins se séparaient. Tu sais, quand ça sent la pisse, quoi. Quel enfer. Non, mais c'était le moment où. C'est la pire station du monde. Mais c'est crevé tout ça. C'était trop mignon. Je reprends. C'est quand même une chanson de Florent Pagny, comme le dit Aurélien. C'est une chanson de Florent Pagny. Exact. On la mettra à la fin de l'épisode. Mais non, mais genre, on n'allait pas dire, bon, bah écoute, on fait un moment mignon, et puis après, on marche dans la même direction jusqu'à Châtelet-Léal, et il se trouve que c'est l'ultime point avant que nos points se séparent. Et donc, c'est là où je dis je t'aime pour la première fois. Voilà. Et après, t'es parti, et elle est partie dans l'autre sens. En fait, on s'était déjà séparés. J'étais à 50 mètres, j'ai fait je t'aime. Et je. Non, je me rappelle. Et je ne l'ai jamais redit depuis. Il y a les gars des escalators qui te croisent et qui font ouais, clairement, t'as dit je t'aime. La honte, t'as dit je t'aime. Il me high-fivait les mecs qui passaient en face et tout. Il y en a un qui m'a touché la main, c'était Grégory. C'était un prank depuis le début. Et voilà. Et je le dis, nous, on le dit souvent. Ouais. Nous. Voilà. C'est un truc parce qu'il y a des couples qui se le disent pas trop, nous je crois qu'on se le dit beaucoup. Ouais. Ouais. Moi aussi je suis team qui le dit beaucoup. Non, voilà. Moi aussi. Ouais, ouais. Voilà, il y a pas de. Ouais, y a pas chacun, de honte, y a pas de honte. C'est pas plus ou moins bien. Hein. Non. C'est comme ça, c'est tout. Robin sur la tour. Moi, j'ai un peu changé d'avis sur la question au cours de la vie. D'accord. Tu dis plus les icebergs fondent que je t'aime. Pour moi, ça veut dire la même chose. Les icebergs fondent. T'as la bonne nuit. Les icebergs fondent. Ça te touche pas quand je te dis que les icebergs fondent après le regard. Non mais en fait, quand t'es plus jeune, je me disais ça fait tellement plaisir aux gens. Tu vois, aux meufs avec qui t'es, tu peux le dire tout de suite, c'est ensemble. Ah, tu le disais assez rapidement, c'est jeune. Vraiment, très très facilement, quoi. Et puis ça faisait. T'avais vraiment envie de baiser, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment un truc. J'avais pas envie de baiser. J'avais vraiment envie de baiser, mais c'était pas corrélé au fait de dire je t'aime. Et du coup, de dire je t'aime, tu vois, on s'embrassait, je disais ça baisait hyper vite, et elle faisait genre. Oh. Et parce qu'elle peut te quitter aussi, c'est ça le danger, quoi. Ouais, il y en a qui font dire oh là, doucement. Et ça casse. Et tu sais, la vraie... Elles étaient sur un cheval, moi, là-bas. Oh là, doucement. C'était au Far West. Hein. J'étais au Westworld. J'ai dit, je t'aime, c'était un cyborg. Non, moi, j'ai plus un problème avec... Parce que, alors, si jamais vous cherchez, il y a une très très bonne chanson de Jean-Jacques Goldman. J'attendais que tu cites Jean-Jacques. Qui s'appelle « Sache que je » et qui est que un truc sur qu'est-ce que ça veut dire dire je t'aime, je pourquoi, machin. Elle est... Bah, je trouve que phonétiquement, à l'oreille, sur une sage... Ouais, c'est frustrant. Je... Ouais, mais les paroles sont bien sur... Je fais des vocalises. Allez, enchaîne. Je l'aime pas cette chanson. Je trouve que ça décolle pas. Il manque un truc. Ouais, bah, il est numéro 1. Il manque le... Mais là, ouais, mais je trouve que ça casse le truc. C'est pour ça que Patrick Sébastien a fait son film qui s'appelle Thème après pour finir. Pour compléter la chanson. C'est parce qu'elle a fait Thème. D'ailleurs, oui, c'est un bon rappel. J'ai plus un problème avec les gens qui répondent un truc. Tu sais, quand tu dis je t'aime et que les gens te disent je t'aime beaucoup. Ouais. Ah oui, comme dans direct, Friends. Ça nique. Enfin, moi, ma mère, elle m'a fait ça par exemple, alors que vraiment j'avais tout mis dedans, tu vois, et j'avais dit je t'aime pour la première fois. Tu voulais sortir avec ta mère. Ouais, c'était glauque. Juste, je lui mettais un doigt. Et du coup, et je lui avais jamais dit, je lui dis pour la première fois, elle me dit moi aussi, je t'aime beaucoup. Oh, mais. Mais ta mère. Quel enfer. Et, du coup, j'ai pété un plomb. Et pour des raisons assez évidentes. Elle comprenait pas du tout pourquoi. Et maintenant, ma meuf dit ça aussi, genre. Elle trouve que quand tu dis beaucoup, ça rajoute un truc, alors qu'en fait, ça nique tout. C'est évidemment que ta meuf t'aime pas, du coup. Non, mais c'est évident que, je vais dire, c'est évident que non. Tu t'aimes beaucoup, tu dis ça à un ami. Bah, tu dis ça beaucoup. D'un film. Bah, d'ailleurs, c'est une phrase de Patrick Bruel, si jamais vous cherchez. Oh, mais arrête, Patrick Bruel, c'est Jacques Goldman. Tu veux passer tes vacances. Tu m'aimes bien, je t'aime tout court. La différence, ça s'appelle l'amour. On dirait une phrase d'agenda. Et j'ai découvert Notorious Big très très récemment, ce qui explique un peu. Ah non, c'est horrible, je t'aime beaucoup. Non, mais le truc en fait, c'est que là tu disais Aurélien le moi aussi, mais après il y a aussi le je t'aime qui met une espèce de petite pression de du coup dis-le moi. Ouais, c'est et sûr, parce que peu de gens acceptent que tu dises moi aussi. Il y a une question dans Je t'aime qui demande m'aimes-tu, toi, sache que je, de Jean-Jacques Goldman. On peut pas faire mieux. Mais d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire. N'écoutez plus Floodcast, toutes les réponses des thèmes de la vie sont dans les chansons de Jean-Jacques Goldman. Moi, perso, je trouve. Et de Patrick Bruel. Et de Patrick Bruel. Et de Notorious B.I.G. par ailleurs. Bon, bah, c'est ça, c'est très récent. Sauf dans, sa dernière chanson des Enfoirés qui était vraiment. Vous avez tout, vous avez tout. Ah oui, le tuto sur les jeunes. Ouais, les icebergs fondent. Vous savez toute la vie. Oh là là, qu'est-ce qui a été dû cette chanson. En même temps, il est un peu âgé et très riche. Et donc, lui, quand il voit un jeune, il se dit, mais. Alors, attends, c'est un des mecs les plus gentils de la planète Terre, et je dis pas ça parce qu'on a le même producteur, mais c'est un des mecs les plus gentils. Mais ça, je rencontre. C'est un des mecs les plus gentils de la planète Terre, apparemment. Je l'ai jamais rencontré. Hein. Bah, toi, tu l'as rencontré en plus, Robinson. Tu l'as rencontré? Fait une fois. En concert? En fait, j'ai commencé à jouer de la guitare. Il était à Decathlon, il s'achetait des ASICS parce qu'il est tout le temps ASICS. Il paraît qu'il est habillé, mais de façon dégueulasse possible. C'est vrai en plus. J'ai couru pour aller le remercier, voilà. Je suis allé le voir et je lui ai dit, je voulais vous dire merci. Et il m'a dit. Pas de problème. C'était quand? Pas de problème. Je t'aime beaucoup. Je suis très blanc. Genre. C'était il y a longtemps? C'était la semaine dernière. C'était il y a très longtemps. J'étais petit. Et lui, il était encore dans le game parce qu'il a, c'est terminé. Bah maintenant, il s'est retiré des voitures, tout simplement. Tu parlais de Patrick Bruel. Je fais juste une aparté sur Patrick Bruel. Je vous conseille une vidéo Instagram que j'ai montré à tout le monde. On pleurait de rire avec. C'est Jonathan Cohen qui me l'a montré. C'est une vidéo où Patrick Bruel écoute l'instrumental d'une chanson, il fait « Ouais, ok, cool ». Et il voit la caméra, il fait « Espion ! Espion, tu es là ! » Allez, coupe-moi ça. Le nouvel album sort le 17 octobre, n'hésitez pas. Allez, musique, maestro. je voulais pas très bien vendu. Ouais, je vous jure. On fait vraiment ça, tout ça. Tout ça seul. Oh là là, et en fait, tout est mal joué, alors que c'est quand même l'acteur du prénom. Et là, tout est mal joué. Et c'est une des vidéos qui m'a fait le plus rire en 2018. Mais là, en fait, un lien. Sur son Instagram, à chaque fois qu'il y a des petits sketchs, ouais. À chaque fois, il dit l'espion pour parler de ses communications. La personne qui le fait, espion! Attends, mais c'est un truc récent. Ouais, c'est sur son dernier album. C'est l'album où il parle des attentats. Déjà, je apprends qu'il a sur son album, il parle des attentats. Il parle des attentats. Il parle de la Coupe du Monde aussi, non, c'est pas ça? Oui. Enfin, il parle de l'actu, quoi. Il parle des attentats. Est-ce que vous avez écrit votre album en lisant un journal métro, par exemple? Voilà, exact. Les tendances Twitter, je regarde. Les tendances Twitter. Mais quoi? De quoi vous parlez? J'ai un copain qui a écrit dessus. Il ne dira pas laquelle chanson, mais oh là là, mais quel enfer. C'est vraiment ça, ces chansons? Oui. Tous les mecs qui font des chansons sur les attentats, c'est. Non, mais c'est pas possible. Vraiment, il fait ça? Oui, oui, bah écoute. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a aussi des chansons plutôt d'amour. Vu qu'on est dans le romantisme. Il y a une qui s'appelle Réparer la voix, où il parle de. Enfin, c'est casser la voix de deux, où il la répare, en fait, tout simplement. C'est pas sa meilleure. En vrai, pas sa meilleure. Pardon, toi, t'as dit je t'aime, Baptiste, facilement ou parce Bien sûr, que... oui, ouais, j'ai dit je t'aime facilement. Et est-ce que tu as dit je t'aime à des. Est-ce que des gens, d'ailleurs, autour de la table, même, on dit je t'aime en se disant, quand t'es petit, tu te dis peut-être ça va créer l'amour? Genre, tu dis je t'aime alors vous êtes pas ensemble? Non, personne n'a tenté ce truc-là? Non. Ok, moi je l'ai tenté. Donc voilà, je voulais voir si des gens l'avaient tenté, ce qui met une pression assez vite. Je t'aime avec une meuf avec qui t'es pas. Ouais, pour lui déclarer ta flamme. Qui tout double, quoi. J'avais pas compris, pardon. Le je t'aime, alors tu dis je t'aime, genre à une meuf en CM2, et tu dis je t'aime. Elle va dire, moi aussi je t'aime. Ouais, ouais, genre pour lancer un couple. Oh là là, mais pff, non, mais ça n'existe pas. Ça. Non, bah ça, je te le dis. Ça mais moi, pas. En même temps, j'ai le côté enfantin de. Oh non, mais moi, ma fille, elle m'a fait. Oh là là, le truc le plus. J'ai failli crever de jalousie. On était à Disney. Et on mange au restaurant, c'est 110 euros par personne pour manger des nuggets. Oui, mais la pizza a la forme du Mickey. Mais c'est juste parce que t'as les personnages de Disney qui viennent et parce que t'as les moments les plus beaux du monde. Et notamment, il y a Donald qui arrive à table et il y a ma fille qui regarde et fait « Bonjour Donald !» Et j'ai la vidéo, c'est la vidéo la plus mignonne de la planète Terre. Et regarde Donald. Et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit ta fille. Non, pas du tout. Non, mais regarde, elle dit « J'ai une peluche de toi à la maison !» Et tu sens que le mec dans Donald, c'est un intermittent du spectacle et il sait pas quoi faire et il fait un câlin. Et tu sens, il fait ça, et il va pour se barrer, et le gars a fait « Je t'aime ». Et tu sens, tu vois, j'ai senti que l'intermittent, il a fait « Ah putain, c'est quand même hyper mignon !» Et que moi, j'étais hyper jaloux, je fais espèce d'enfoiré. J'ai jamais vu un « Je t'aime » aussi chargé. Mais le « Je t'aime » qu'elle a sorti à Donald, j'ai jamais vu un « Je t'aime » aussi beau. Écoute, moi j'ai eu, et je te retiens de faire n'importe quelle vanne, Baptiste. Je le ferai jamais. Mais la petite sœur de ma meuf... En fait, elle a une demi-petite sœur, wow. Parce que le père, je le vois se retenir, Baptiste, il a une goutte de transpiration. Vraiment, il a genre, putain! En gros, voilà, ma copine a une petite demi-sœur, et elle m'a dit, enfin, et du coup, je m'occupe d'elle, tu vois. Enfin, j'essaie de le titiller un peu. Du coup, je m'occupe d'elle, tu vois. Des fois, on n'est que tous les deux, et je m'occupe d'elle, normal, quoi, Baptiste, tu vois ce que je veux dire. Et en partant. Je crois que tu me l'as raconté. Non, mais là, en partant, en gros, elle m'a. Non, c'était récemment. Et elle m'a dit, elle me dit au revoir et elle me prend dans ses bras, ce qui est déjà un peu fou. Tu sais, c'est une toute petite, elle a quoi, 4-5 ans, un truc comme ça. Ouais. Et elle me dit, pas que tu la détestes. Hein? Elle sait pas. Mais que non, la je l'adore cet enfant en plus. C'est juste. T'as chié sur elle dans un flot de café. Bah, c'est pas que j'ai mis sa photo sur un site thaïlandais. Non, rien à voir. Avec la canette. Toi, t'as pas réussi à te tenir. 5 euros, je te dis, voilà, c'est chouette. T'as pas réussi. Non, le truc c'est que. C'est ce qui fait que je suis pas prêt à être père. J'aime que les bons côtés des enfants. Et quand elle commence à faire des caprices, vraiment, je la. Et de toute mon âme, mais quand elle est mignonne, je la trouve super. Et là, elle m'a fait un câlin, et après, elle est repartie, et elle m'a jeté un dernier regard où je lui fais une espèce de coucou, et elle a couru vers moi, elle m'a sauté, elle fait, mais est-ce que je t'aime beaucoup, Florent? Et là, moi, j'ai tellement fondu. C'était très mignon. Moi, ma fille a dit je t'aime à mon homme de ménage philippin qui parle pas un mot français. Il s'appelle Marvin. Elle fait je t'aime, Marvin. Et là, j'ai fait, oui, j'ai fait un rapport, j'ai fait un tuto sur. Bon, on peut pas dire je t'aime à tout le monde. Ou alors d'abord à papa. Peut-être. Premièrement. Elle a eu une semaine de je t'aime vraiment qui était en. Elle a vu que ça faisait plaisir aux gens. Trop période électorale, quoi. J'ai dit, non, vraiment, t'es en train de nous niquer tous, là. Un peu en train de galvauder. Elle a vu le McFly et Carito, elle a dit, je t'aime. J'ai fait, non, clairement, t'as vu aucune vidéo. Tu fais semblant. Oui, c'était l'équivalent de je fais des conneries. On est 4 millions et demi. T'as pas compris ce que ça voulait dire. Alors, j'ai des questions des invités. Oui, non, alors attends, j'ai une remarque là-dessus. Vas-y. J'ai une question. Parce que souvent, je pense que c'est ça pour McFly et Carito, quand ils disent sur les vidéos, mais ça marche pour tout le monde, merci beaucoup, on vous aime et tout. Ouais. Quelle est la valeur de, tu vois, un concert ou de la merde ça pour quand moi. Tu... Non mais vraiment, c'est pour moi, c'est de la, ça veut rien dire. Mais... tout ce que ça veut dire, c'est j'aime ce que vous m'apportez à mon ego. tu de base tu dis pas c'est je t'aime à quelqu'un aussi, c'est un soutien. Non, je suis pas d'accord parce que je t'aime. Un soutien pour faire ce que tu veux. À la mémoire, oui, vrai. Mais tu dis pas je t'aime. Moi, en vrai, tu crées un truc, tu crées un truc qui t'est personnel, tu le donnes à des gens, les gens le reçoivent et ça les touche vachement. Du coup, tu pourrais dire Aurélien, t'allais dire un truc. Non, mais je t'aime, je peux le plus le comprendre. Moi, ce qui est bizarre, c'est le merci. Tu sais, genre merci d'être là, de nous soutenir. Alors que tu sais, les gens ils sont là parce qu'ils aiment bien ce que tu fais en fait. Oui, mais charité. Non, tu dis je t'aime à une masse de gens, tu ne sais rien d'eux, tu les aimes pas. Tout ce que t'aimes, c'est ce que ça apporte à ton ego. C'est le, alors, c'est un truc le très de... bon démarrage du dernier spectacle de Florence où elle dit ouais moi je suis son auteur. Pas dire je veux pas dire ouais, t'aurais pu faire le truc de l'inconnu Florence Foresti. Non mais c'est vraiment c'est son début de spectacle. Elle dit, je veux pas dire je vous aime mais je ne vous ne m'êtes pas indifférent voilà. Elle développe tout un truc ouais, et tout mais... et qui est super. Mais alors pour le coup McFly et Carito je les connais pas bien, j'ai fait une vidéo avec eux. Ou même d'autres trucs, je crois. Non, mais je mais j'ai vraiment vu. Non, mais eux, vraiment, et surtout. Attends, c'est lequel le... McFly, c'est McFly. McFly, il est très famille. Et moi, clairement, j'ai passé des essais pour un film avec lui. Et je lui dis, mec, ça serait génial. On partirait un mois et demi et tout. Il dit, ah, non, mais moi, je pars pas un mois et demi. Hein. Pourquoi? Il dit, moi, je peux pas laisser ma famille pendant un mois et demi. Et j'ai vraiment vu que le gars, il avait ça en lui de. Moi, je pense qu'il est très sensible là-dessus. Alors, évidemment, que le je t'aime à la fin de chaque vidéo, ça paraît un peu fake. Non, mais en plus, mais moi, j'ai vraiment vu. Ça, chacun peut sentir ça et tout comme ça. Mais non, je pense que c'est. Moi, je parle pas d'eux, je parle de. En général. Je t'aime, mais c'est un truc de youtubeur aussi. Bien sûr. Ça fait plaisir aux gens. Tu peux pas dire. Oui, mais c'est aussi un truc de cadeau. Mais moi, jamais. Moi, par exemple, même dans les plus gros moments sur scène à l'Olympia ou des trucs comme ça, j'ai jamais dit je vous aime très sincèrement. J'ai dit vraiment merci parce que grâce à vous, je passe un moment vraiment cool, quoi. C'est, je dis vraiment merci mais du moment cool que je passe et de me lever, de faire des blagues. Oui, c'est et quand voilà. même grâce à eux que tu. Jamais je vous aime parce que dans la salle, clairement, il y a 3-4 têtes, je vois des gars qui kiffent pas. Je dis pas je vous aime à tout le monde, tu vois. Il y a quand même pas mal d'invites, de gens qui se sont forcés à venir. Mais tu vois, au Bataclan, par exemple, quand j'ai rejoué au Bataclan après les attentats, c'était les 5 dernières de mes spectacles. À la fin, j'ai rien dit. J'ai dit franchement, je pourrais pas vous dire plus merci. J'ai dit je mets Oasis. Pour moi, c'était Don't Look Back in Anger. Ouais. D'ailleurs, j'étais dégoûté parce qu'après Noel Gallagher, je vais le voir en concert. Il explique Don't Look Back in Anger. En fait, c'est pas du tout une chanson d'amour. C'est une chanson trop déche. Non, mais c'est horrible. Il a expliqué sa chanson et c'est horrible. Et j'ai fait ah merde, tout ça, tous mes remerciements du Bataclan, ils sont tombés. Et en fait, c'est une chanson. Il était dans un club de striptease à Paris. Et il dit, j'avais flashé sur les stripteaseuses et je lui dis, clairement, j'ai envie de passer la nuit avec toi. Elle dit, ouais, bah attends-moi à la fin. Et il a attendu toute la soirée et à la fin, il vient le voir, il fait, non, mais en fait, je vais rentrer. Et donc, en fait, il dit, c'est tout mon chemin jusqu'à l'hôtel. Don't look back in anger. Ah et ouais. Tu regardes les chansons, tu fais, en fait, il voulait passer le stripteaseuse. Et moi, à la fin du Bataclan, je fais, bah voilà, je vais pas dire de mots, on sait tous. Parce qu'il y a Noël qui l'a mis, dis-moi. Et voilà. Don't look back in anger. J'étais trop content. Et alors la pioche, là, je l'ai écouté, je fais non, tu m'as niqué mes remerciements. J'ai une anecdote. Est-ce qu'il y a des gens qui ont partagé aussi des anecdotes? Il y a un truc marrant. Il m'est souvent arrivé involontairement d'amener mes ex aux endroits où je suis allé avec ma première copine de qui j'étais fou amoureux. Par exemple, un kiosque où on aimait traîner le soir ou un lac. Pour tester toi ce que tu ressens? Près duquel, un lac près duquel on écoutait de la musique. Que pensez-vous de ce comportement? Avez-vous déjà vécu ça? J'ai un peu peur de ne jamais réussir à aimer l'instant présent à force de revenir sur mes pas. Mais je vous rappelle que c'est un comportement inconscient. Ni Eric Zemmour. Bon, moi, ouais, alors par contre, c'est Eric. Ouais, moi, je trouve qu'il y a un truc chiant là-dessus, c'est les voyages. Parce qu'il y a parfois des endroits où t'es allé avec des amoureux, ouais. Mais parfois, c'est des villes que tu... Tu sais, genre, t'es allé à New York fois. Genre Paris. On habite là. Ouais, faut déménager. Non, mais genre, quand tu vas à New York avec raison, une personne, tu peux pas dire genre, bah, on va plus jamais à New York parce que je suis déjà allé avec une personne. Donc, je vais aller au musée. Non, ça, j'ai déjà fait avec une meuf. Je peux pas. Et ouais. Pourtant, c'est un lieu qui, du coup, quand tu l'as fait avec quelqu'un, t'as vachement marqué dans ta tête ton histoire et du coup, tu peux pas y retourner en même temps. Mais il y a toujours quand même en plus, t'y repenses. T'as le fantôme. Ah, là, j'ai un missile nucléaire à vous donner, les gars, et ceux qui nous écoutent. C'est faites ça, allez dans un endroit où il y avait votre ex, dites rien. Et à la fin, dites, bah, tu sais quoi, j'étais venu avec mon ex, j'avais pas kiffé. Et bah, là, je suis venu, tu m'as ouvert. Non, mais moi, ça m'est arrivé vraiment. Donc, tu proposes de mentir, en fait, c'est non, ça le conseil. Non, tu dis rien à toi, c'était sincère. Si ça provoque un truc vraiment positif en toi, moi, ça m'a aidé, mais je l'ai fait peu de fois parce que moi, j'ai plus tendance à faire un peu genre. Un nouvel endroit. Ouais, non, j'y vais pas. Même quand c'est des grosses villes. Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Non, mais moi, j'ai pas eu de meuf. Enfin, moi, c'était en école primaire, donc pour voyager. Si j'irais pas à Saint-Lary au ski avec ma meuf, parce que c'est là que je me suis cramé avec Tiffany. Ouais, j'irai jamais en station de ski avec toi. Mais non. T'as enlevé tous les briquets près de ta meuf. Non, reste loin des briquets. En vrai, c'est des trucs un peu qui peuvent tester. Je pense qu'il fait ça pour tester et voir s'il y pense encore ou s'il se dit est-ce qu'elle est bien cette fille. C'est comme le film test, c'est comme Star Wars. J'ai montré Star Wars à ma meuf, si elle aime Star Wars. Ouais, moi ça c'est. Enfin, moi j'ai même pas besoin de faire le test parce qu'elle aimait tous les films que j'aimais bien. Donc, vraiment, ça a été assez tellement de chance, mais putain. Moi, c'est non, sauf que tu réalises. C'est drôle car un peu vrai. C'est drôle car un peu vrai. Attends, meuf tu peux m'a dire ce qu'il disait lui, parce que je suis pas sûr d'avoir compris. En fait, la personne racontait qu'elle amenait les gens ses nouvelles conquêtes sur les endroits de sa toute première conquête pour les enterrer, parce que c'est ouais. Et elle les tue. C'est un killer. Mais la personne a pris, enfin je veux dire, a pointé le de qui j'étais fou amoureux. Donc quand même, je pense que c'était quelqu'un qui était important. Voilà. C'est pas trop ça. Fait le deuil de l'affaire d'avant. Je pense que c'est un peu lié à ça. Ça peut tout à fait s'arranger aussi, parce que la personne finit en disant je sais pas si j'arriverai machin. Oui, bon, non, il n'y a pas de fatalité non plus. Tout un petit conseil, il retrouve la fille dont il était fou amoureux, il la tue, il lui enlève la peau, voilà, il la met sur la nouvelle masque, et puis, voilà. Voilà. Puis à chaque fois, il le met sur les gens. Voilà, tout simplement. Dans la rue. Je sais. C'est toujours drôle à lire. Je sais que trois d'entre vous sont restés célibataires longtemps. Allez. Est-ce qu'au moment d'exprimer vos sentiments amoureux, vous appréhendiez vu que vous ne l'aviez pas fait avant? Genre, est-ce que vous preniez des vents monumentaux? Est-ce que ça vous... Non, moi je sais pas. Ça s'est fait. Quand on était une fois avec. Quand on... Ouais, genre, t'as réprimé longtemps et donc du coup, quand tu le fais pour la première fois, t'as l'impression que t'as. Ah non, au contraire, t'es libéré. Tu te dis, ah bah enfin, il y a quelqu'un qui veut, donc c'est cool. Ouais. Non, moi j'ai pas. Je sais pas, j'ai pas souvenir de. Il y avait le truc de Ken qui a, je pense, pris beaucoup le pas sur dire je t'aime. Déjà, on va Ken, après le reste d'assumer qu'on aime et tout. Moi, j'étais hyper ému. Libérateur. Quand je l'ai vraiment ressenti pour. En fait, je l'avais dit plein de fois sans du tout le ressentir, et la première fois que j'étais vraiment amoureux, j'ai. En fait, ça m'a beaucoup plus ému de le dire que ce que j'aurais cru. Tu t'es rendu compte que tu croyais pas du tout les fois d'avant, en fait. Oh, si, je le disais, je pensais vraiment que c'était ouais, ça. Voilà, mais tu t'es rappelé que c'était pas téléphone fixe. Ça fait je t'aimais pas du tout. Je t'aimais pas follement. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, c'est ce qui s'est passé aussi. C'est que, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, sur le moment, tu crois que t'es. Enfin, tu dis oui, bah c'est ça. Enfin, je la kiffe, j'adore passer du temps avec elle, machin. Quand elle me quitte, j'ai le cœur brisé, nanana. Et en fait, effectivement, des fois, tu vis des choses avec d'autres gens et oh putain, mais en fait, c'est mille fois plus fort, qu'est-ce qui se passe? Et après, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est de la passion? Ou est-ce que c'est juste qu'on se rappelle pas de ce qu'on ressentait vraiment? C'est vrai, un sentiment amoureux, c'est un truc, après, tu te rappelles que t'étais amoureux, mais tu peux pas mesurer l'intensité de ton amour d'avant, quoi. C'est plus ou moins superficiel, quoi. Là, j'ai vraiment, d'un coup, j'étais. T'as chialé. Hey, tu t'es repris, t'allais dire t'as chialé, frère, pété, t'as chialé. C'est quand t'as dit je t'aime à ta mère. Jacques Audière. T'as chialé. Tarim, ouais. Qui dit d'être dans le film, c'est. Dans un prophète? Dans un prophète, il fait. Eh, mais t'es un prophète, toi! Il fait. Ah oui, c'est ça, je suis un prophète. Alors que si j'avais lui avait dit un autre mot, ça aurait été un titre pas ouf. Il dit le titre, il dit le titre. Oui, c'est film. Ça, il dit le titre. Ah, c'est ce qu'on disait. C'est ça. Alors que si il disait t'es le grand bleu, il disait. Ils ont dit, bah non. En fait, t'es le grand bleu! Et donc, il fait. Et il part. C'est vrai qu'on oublie qu'il parle vachement bien au dauphin, Jean-Marc Barre dans le Grand Bleu. Hein. Il s'adresse bien. En fait, t'es le Grand Bleu. Et c'est ce gars, à chaque fois, c'est une caïra qui balance le titre, c'est très très drôle. Au milieu du. En fait, c'est Retour dans le futur. Tout à fait. Le gars arrive dans une pièce, fait. Eh, mais c'est un grand bain ici ou quoi? Et il ressort, il repart. Eh, mais il a 3/6 sens, ce gosse. On va faire la suite du mec qu'on écoute jamais dans les films. C'est juste le mec qui dit le titre des films dans le film. C'est super drôle. Franchement, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. Eh, tu vas tuer Bill, toi. En fait, t'es incassable. C'est trop bien. Par contre, Irréversible va le placer. Hein. Est-ce qu'il t'arrive si. Ouais, si Irréversible, c'est terrible en fait. Ouais. C'est horrible. Irréversible, c'est impossible. Bah, le mec qui arrive derrière pendant le vieux, de il devait dire ça. Ton cœur, mais... c'est arrêté. C'est Irréversible. Le gars qui rentre dans le tunnel. Ouais, le mec au fond, il c'est Irréversible. Ça. C'est lui en fait. Oh, ce serait drôle, mais on pourrait pas diffuser l'image. Non, ce serait compliqué. Ça va. Bah, ce serait compliqué. Hey, c'est Jumanji. Ça, ce serait bizarre. Hey, c'est le 1 ou le 2. Là, c'est Jumanji, mais bienvenue dans une jungle, j'ai envie de vous dire. Moi, j'arrive plus à le dire. J'arrive plus du tout à le dire. C'est génial. Pardon, alors il y avait. J'adore ce jeu. Qui est très simple. Vraiment. Mais non, mais faut trouver la scène un peu rigolote. Les oiseaux d'Hitchcock, c'est facile. Ouais. Ah, vas-y, c'est les oiseaux! En fait! Mais c'est vrai que. De mon... D'Hitchcock! Alors que c'est vrai que de battre mon cœur s'est arrêté, c'est compliqué. Alors que de battre mon cœur s'est arrêté, c'est important. Sauf si c'est Yoda qui le dit. C'est Yoda en Kaira. De battre. Il a pas le droit, le verbe, il est. Ah oui, c'est vrai. Oh, putain, les mecs, vous êtes. On est des gros geeks. Est-ce que le fait de faire l'amour avec une personne dont vous n'êtes pas amoureux peut vous donner des problèmes d'érection? Oui. Non, enfin amoureux, non, mais. Ça peut donner des problèmes. Moi, c'est l'âge. Et la dépression. C'est plutôt ça. T'as tué quelqu'un dans le salon avec un chandelier. Attends, ça voudrait dire, que tu bandes plus quand t'es amoureux que quand t'es pas amoureux. Plus facilement. Bah, moi, oui, à fond. Ouais. Mais moi, ça, c'est juste que connaître. Moi, c'est complicité, plus, ouais. Oui, voilà, moi, c'est plus bien connaître la personne. Moi, il faut plus. C'est pour ça que. Moi, j'évitais. Non, si, j'a, si j'avais eu la possibilité, je l'aurais clairement fait, mais coucher le premier soir me pose un souci parce que clairement, je sais que je vais bander. Mais enfin, je dis aux meufs, par contre, je vais être très mauvais si on couche ensemble rapidement. Et du coup, ça détend le truc. Elle se dit, oh, je suis moins mauvais. En fait, elle se dit, oh, il fait une petite vanne, c'est un gentleman, alors que non, ça, non, je suis nul. Ça détendrait tellement d'avant-première de film français. Je vous préviens, il va être très mauvais ce film. Allez, bonne fin de soirée. Il fait bien, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Au bout de la quatrième fois, il est bien. Faut vraiment, la première fois, c'est un peu. Ça serait tellement bien. Je suis sûr que les gens trouvent ça mille fois mieux. Ça serait tellement mieux. Ça aurait évité. Et maintenant, je vous préviens, c'est pas ouf. Et maintenant, les Dalton. Et je sais que s'il entend cette blague, Eric, il dira c'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai, on te dit un film est extraordinaire, j'ai déçu quoi. Non, et non, on te dit un film est pété, si tu tombes dessus par hasard, tu fais c'était pas mal hein. D'ailleurs, je pense pas. Hein. J'en profite pour remercier d'ailleurs toutes les femmes qui, je me rends compte vraiment, toutes, les quatre, qui m'ont jamais enfoncé parce que je bandais pas la première fois. Parce que vraiment, à chaque fois, Toi non plus, tu les as pas enfoncé. C'est clair et net, car je bandais pas. Oh là là, le sniper il est où? Ah, il a changé d'arme. C'est Adrien, c'est Adrien. On est en post-clope au GGN. Il l'avait, mais il s'est dit. Il y a deux snipers, ils sont là sur une prise d'otage. Bah, t'as dit quoi? Bah, mec, Nathalie, tu la connais, elle est. Oh, les snipers! Putain, pardon. Putain, la cible, elle a bougé. Oh, on s'en fout. De toute façon, on est cagoulés. On les retrouvera jamais. On est cagoulés, ils rafalent toute la vitre. Alors, j'ai des. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais tout le monde a. Montage, encore, quoi, je peux pas dire ça. Si. T'inquiète pas, j'ai des petits time codes. Ah oui, l'amour, tout ça, quand on. Vous avez dire pas répondu là-dessus, vous. Oui, bah, non, mais en même temps, vous pas. Je sais pas, Ouais. Non, ça dépend. Non, mais si, c'est vrai, en fait, je trouve. Ouais. Moi, j'aime bien faire un truc. Mais c'est vrai que moi, la baise est meilleure, je trouve. Un peu de fragile, c'est que parfois, je dis non, mais là, faudrait qu'on parle d'abord, en fait. Faudrait qu'on se. Voilà, tu vois, se. On et fait tu vas au pute, des fois, juste pour parler ou pas? Ouais. Mais un truc qui m'excite, c'est que je dis à la meuf avant de mourir, je fais. Et avant. Avant de faire l'amour, je vais peut-être mourir pendant l'acte. Je te préviens, je vais peut-être mourir pendant l'acte. Tu vois, c'est hyper excitant. Du coup, elle en stress. Du coup, si je vais au bout de 20 secondes, elle dit ah bah, c'est... franchement, c'est rassurant. Hein. Je préfère que tu fasses vite plutôt que tu meurs. J'ai peu joué, mais au moins, t'étais vivant. Avant, j'étais en fambule. Non, c'est vrai que faire baisser les attentes. Si on n'est pas très bon en sexe, c'est une bonne idée, quoi. Tu ouais. dis, alors, mais vraiment, il y a des chances que bien. Je chie pendant. Et du coup, même si c'est pas ouf, la meuf dit, au moins il a pas chié. On peut dormir dans des draps propres. Je viens de créer un truc. Mais elle y va moins, tu dis ça la dernière seconde avant de baiser, parce que si tu dis ça au resto, vas pas baiser. Non, non, je vais rentrer. Non, non, moi je parle juste avant, genre, tu viens de mettre la capote. Ok. Je suis obligé de te dire, j'ai peut-être chié pendant la. Elle peut aussi te dire, t'aurais pu le mentionner au restaurant. Non, mais en vrai, ça arrive très souvent sur ce problème. Moi ça m'est jamais arrivé, mais des copains m'ont dit putain mec là je commence à coucher avec la meuf et à peine je commence à me dire en fait faut que je te prévienne je suis une femme fontaine. Et bah tu sais il y a aucun gars qui dit oh génial ouais. Je vais voir ça de mes propres yeux, j'ai toujours voulu voir un aquarium qui pète et puis ça tout vite. Non mais c'est vrai, ah ouais, ce genre de truc. Moi je serais curieux. Ouais, hein. L'image c'est l'arme fatale 2, tu sais quoi, mais le seul tir dans l'aquarium, pour moi c'est ça une femme fontaine. Attrapez-le avec les mains! Un bon sourire! T'as des affriands! Venez ici! Et t'as les poissons qui coulent comme ça. Non mais tu vois, genre, quand tu pites. Il y a rarement des poissons. C'est la seule différence. T'es rarement accompagné de Danny Glover. Et t'as rarement des Africains du Sud hyper racistes qui disent on va tuer ta femme. Soit allemand, du coup. Parce que le pitch du 2, il est. Ah, non, bon, bref. Tu vois, c'est celle de la fatale. C'est vrai, je viens de vous dire un truc. Mais non, mais moi, j'ai. Dans ma tête, pour moi, une femme fontaine, c'est la fatale. Non, mais moi je suis pas d'accord, je serais curieux de voir ce que ça donne. Mais non, ça t'excite pas du tout, t'es malade, une fille te dit ouais, je suis une femme fontaine. Ah, ça peut. Moi, ça je. Peut. Mais non, parce qu'imagine, ça se produit pas. Ça veut dire que t'as mal fait le truc. Ah oui, bah ça, moi je le saurais. Enfin, il y aurait un truc genre. Ça, c'est rien. Non, le mieux, c'est les mecs qui te racontent ça. Ouais, les femmes fontaines, j'ai couché avec elles. Putain, franchement, c'est relou. Honnêtement, c'est relou. C'est les mecs qui te racontent des trucs. Ah ouais, grave, genre, elle jouit trop. Ouais, c'est insupportable. Tu jouis pas. C'est relou. Quelqu'un me raconte une anecdote. Le bol de baiser. Le baiser. On a tous eu un pote qui avait baisé avant nous. On est putain, le mec, il a baisé. Ah oui, ça, j'en ai eu. J'avais peu d'amis, toutefois. Un petit groupe d'amis, mais tous avaient baisé à tous. Et pourtant, il y avait des beaux losers aussi, mais. Faut pas que je dise loser parce que c'est complexe. Oui, genre, c'est pas du tout un truc de loser. Il y a un peu un truc dont on est entre nous, entre losers, il y a un peu de ça. Non, mais c'est pas. Moi, je le dis maintenant, oui, je le dis à l'époque aussi. Parce que l'autodérision était ma carapace. Comme maintenant, quand je n'ai très peu évolué. Non, il fallait sortir Ninja, mais c'est l'autodérision qu'on a. C'est pas de Kung Fu ? Non, pas du tout. Non, je fais des vannes sur moi, les mecs, ça les déstabilise. Et puis, il y en a qui passe par derrière, il lui met un coup de beau staff, là, le bâton, c'est et le bâton. Et je mange des pizzas en attendant. Ouais, c'est les tortues Ninja. Bon, quand je suis déprimé, après, je mange des pizzas. Putain, je suis une merde. Il a genre des scrapes. Putain. Il se passe un truc. Ouais, mais là, on n'a pas super envie de le vanner. Sauf qu'on a pris du poids avec ces putains de pizzas. Et notre pote, c'est un rat. Allez, gars, venez. Oh, t'arrêtes la clope un peu, mec. Ah putain, j'arrête pas de fumer, c'est un truc de fou. Oh, je bouffe des mégots, mais c'est pareil. Le nombre de mégots que j'ai mangé là dans les égouts. Tortue Ninja. Faut qu'on trouve le titre. Et là, il y a le mec qui fait « Ah, c'est une Tortue Ninja !» Les tortues, c'est des ninjas ou quoi? C'est des tortues ninjas. Quelqu'un d'autre me dit « Salut Flaubert, petite anecdote, tu peux la partager ou pas. J'étais en première année dans un lycée du 9-4. Adrien représente le vrai hip-hop, je voulais lui dire. Ouais. J'étais fou d'une fille qui était en art appliqué. Étant en électrotechnique, j'ai jamais eu le courage de lui avouer. Problème de lutte des classes. Tu vois, il y a un côté genre... Okay, t'as lutte des classes, en plus il y a un jeu de mots. Ouais, oh, joli. Mais voilà, après cette année scolaire, j'allais déménager au fin fond de la Creuse. Gérard Klein a retweeté. C'est très flagilant. Adrien, il a capté avant que je fasse la ref. Gérard Klein s'est créé un compte Twitter et a retweeté et a effacé son compte derrière. Dans la même classe avec Gérard Klein. J'ai menti sur mon âge, c'est un peu plus. Qu'est-ce que j'aime cette série. Donc j'allais déménager au fin fond de la Creuse. Il se change jamais, on est d'accord. Hein? Il se change jamais. Il se change jamais. Après, pour moi, les profs ne se changeaient jamais. Et il a qu'un casque. Ouais, mais là, il avait une veste, une chemise, ouais. Et c'est terminé. Moi, tous les profs avaient tout le temps les mêmes fringues. Il changeait d'école, donc personne ne pouvait lui dire tu t'habilles tout le temps pareil, Gérard. Mais il a un crâneau, Gérard. C'est ça qui est bien quand tu changes. C'est l'hostie. Mais Gérard, dites-moi, vous changez d'école à chaque fois, c'est pas parce que vous laissez des vieux démons derrière vous? Peut-être. C'est parce que j'ai une chemise. Il a que des logements de fonction. Donc j'allais déjà au fond de la Creuse, donc j'ai passé une nuit blanche à lui écrire un poème. J'ai chopé son adresse mail et je lui ai envoyé tout fier de moi. Le soir même, elle m'ajoute sur MSN. C'est vrai qu'à l'époque c'était quelque chose de voilà. Whiz. Elle envoie un whiz, un cochon qui danse. Non. Donc pour moi c'est GG. Donc ça c'est un jeune qui nous parle, donc il dit good game. Je parle le jeune. Bien joué. Ça veut je viens dire. De je viens de dabber. Voilà, je vous le dis. Pour finalement me dire que c'était gentil. Donc déjà c'est vrai que ça, aïe. Mais qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Sur ce, elle rajoute Millard. Putain. Sur ce, elle rajoute tu m'idéalises. Moi, qui avais un vocabulaire très varié, je lui réponds voilà les photos de moi. Et là, le corps brûlé au troisième degré. Ouais, merci de m'avoir envoyé cette photo. En voulant brûler une lettre d'un mec. Je suis parti au ski, j'ai cramé. Elle m'idéalise. Moi, j'ai pas beaucoup de vocabulaire. Du coup, je lui réponds merci. Ce à quoi elle répond non, mais c'était vraiment pas un compliment, salut. Puis elle m'a bloqué. Voilà. Oh, un petit peu dur. Oh, le blocage. Tu m'idéalises. Dur. Merci. Tu m'idéalises. Comment tu peux dire à quelqu'un tu m'idéalises et après tu le bloques? C'est hyper bon. Je pense, vous le prouvez. Ouais, je pense vraiment que tu m'idéalises. Regarde, j'adore Hitler. Ah, tu m'idéalises là un petit peu. Mais en fait, c'est un peu obligé parce que tu fais un truc. C'est un débat. Non, mais tu fais un truc genre ah, t'es formidable et l'autre elle te dit mais t'as complètement pété un plomb et donc elle est obligée de couper l'élan. C'est comme, le je suis trop bien pour toi. C'est comme la meuf qui te dit ah, t'as fait exprès. Genre fait exprès. Arrête, tu me saoules. Oh là là. Tu vas il trop loin. Il avait pas encore compris que c'est ça qu'elle voulait dire. Merci, t'es un peu violent. C'était mort. T'es un peu violent. J'ai compris que c'était mort. Bah, elle avait peut-être pas. Non, mais t'es obligé. Confiance en elle aussi peut-être. T'es obligé d'être sec pour dire. Arrête cette chose parce que et si tu dis gentiment, si t'aimes la muscu, t'es même obligé d'être énorme et sec d'ailleurs. Oui, moi je vous dis. Non mais c'est justement les limites du romantisme quoi. C'est-à-dire que là la meuf, elle était très terre à terre quoi. C'est-à-dire que lui il lui a dit tu es une déesse machin, elle a dit non, je suis normal. Tu t'es trompé. Salut, je te bloque. Mais voilà. Ouais. Et d'ailleurs, ouais, idéaliser les meufs de marche jamais. Ouais, bah ouais. Il faut jamais idéaliser les gens, même en général. Moi j'idéalise personne. Pour moi, vous êtes tous des merdes. J'ai envie de coucher avec toi. J'ai énormément envie de coucher avec toi. Bah, tu as lu The Game, le livre? J'ai pris exemple sur toi. Je suis maintenant devenu également sapiosexuel. Et pick-up artiste aussi. Et je suis pick-up artiste. Voilà, je fais pas mal. Sapiosexuel, c'est quoi? C'est un mec qui couche avec des sapeurs-pompiers? Non, des homo sapiens. Mais en plus, vraiment, c'est-à-dire que c'est les gens qui. Alors, la définition, c'est tu es attiré par l'intelligence. De quelqu'un? Voilà. Et les gens qui disent je suis sapiosexuel. Un peu un truc genre de moi je trouve de PNQ. Ouais, de PNQ, voilà, de dire de Jean non, Kevin, moi je suis sapiosexuel. Non non, mais c'est pour dire des gens qui disent non non, mais moi je suis en fait je suis tellement intelligent, c'est l'intelligence qui me qui m'excite quoi, tu vois. Ouais. Alors mais que pourtant, il y a des gens qui sont ils aiment bien, ils sont plutôt attirés cérébralement par les autres. Oui, mais de là à dire c'est ma sexualité. Ouais. Tu peux dire oui, peu mais de gens des fois se branlent sur des photos d'Einstein par exemple, tu vois. Mais enfin sur ces théories quoi. Tu dis la théorie de la relativité, deux onglets quoi. Faut avoir et YouPorn et une conférence TED. Putain, ils ont tellement raison. J'arrive à voir un peu près la tête d'un gars sur une meuf à poil. J'y arrive. On arrive bientôt à la fin de cette émission où t'en as parlé des heures et des heures. Il est deux heures et ça fait Ça fait deux heures et demie qu'on parle. Ouais, deux heures et demie. On a quasiment vu Titanic. Après, heureusement, on va couper 40 minutes. Donc on touche à la fin de cette émission. On se quitte avec les questions des gens. J'ai dit que vous veniez dans cette émission, donc ils ont des questions un peu plus précises sur votre activité à chacun. Baptiste, quelqu'un me demande, as-tu retrouvé le mec qui t'a dit aller à ton spectacle? Je pense que ça c'est dans le dernier spectacle. Dans le DVD d'origine. Est-ce que tu peux raconter un tout petit peu? Ah ouais, qu'est-ce que c'est Origine, Baptiste? Il y a plein de gens, c'est mon deuxième spectacle. Qui est illégalement sur YouTube, si vous voulez le regarder. Ouais, donnez pas d'argent à Baptiste. Non, mais à chaque fois, je le signe. Non, mais en plus, il y a des gens, c'est mignon, ils disent, il y a encore ton spectacle illégalement. Tu dis à Universal, vous pouvez l'enlever. Ils disent, ils le font même plus. On s'en fout, c'est pas sympa, grave. Mais ça, c'est les grosses entreprises, ça. Non, mais vous êtes Macron démission. Ouais, c'est ça. Avec le peuple, ça se passera pas. Je me demandais ce que vous aviez sur les épaules, mais c'est un gilet de. C'est. Ouais, ouais, bah, il est assez jaune quand même. Totalement jaune, fluo même. Oh putain. Les bandes merde. Là sont réfléchissantes. Ah, oui, d'accord, carrément. Donc, voilà, donc. Puis je vois pas les. Elles sont réfléchissantes. Réfléchissez vous-même, bande de casseurs. Catherine est fleuriste, dans le 15e arrondissement. Ça fait deux fois qu'on casse ma devanture. Moi, les petits commerces, comment on fait? Alors, on n'est pas tous millionnaires, d'accord? On n'est pas tous comme Macron. Eh, moi, j'ai économisé des années pour me la payer, ma Porsche, d'accord? Moi, la vaisselle, je la change pas comme ça. Donc oui, c'est pour la France. Et je joue le spectacle et je pars dans plein de digressions comme j'aime beaucoup faire. Et à un moment donné, je m'arrête. Et vraiment, parce que j'étais vraiment essoufflé. Je m'arrête. Et il y a un gars qui gueule. Allez! Et moi, j'étais vraiment sur la captation. J'ai un switch. Et les gens rigolent, mais je l'ai vraiment mal pris, genre, qui a dit aller? Qui a dit aller? Genre, allez, on se fait chier, qui a dit aller? Et là, et en fait, je me rends compte que je suis vénère, donc du coup, je le tourne en rigolo, et après, je suis parti en vanne. Mais vraiment, ça m'a saoulé, ça m'a vraiment saoulé. En vrai, quand on le sait, ça se voit. Ouais, moi, j'ai vu le spectacle, ça se sent un peu. Non, mais ça, après, c'est de la colère que j'arrive à transformer en, oui, en rigolo, oui. Parce que là, l'humour, c'est une colère. Non. Si. Ah, un mec qui rentre. Peut-être. Non, mais si, moi je sais que des très bonnes blagues que j'ai trouvées, c'est parce que j'étais énervé. Oui, oui, non, c'est vrai. Ou raciste. Aurélien, attends. Mais merde, on peut pas avoir une place sur HLM, vous savez pourquoi? Non, c'est pas pourquoi. Oh, c'est l'immobilier, c'est compliqué. Allez. Aurélien, à quand une nouvelle bande démo? Tu préfères te consacrer à ta chaîne YouTube ou tu aimerais jouer à nouveau dans des sketchs en tant que comédie? Il a moins découpé les syllabes dans la question, c'est ouais. Je me suis permis. Non, moi je préfère me consacrer à ma chaîne YouTube et réaliser, écrire des trucs et tout. Jouer à la comédie, c'est cool, mais je préfère diriger des mecs que je trouve marrants plutôt que. D'accord. Que jouer, tout simplement. Que jouer, tout simplement. Mais je suis comme toi. excusez-moi. Adrien, alors je suis obligé parce que c'est vraiment, on me la demande à chaque fois. 2019 est une nouvelle année. Est-ce l'année je vais monter sur scène où tu montes sur scène? Non. Ah ouais, voilà. Non, de l'année, je c'est fais, sûr. Je préfère mais, dire mais, non comme mais, ça si je le fais. Mais t'as envie de monter sur scène? Ouais. Mais t'as écrit des trucs? Oui. Et t'as de quoi tenir une heure? Pas une heure, non. Il peut faire un petit 5 minutes oui, la première fois de Yacine. Netflix va amener l'opportunité de faire. Moi, je suis un humoriste de 30 minutes. Netflix, ils font ça. Mais mais fais-le, mec. Oui, mais il faut que j'arrête de me chier dessus. Voilà. Tu veux le faire. C'est juste la première fois, voilà. C'est comme on en revient au sexe. On en revient au sexe. C'est la première fois de Yacine Bellous. Non, ce serait sans doute ça que je ferais. Mais fais-le, c'est trop bien. Bah, j'avais peur d'y aller aussi. Je suis allé, franchement, c'était super. Oui, mais toi, tu l'as fait, t'avais déjà de la bouteille. Mais j'avais déjà la bouteille, mais en vrai, c'est pas si terrible que ça de faire de la scène. Non, sans doute. Tu veux que je te prenne en première partie? Tu viens avec moi? Mais viens avec moi en rodage. Bien sûr. Viens avec moi en rodage. J'ai je vais personne. Faire ça. Ouais. Non, mais c'est gentil. Mais non, mais j'espère le faire il un jour. Dis oui. Si tu veux. C'est lui qui dit oui. Pour info, tiens, j'ai si une question. Si mec tu veux, tu peux ans en tournée, un mec de 38 ans, ça connaît forcément des bons restos. C'est vrai, même pas. Attends, demain, il y a un vide-grenier ici. Je savais que non, mais j'ai une anecdote à propos de ça. C'est il y a urbain de Topito qui organise les Topito Comedy Night. J'ai oublié de leur répondre. Putain, mais et non, c'est pas pour ça que je raconte. C'est la section de l'émission Baptiste où on te rappelle tes rendez-vous. Je me lève un matin, je prends mon café, je vais faire caca, blablabla, et je vers midi. Il y a Urbain, comme ça, sorti de nulle part, il m'envoie un message sur Messenger. Il me dit « Hey, il y a un Topito Comedy Night le 4 février. Vas-y, si tu veux, je t'inscris, comme ça, ça se met une deadline. » Parce qu'il sait que j'ai un peu envie de la faire, mais que j'ose pas faire de la scène, mais j'ose pas trop et tout. Et moi, je fais « Ouais, bah, je vais me chier dessus et tout. » Et j'ai vraiment, je suis allé chier immédiatement, quoi. Il s'est genre bien. Vraiment, juste l'idée de me dire « Peut-être, j'ai commencé à l'envisager. » Je suis retourné chier alors que j'avais déjà chié une première fois. Mais ce serait super. J'ai chié une deuxième fois. Dans le... Moi, je non, mais ça tirait bien en plus. Non, mais je serais. À mes débuts, je chiais trois fois avant de jouer. Ah, bah oui, dans ouais. L'heure. Hein, le chieur. Ah ouais bah, et maintenant, plus. Après, non, maintenant ça va. Je suis sur scène. Jacques Brel, il vomissait tout le temps. Bah, je sais. Ma fille, il est au bord de l'arrêt cardiaque à chaque fois. Bah ouais, je sais, je sais. Il y a plein de gens. Mais alors, le meilleur anecdote de stress, c'est Manu Payet qui me raconte. Manu Payet qui me raconte qu'il est à New York parce que Gaël Mallet va jouer le spectacle, son spectacle en anglais, je sais pas quoi. Et il y a Jerry Seinfeld qui vient en mode surprise pour 200 franco-new-yorkais. Et Manu Payet, il regarde Jerry Seinfeld, il fait « Ça va ?» Et Jerry Seinfeld fait « Mec, je me chie dessus là. » Et Manu, il fait « Quoi ?» Manu, il a vraiment fait... Tu te rends compte que quand le mec qui a plus de stress, qui est censé ne plus avoir de stress au monde, te dit « Mec, je stresse ça. » Et donc, du coup, le stress, il dit « Bah, mec, je suis là à ouais, vie, c'est... en fait. » C'est comme si t'as le... Manu, c'est « Ah, mais en fait, ça part jamais ouais, !» C'est en fait comme si tu montes dans un avion et le pilote, il est genre « Putain, je suis pas bien, là, je suis stressé. » Tu fais « Merde, du coup, qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, Ryan Gosling, dans First Man, il dit « Putain, je connais pas la route. » Allez, 3, 2, je crois que c'est là. On fonce tout droit. On vise la lune, après on se démerde. Hein. J'aurais dû m'arrêter. Ça me fait pas peur en plus. T'as pas rigolé à mon effet son. Bah, j'étais sur. J'ai pardon, fait une blague, ouais, il y a eu une battle. Ça fuse. Quoi oh, ouais, allez. Ça, ouais, viens, je te prends en canyoning. Mais ouais. Aurélien, as-tu élucidé le mystère du bannissement de ta vidéo sur Hélène et les garçons? Non. Voilà. Toujours pas. C'est quoi? Tu peux. Bah, tu j'ai fait une vidéo sur Hélène et les garçons, enfin sur Hélène, où je. Oh putain, bon, allez, je le pitch vite fait. J'ai mais fait oui, Hélène, vidéo. Hélène comment c'est Hélène Rollès, enfin, Hélène Girard, parce que moi je suis en mode, c'est le personnage de la série. Comme ouais. Les gens qui vont à Marseille et qui cherchent les gars de plus belle la vie, tu vois. D'accord. J'ai fait une vidéo où je regarde Hélène et les garçons, je commente des blagues, tout ça. À un moment donné, ils balancent l'adresse d'Hélène dans un épisode. Le personnage. Voilà. Il dit, bah Hélène, elle dit au 34 rue. Hélène, elle ouvre une enveloppe et on voit son adresse sur le queutru. Donc je fais, ah bah je vais lui écrire une lettre. J'écris une lettre à Hélène, mais du coup, il a 25 ans. Il fait ça pour rigoler, enfin c'est le concept ouais. De la vidéo. Il parle réellement fou. Ouais. Ah oui, je me suis dit, il y a 25 ans, t'as fait ça. Genre. Non, je l'ai fait là. Je ouais, fait ouais, pareil, j'ai écrit à Igege, mais je savais pas comment l'écrire. Ah, c'est, trop, c'est pour ça que c'est pas arrivé, du coup, pareil, c'était revenu. Ouais. Et j'envoie cette lettre à la fac d'Hélène, Hélène et les garçons, donc fac, campus, dans le 14e, parce que l'adresse c'était vraiment cité universitaire dans le 14e de Paris et tout. Je sais pas, vas-y, envoie. Je l'envoie, cette lettre me revient. Donc là, je suis inquiet et je dis, c'est bizarre, la lettre me revient, je comprends pas. On va aller sur place pour voir pourquoi. Je vais sur place, je demande Hélène. Tout le monde là-bas me dit, bah, y a pas d'Hélène, je comprends pas. Donc c'est la théorie du complot, tout ça. Et donc c'est ça la thématique de cette vidéo. Et je finis par aller dans les locaux, je m'infiltre dans les locaux d'AB. AB Productions, vous connaissez ouais, tous. Ouais, bien sûr. Sous prétexte que je vais pitcher une émission, je fouille, je dis Hélène dans les couloirs. On me reçoit, je pitch une émission. Elle est prise et du coup on a une émission sur AB1. Sachant qu'ils ont vraiment une émission sur AB1, donc avec ça, c'est rigolo. Autres, voilà. Donc ça c'est la partie un peu fiction parce ouais. Qu'en vrai je savais qu'on allait faire une émission sur AB1. Ça, je tu sais un peu. Que Hélène n'est pas une vraie personne. Enfin. De quoi wow. Et cette putain de vidéo où j'appelle les gens à sur Twitter et tout à mentionner Jean-Luc Azoulay qui est le producteur et le scénariste historique d'Hélène et les garçons depuis le début. Pour qu'il m'aide, pour qu'il rentre dans le délire et qu'il m'aide à retrouver Hélène, tout ça, bah, il l'a jamais fait et cette vidéo est bloquée et je ne sais pas pourquoi. Et tu ne sais pas par qui, surtout. Je ne sais pas par qui. J'ai été me renseigner auprès de tous les gens qui auraient pu, tu sais, les droits d'auteur, les machins, les conneries. Ce n'est jamais eux. Donc et YouTube ne me dit rien. Et la seule manière pour savoir comment, pourquoi il y a ce truc-là, c'est qu'il faut que j'ai 100 000 abonnés pour pouvoir demander à YouTube. Pour avoir un partner manager, il faut avoir 100 000 abonnés. Et pour t'es poser à combien, sur... là? Je suis à 80 000 abonnés. Ah, donc, tu fais une vidéo pour en avoir 100? Donc, je ne sais toujours pas. Et effectivement, je pense que je vais faire une vidéo où je vais demander aux gens, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça fait longtemps que t'as pas fait de vidéo, là, en plus. Ouais, bah, ça m'a cassé mon délire. Hein. Je te le cache pas. Bah, non, mais je te comprends. Je te comprends donc, complètement. Donc, si vous connaissez 20 000 gars, Deux fois Guingamp. Ouais. Bah toi, tu connais 20 000 gars plutôt, non? Ouais. Ah ouais, tous les gilets jaunes, moi, si je le, en un tweet, ils s'abonnent tous. C'est ce qu'il y a dans votre enveloppe, je crois. Dans votre enveloppe qui provoque la troisième guerre mondiale. La liste de 20 000 gars. Mais blague à part, j'ai tourné une vidéo hier où j'explique ça et je dis du coup, bah. Parce qu'en fait, comme je ne sais pas pourquoi je suis censuré, ça se trouve, c'est parce que dans ma vidéo, je dis le mot chèvre. Ouais. Et si dans une prochaine vidéo je dis le mot chèvre ouais. et qu'elle ressaute, il faut que je sache quoi. Ouais, ouais. Je peux pas faire des vidéos comme ça sans savoir pourquoi les vidéos sautent, tu vois. Oui, il faut une réponse. Il me faut une réponse. Donc j'ai plein de vidéos de prêtes, des vidéos incroyables et que je ne sortirai que quand j'aurai 100 000 abonnés. Ouais. C'est l'équivalent du ouais. C'est une menace que tu fais en fait. Ouais. C'est un ultimatum. Un ultimatum. Et ça sort très bien. Chantage. Parce qu'il y en a plusieurs autour de la table. Pourriez-vous donner une définition du mot directeur d'écriture? Donc je m'adresse à Robinson, car toi tu l'as été sur la collection. Oui, bah Baptiste, pardon. Pardon Baptiste, je te vois gerber. Bah non, bah, je sais. Je demande à Robinson, parce que toi tu as été directeur d'écriture sur Studio Bagel, la collection. Adrien, tu es en train de bailler. Tu l'as eu à Golden Moustache. De ouf, mec. Tu as Golden Moustache. Et Aurélien, toi tu l'as fait récemment encore à Golden Moustache. Tout à fait. Est-ce que vous donnez une définition, ce qui consiste un peu votre travail? Par rapport, je pense, par rapport au travailler avec des artistes, tout ça. Moi, j'ai eu quand je l'ai fait, en tout cas, j'ai l'impression que parfois, t'as des idées quand t'es auteur, t'as envie d'écrire des trucs, mais t'as besoin d'un sparring partner, c'est-à-dire quelqu'un à qui le dire à haute voix et qui peut te dire et recevoir juste le truc. Et donc voilà, moi, directeur d'écriture, je dirais sparring partner, dans le sens où t'apportes rien, en fait, juste tu permets de le dire à voix haute et tu dis... Ah, moi j'ai pas compris là. Ou ça, putain, ça c'est trop bien. Et, voilà. Et juste t'écoutes. Et... En fait, le mot. Parce que le mot donne chef dans directeur, il y a un côté un peu chef d'auteur. Moi, je trouve que justement le mot directeur là porte vraiment très bien son nom parce que c'est vraiment tu donnes la direction. Tu suggères des directions en fait aux gens. Ouais. Tu vois, ils disent ouais, j'ai une idée. Et tu dis bah, peut-être tu peux faire ça, peut-être tu peux faire ça. Si la personne fait un truc que tu trouves n'est pas forcément la bonne voie, tu peux dire ah peut-être plutôt comme ça machin. Et c'est vraiment diriger les gens, mais jamais en principe jamais toi donner tes idées à toi, mais juste aider les gens à prendre la bonne direction avec leurs idées à eux quoi. Ça c'est idéal. Est-ce qu'à la manière de dealer de vous les laisser parler quoi. Ouais. C'est ça. Il faut laisser parler les gens. Bien sûr. On s'en fout évidemment. Tu disais oui quand t'as de la matière parce que des fois faut créer un peu la matière. Ça dépend un peu. Enfin toi Robinson par exemple, il y avait une équipe qui était prête, tu savais ce que t'avais à faire. Nous ce qui est un peu différent à Golden Moustache, c'est que t'as plein de gens ou peu de gens et tu choisis qui tu convies aux réunions, tu choisis, enfin il y a un truc un peu de sélection qui est pas forcément évident parce que tu vois, tu voilà, bah, qui est équivalent que ce que faisait Hitler avec les gens, les Européens. Et après nous c'est aussi différent par rapport à j'imagine à la collection, c'est que chez Golden personne n'est obligé de finir un truc, tu vois, il y a pas de deadline. Si tout le monde décide d'arrêter de venir ou si la direction que tu proposes au gars de faire, souvent le mec la semaine d'après il vient avec une V1 d'un autre truc, tu vois, par exemple. Effectivement, le problème que t'as pas sur des projets avec un vrai ultimatum. Oui. Donc ça dépend un peu des trucs et tout. Nous, dans le cas de Golden Moustache, il faut vraiment être inspiré, tu vois, machin, motivé. Inspirant, oui, c'est plutôt ça que je voulais dire. D'accord. Et voilà. Moi, ce que je trouve dur surtout, c'est de pas avoir. J'avais entendu, je sais plus qui parlait de ça pour ses enfants, en fait, de dire comment tu fais pour qu'ils soient pas la version de eux que t'aimerais toi, mais la meilleure version possible d'eux-mêmes, quoi, en fait. Ça marche avec ta meuf aussi. Hein. Ah, tu éduques ta meuf? Non, bah il faut pas, justement. Ah oui, non, oui. Oui, mais là, c'est facile quand t'écoutes une idée de dire non, tu devrais faire ça, ça serait mieux et tout. Ouais. Et c'est une fois que t'as aucun a priori et que juste t'écoutes et tu essaies de comprendre ce que la personne veut et vraiment de faire la meilleure version de ça. Ouais. De dire, mais là, si tu veux faire ça, ça c'est pas très cohérent. Alors que si tu cales tes idées à toi en disant voilà, non, mais ça c'est mieux et tout, généralement ça a pas envie. Voilà, moi il y avait des. Enfin, quand j'étais à Golden Moustache, des fois il y avait des trucs. Je me disais, c'est pas mon délire, c'est pas le genre de truc que j'écrirais, mais mon taf, c'était de l'assister, en fait, pour écrire la meilleure version de son truc à lui, quoi. Mmh. Voilà. Bah voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Et bah voilà, vous avez parfaitement répondu à la question. Je termine. Beaucoup confusé, Baptiste. Non, mais après, ça fait 2h40 qu'on parle. Hein. Et bah, dernière question, justement, pour Baptiste. Il y a un peu deux questions en une, mais la première question, c'est est-ce que faire des spectacles a été une manière pour toi de vaincre ta timidité dont tu parles tant dans tes spectacles? Non. Pas du tout. Non, c'est juste que ça va. Non, parce que j'ai trouvé ma voix, en fait. En fait, inconsciemment, toujours, je me disais, au début, tu vois, je voulais être basketteur professionnel, et puis je voyais que ça, très vite, tu vois que c'est pas possible. Et je me disais, ouais, je vais peut-être faire prof d'anglais ou faire des trucs comme ça. Mais inconsciemment, tout le temps, je me disais, si je faisais des sketchs. Et puis ça partait très vite, parce que comme j'avais jamais fait de cours de théâtre ou que c'était pas du tout possible dans la région où j'ai grandi, ça partait. Mais en vrai, je l'ai toujours eu, en fait. C'est comme si c'était un coup de foudre, genre, mais elle est bien, cette fille. Ouais, mais non, en fait, non. Et à la fin, ouais, tu te rends compte, mais en fait, je suis débile, elle est sous mon nez depuis le début. Et là, l'autre question, c'est quelle est la place du cinéma dans ta vie? Es-tu, parce que tu es un gars qui fait des spectacles et de temps en temps s'amuse à faire le cinéma, ou est-ce que tu aimerais faire plus de films? Beaucoup moins de cinéma depuis un certain temps. Oui, non, mais... depuis les récents box-office. Qui ne plaît pas en ma faveur. Et mon agent ne m'a pas appelé depuis 5 mois. Alors que je le relance. Non, mais ce qui est une vraie vérité. Hein. C'est pour ça que je rigole. Je lui ai envoyé mes 15 épisodes de la série qu'on a écrite. Je lui ai envoyé les pilotes. Il a négocié mon contrat avec Canal. Je lui ai dit, au fait, t'as vu les pilotes? Ouais, le contrat, c'est ok. Okay. T'as regardé les pilotes? Mais clairement, là, vraiment, là, tu vois, encore sur mon scout, je suis en train de cultiver une rancœur qui est vraiment pas bonne. Parce que je sens que si je gagne un prix, je sens que je vais faire un 30 secondes sur lui et ça va être très violent. Ah, bah, tu vois, pas forcément et sur lui. Clairement, je vais dire, il y a deux personnes que vraiment j'ai envie de remercier, mais je le ferai jamais. C'est ma conseillère d'orientation. Non, mais il est génial, mon agent. Il a été super jusque-là. Mais ouais, en vrai, là, je me rends compte que si t'as pas un film qui te lance parce que ça a marché, tu l'as dans l'os. Dans Lyon. Et de plus en plus, le pire, c'est que là, je parle avec des réalisateurs dont je suis ultra fan. Et les réalisateurs, vraiment, Rémi Besançon, notamment, je déjeunais avec lui, c'est mon réalisateur préféré. Et le mec me dit, mais non, mais écris ton film, hein. C'est qu'on va pas te le proposer. Ouais, ça fait. Et je dis, bah Rémi, en fait, j'attends que ce soit un peu toi qui me... C'est comme si t'es hyper amoureux d'une meuf, ouais, et la meuf dont t'es hyper amoureux te dit, non, mais mec, clairement, clairement ce que tu veux faire. Prends-le-toi. Prends-le-toi. Prends-le-toi. Non, mais clairement, ouais. Crée-toi une meuf via la science. Non, non, mais après, non, parce que il me manque un film qui marche, mais j'aimerais faire plus de voilà, films. C'était plus ça la question, c'était quel est ton rapport au cinéma. En même temps, mon rapport au cinéma, là, j'ai refusé quelques films, et vraiment, ouais, heureusement, je les ai refusés. Hein. D'accord, ok. Bon, clairement, bah, tu vois, au final. La disette, elle est pas plus mal. Ok. Bon, bah écoute, voilà, c'était ça. Donc, okay, pour le moment, plutôt des spectacles. Voilà, d'écrire ton film, t'as envie d'écrire un film? Ouais, ouais, mais j'ai ce que. Ouais, bon, problème de. J'ai du mal à structurer l'idée ou quoi, ou de. J'ai des blagues, j'aime vraiment faire plaisir à un réalisateur. Quand le réal me dit, bon, bah, c'est mon film, je te le confie, t'es le rôle principal, Benjamin Gage, ou Lucien Jean-Baptiste, tous les gens, j'aime vraiment ce truc de team. Et quand un réal me dit, putain, mec, merci, c'est cool ce que t'as fait. Et tu vois, moi, ma plus grande fierté, la dernière fois, j'étais à Saint-Malo avec ma meuf, et il y a un accessoiriste d'un film qui a couru dans la rue, qui m'a dit, hey, mec, ça va, tu vas bien? Et l'accessoiriste est un mec super, il s'appelle Tristan. Il dit, mec, je voulais te dire, j'ai trop kiffé de tourner avec toi, et c'est dommage que tu fasses pas plus de films. Ouais, attends, t'es en train de dire, je suis une merde. Il dit, non, mais c'est pas normal, putain. Et là, quand vraiment un mec du cinéma, d'un petit métier, te dit, c'est pas normal que tu te tournes plus. Vraiment, t'as qu'à plus du cul, là. Vraiment, plus du cul. Mais tu vois, ça m'a hyper touché parce que je suis vraiment très ambiance d'équipe et de pas tourner des films, c'est ça qui me manque le plus. Ouais, c'est l'ambiance plateau. D'accord. Ça m'énerve. J'aime bien faire rigoler les mecs. Et faire un film, quoi. Mais pas de film. Et là, j'enchaîne sur la fin de l'émission où on fait un peu le tour de l'actu de chacun. Tu as joué dans un programme court qui devrait sortir dans pas très longtemps. Qui s'appelle Pitch. Donc, on a coécrit. Sur lequel j'ai eu la chance. Pas du tout, non, Vincent. Pas comme la brioche. Non, mais en fait, c'est simple. C'est un producteur de cinéma qui s'appelle Lionel Planche, qui a une boîte de production. Et il a une assistante qui est jouée par Jeanne Arène, qui est une des futures très très grandes comédiennes de ce pays. Et en fait, je suis un producteur nul qui a rien produit. Et je parle mal aux gens, parce que c'est un truc qui nous fait vraiment rire dans ce métier, c'est les gens qui parlent mal aux gens. Et il y a 15 épisodes de 3 minutes, et je suis très content du résultat, parce qu'on a réussi à faire un film qui parle à la fois du métier, à la fois pas du tout du c'est métier. C'est pas un film, par contre. C'est pas un film du tout, non. Un programme court. T'as dit un film. Ah, mais qui parle c'est un producteur de films qui ne produit aucun film. Oui, oui. Ouais. Parce que t'as dit on a réussi à faire un film. On a réussi à faire une série. Parce que tu laisses une blague. J'avais tellement envie de refaire des films. C'est pour dire. Attends. De ma gueule. Mais non, voilà, ça va sortir début février sur les antennes de oui, Canal+. Très bientôt. De Canal+. Ouais, très très très bientôt. Et tu tournes encore avec ton spectacle ou pas? Non, il est fini. Il est sur YouTube. Non, mais je crois que légalement. Ça, c'est le peuple, ça. Non, mais légalement, il est sur MyCanal, je crois. Parce qu'il est passé sur C8 ou un truc comme ça. C'est Star. Mais je crois que du coup, il est sur MyCanal. Ah bon, il devait être sur MyCanal. Il doit être sur un truc de replay sur Internet, de toute façon. Ouais. Sur Imule. Ça existe encore ou pas? Je sais pas. Et là, je suis en train d'écrire le troisième spectacle. Voilà, donc on peut te voir sur des petites scènes ouvertes de Paris. J'en fais beaucoup. Après ta meuf, c'est pas terrible. Ouais, par contre, il y a une blague de bien. Dans ma tête, quand je commence à dire dans ma tête, écouter ce qui se passe dans ma tête, et ben ça c'est très drôle. Le reste c'est à travailler. C'est en train d'être bossé. T'as le temps, t'as pas de film. Robinson Latour, toi en ce moment tu travailles sur des projets? Ouais, j'écris des trucs. Sur des Mr. Freeze qui fondent pas? J'espère. Pense à Iceberg, je suis très fatigué. Je t'ai passé sur le monde des tatouages, genre. Ah ouais, c'est pas génial, des Mr. Freeze qui fondent jamais? Bof. Adrien. Et voilà. Alors Aurélien. Non, nous peut-être du nouveau, mais pas tout de suite et pas sûr. Donc ça écrit. On écrit. Et monte sur scène et tu seras la première partie minutes. De Baptiste Le Caplain. Non, mais vraiment, ouais, mec, je te jure, on le fait. Les mecs. Mec, regarde. Octobre-novembre, je vais être en rodage. Octobre-novembre, je vais faire Nantes, Lyon, je vais faire des villes comme ça, genre. Pas ouf, quoi, des petites villes. C'est pas ouf, t'es Lyon, t'es malade. C'était ironique. Non, mais c'est pas loin, c'est en train, c'est à 2 heures. Viens un soir et on le fait. Je crois que on le fait. C'est pas l'argument, c'est loin de Paris, hein, je crois. Vraiment qu'il. Non, mais viens, t'es à côté, t'as 2 heures de train. Oui, c'est pas ça le problème. Si tu veux fuir avant de jouer, c'est pas loin. Non, mais il a accepté. Pour moi, c'est un oui. Aurélien. L'actu? Ouais. Bah, la chaîne YouTube avec plein de nouvelles vidéos qui arrivent dès que j'ai 100 000 abonnés. Ouais. Donc la menace. Non, mais ouais. Attends, mais là, on va te faire booster le truc, là. Ouais, c'est bah, pas je. Possible. Comment? Bah, on va dire aux gens, trouver des gens. Oh là, tu fais un tweet, tu restes un tout petit peu l'audience de cette émission. Tous ceux qui ont vu Waterworld, tu vas arriver à 20 000. Non, voilà, YouTube, principalement. Ouais. Voilà, du sketch Golden, Moustache. Ah, d'accord, aussi. Toujours. J'en fais un truc un peu cool là en février normalement. Super. Bien. Bon bah que de bonnes nouvelles. Et puis bah voilà. Puis quant à moi, et bah, ça écrit en l'occurrence Pitch qui sort bientôt avec Baptiste et plein d'autres petits projets qui sont en train d'écriture. Bon bah voilà, merci à tous. C'était une très longue émission. Merci d'être resté sur le temps. C'était très drôle. Avec plaisir. Et bah, on se retrouve à très bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. Oh, le périph' est bouché. Sache que...